Facebook. J'avais pas verrouillé mon ordinateur. Ouais. Et l'erreur. Mais elle a fouillé aussi. Ouais, non, ça m'a appris une fois dans ma vie. Elle a fouillé parce qu'elle m'a dit j'avais bien des fait doutes. Pour elle. J'avais des doutes. Et voilà. Mais bon, de toute façon, c'était une grosse connerie. J'aurais même pas dû rester avec Simon. Mais t'as raison. Non, mais c'est vrai. T'as fait du mal. Je savais que je suis resté avec elle pour le confort. Voilà. Il faut jamais rester avec une fille. Pourquoi elle était riche? Non, parce qu'en fait, ça rassure d'avoir une maman. Nous, on est dans des métiers qui sont tellement chelous. T'es content d'avoir quelqu'un à la maison. Une épaule. En fait, il faut pas. Il faut mieux rentrer seul chez soi le soir. Bien sûr. Et avoir ses. Toi, tranquille, et de temps en temps de rencontrer l'amour que de se dire voilà, parce que moi j'ai eu plein de changements dans ma vie d'un coup, des changements de ville, des machins, je venais d'arriver sur voilà, et du coup ça m'a fait un peu bizarre. J'ai, tu t'es déjà fait cramer comme ça et tu t'as balancé autre chose? Non, ça va, franchement je suis il est en furtif, ouais, souvent ouais. Parce que je peux vous dire que oui, pourtant il en j'aime standard le Tinder, ouais, j'essaye Tinder plus all option. Tu payes genre? Ah, moi je paye, bien sûr. 20 euros, non, quoi, 10 euros? Vous savez pourquoi je paye? Non, mais alors vraiment, moi je paye pour localiser. Non, je paye parce que je voulais essayer déjà l'option. Ouais, pareil. Ouais. Et du coup, je me suis abonné sur un an comme un pauvre con. Mais moins cher sur un an, forcément. Attends, c'est moins cher. Sur un mois, je peux bloquer le paiement, non? Et c'est ce que j'ai fait là. Ouais, mais en fait, du coup, c'est marrant, c'est que je peux me localiser dans une ville. Ah oui. Et du coup, discuter avec une meuf à Brest, 3 semaines avant qu'on aille à Brest. Et en fait, j'ai un route quand t'es à Brest. Ah, oui. Je fais des cadeaux. C'est ce qu'il avait fait, JM, du standard, quand on était parti à Las Vegas. Ah, il avait acheté l'option pour se localiser à Las Vegas directement. Ah, ouais, alors, est-ce que Las Vegas t'a plutôt... Non, franchement, ça n'avait pas marché sur Tinder. Ouais. C'est vrai. Vegas, ouais. Il avait prévu le voyage. Non, mais c'était un peu. Franchement, c'était des tromblons avec Vegas. En fait, c'était soit. Non, les meufs, c'était soit des tromblons, soit c'était. Tu savais pas, genre, des avions de chasse, mais surnaturels. C'est ça, ouais. C'est vrai, on est alors d'accord. Alors, c'était payant, on croyait pas. Ouais. Voilà. Après, il y avait des prostituées aussi. Ah, il y avait beaucoup de putains. Là, c'est facile. Il y avait beaucoup d'escort girls. 500$ la nuit. Non, c'est clair. Quoi? On tombait sur une. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est le prix. 500$. Ouais. En France, c'est 50€. Ouais. Et non, pas une escorte. Bah, non, pas la nuit. Et pas la nuit. La nuit, c'est 200€ de l'heure. Mais la nuit, tu fais quoi avec elle? Tu dors pas avec elle? En France, c'est 200€ de l'heure. Et si tu la veux pour la nuit, c'est. Ah, bah, 200€ de l'heure. C'est un bon 500. Et donc, t'as pas niqué avec elle? Non, j'ai pas niqué, non. Je vais essayer, tu t'es déjà fait cramer et t'as balancé autre chose. J'ai de la chance, mais moi je cherche toujours à cramer la fille. Je suis avec une fille, mais je trouve jamais rien. Donc, Fouilles? Ah, j'adore fouiller, moi. C'est vrai? Dans le téléphone, Facebook, c'est la troupe ouverte, le mail, moi je chine. Ah, tu regardes? Ah ouais, franchement. Ah là là. Si tu connais le prénom d'un ex, je tape le prénom dans la recherche dans le message. Ah ouais, pour trouver un truc comme ça. Après, embrouille. Ah, tu tapes, putain. Et ouais, comme ça. Et ouais. Tu es déjà tombé sur quelque chose? Non, jamais. Moi j'ai de la chance, ça veut dire que c'est. Jamais, c'est. Alors elle est forte la meuf, mais. Ah ouais. Alors elle change les prénoms. Il doit être dur, ouais. Ouais, un peu. Il doit être un peu dangereux. Ouais. Non, pas dangereux, non, dur. Et imagine. Est-ce que tu as déjà suivi une fille, je sais dire. Ça, c'est intéressant. Attends, j'ai pensé à le faire, je l'ai jamais fait. Ouais. Honnêtement. Pourquoi t'avais des doutes? J'avais des doutes, ouais. Sur une meuf? J'en ai jamais eu, enfin j'ai pas vu les trucs. Ouais, t'as jamais eu de preuves, voilà. Mais je pensais à la suivre, ouais. C'est un challenge. Chez elle. Ouais. Jusqu'à son travail, prendre le métro ou un truc comme ça, je savais son trajet. Voir à distance, tout ça. Ouais. J'ai même pensé à faire mettre les trucs sur les téléphones portables. La puce? Il y a des trucs sur. Non, il y a des applications. Après, ça coûtait trop cher. Je fais, vas-y, c'est bon, je laisse tomber. Non, c'est trop cher pour ça. C'est chaud. Ça, c'est un truc. Mais t'as envie de savoir, en fait. T'as envie de te faire du mal, limite, tu sais. Ah, t'as envie de. Tu cherches un truc, t'as envie de l'avoir en main, tu vois, la preuve. Ouais. J'ai essayé d'attendre. Envie de la cramer quelque part. En fait, c'est nul. Parce que t'avais un doute en fait. Ouais. Un manque de confiance en soi quelque part. Ça. Ouais. Mais je pense d'avoir ouais. besoin de se rassurer. Ah bah oui, bien sûr. Ça. Bah voilà, je suis la masque analyse. C'est vrai, hein, c'est vrai. Moi, quand je suis en couple, j'ai pas peur du tout qu'elle me trompe. C'est bizarre, je ne suis pas du tout jaloux. Je sais que ça peut paraître bizarre, je me dis, bah tiens, si elle me trompe. Ah, mais il y a un truc quand même, non, c'était pas jaloux. Faut l'être un peu. Ah non, un petit peu, mais je ne vais pas être derrière elle. Non, mais c'est sûr, si j'ai un pote qui met la main sur le. Bah oui, sur le dos, forcément. En lui parlant, je veux dire, frérot. Ah ouais, calme-toi. Minimum syndical. Mais après, je veux dire, je vais laisser totalement libre cours à la meuf, et si elle me trompe, bah tant pis pour elle. Et puis voilà. C'est ce que je me dis, je préfère ne pas le savoir. Bah si. Après, je me dis, c'est quand même dur. C'est quand même dur de. Voilà, après, ça dépend combien de temps ça fait que t'es avec, etc. Voilà. Julia. Ouais, il y a une application qui a été interdite par la loi qui s'appelle SpyText. Comment ça s'écrit, SpyText ? L'espion des textos. Et en fait, tu télécharges l'application et les textos de ta meuf arrivent sur ton téléphone. Ah ouais ? Ouais. Ça a été interdit par la loi. Mais comment tu le mets, ça, du coup ? Je sais pas, c'est une application que tu téléchargeais. Faut prendre le portable de la meuf. Mais il faut le numéro de la meuf. Il faut les jumeler d'abord, les téléphones. Ouais, non, mais c'est un truc avec le numéro de téléphone, voilà. Oh, ça va pas être très compliqué. Et t'as piraté vite fait la puce avec les messages. C'est horrible. Moi, je me dis toujours que les services secrets, ils me regardent quand je me branle. Bah ils s'en foutent, franchement ils ont autre chose à foutre. Non, mais je te jure, moi je suis sur un film de cul et c'est pour ça que. Non, mais moi j'ai surtout peur qu'on me pirate dans webcam. Ça c'est vraiment. Mais je fais hyper gaffe. Mais un masque. Je fais des cadeaux. C'est le film qui va sortir sur l'histoire de Snowden. Et c'est ça l'histoire en fait. Il a révélé que tout le monde. Je sais pas qui est Snowden, mais. Bah, c'est un mec qui travaillait à la CIA et qui s'est fait virer et qui est recherché partout parce qu'il a révélé que la CIA surveillait tout le monde. Ah bah oui, c'est sûr ça. Ouais. Et lui, il l'a dit, nous, il travaillait CIA, vraiment. Il y a un mec de la CIA, là, qui a, vous avez vu, qui allait mourir. Et qui a fait un. Il a parlé 18 minutes devant les caméras. Tu as vu, il faut des cadeaux. Je l'ai vu avec toi. Ah ouais, truc de fou, quoi. Il y a une vidéo qui tourne depuis hier sur Internet. Non, mais c'est un truc de ouf. Hein. Le mec, c'est un très très vieux monsieur au grabataire. Vraiment, ouais. Il est pas loin du décès, le pauvre monsieur, ouais. Il est malade et tout. Il le dit au début. Un journaliste en costume aux États-Unis et tout, il dit est-ce que vous avez des trucs à raconter? Il dit ouais, moi j'ai vu dans la zone 51 des extraterrestres. Il dit j'ai plus rien à perdre, j'en ai rien à foutre. Non, que et c'est important que le peuple sache, etc. Il n'a pas l'air de rigoler. Ah ouais, je te jure. Non, il est Flo Decado, il était là. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Il arrive, il dit écoutez, il dit mais c'était quoi le système de propulsion que vous avez vu et tout. Il dit écoutez, moi j'ai vu un vaisseau. Je me suis approché d'un vaisseau. Il était grand comme une maison. Il était grand comme une maison et on pouvait le pousser avec un doigt. Il devait peser 70 kilos en apesanteur. Et il dit voilà, ils ont inventé aussi l'armée un système antigravitationnel. Truc de fou. Et ça, c'est possible un jour. Hein. Non, c'est vrai, c'est ouf. Il a dit il y a une formule mathématique qui enlève la gravité, en fait, un système de propulsion qui enlève la gravité. Il allait mourir, il s'en foutait. Est-ce qu'il a pas vrillé dans sa tête? Bah, c'est ce qu'on. Moi, je pense. Ouais. Il a pris l'apéro, c'est bon. Il est vieux, mais. Je pense, ouais. Ouais. Après, non, mais c'est passionnant, moi, j'adore. Ah oui, le mythe. Après, j'ai du mal à y croire. Je me dis, attends, les extraterrestres, on les aurait vus, quoi. Et tu vois, il y a des films sur eux, c'est hyper intéressant, mais tu te dis, tiens, ces extraterrestres, on les aurait déjà vus, quoi. Ouais, bah ouais, ils viennent pas à l'émission. Tu crois aux extraterrestres, Julien? Non, pas du tout, franchement, mais comme par hasard, ça arrive dans la zone 51. Ça peut arriver dans ton jardin ou à Paris, non? Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Ouais. Non, mais on est d'accord, Non, mais c'est vrai. C'est pour buzzer qu'il a dit ça, mec. Moi, tant que j'ai pas vu un truc, je crois pas. Exactement, ouais. Non, mais pourquoi c'est toujours les autres qui voient les extraterrestres? Et nous, jamais? Non, mais c'est vrai, hein. Et pourquoi ils sont descendus, ils ont dit tiens on va dans une base militaire. Ouais, sérieux, c'est quand même un peu bizarre, quoi. Après on ne sait pas s'ils sont intelligents ou pas, les extraterrestres. Merci, j'ai bien raison. Il a raison. Après s'ils ont réussi à venir jusqu'à nous on n'a pas réussi à aller jusqu'à eux, et c'est qu'ils sont plus malins que nous. Hein. Ah, cadeaux. Ils ont fait la base militaire après l'incident. Ah bon? Oui. Ah, feu des cadeaux, prof en histoire. Ah non, sinon ce serait trop gros. Oui. Non, en vrai, moi j'y crois pas. Il y a beaucoup de vidéos sur internet qui tournent. Ah, c'est pas. C'est les rumeurs. C'est pas la CIA, mais la NSA qui surveille tout le monde. Voilà. Et franchement, en vrai, si un jour il me filme en train de me branler, j'en ai rien à foutre. Bah ouais, franchement. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait une sextape comme Valbuena. Ah, ouais. J'aurais ma Valbuena. C'est ça. Voilà. Bon, allez, bonne nuit. Je vous laisse. J'ai pas vu qu'il était minuit 5. Et tu veux faire une dédicace, Arnaud, avant de partir? Puis je vais essayer. Ouais, faire une dédicace à tous les agents de sécu qui bossent ce soir. Et faites attention à vous, il y a du monde qui vous attend en rentrant, quoi. Donc faites attention. Et puis merci l'équipe, heureusement que vous êtes là tous les soirs, parce que sinon je crois qu'on s'ennuierait. Hein. Ah, merci frérot. Ouais. Salut mec. Donc, merci beaucoup. Je t'embrasse, moi, Arnaud. Franchement, nickel. C'est super cool, frérot. Je te repasse Julia pour le cadeau. On va attendre un petit truc. Allez, bisous. Salut. Bonne nuit, à demain, les gars. 22h minuit tous les soirs, les deux dernières heures de la journée. Demain, on fera, comme tous les mercredis, le médecin de village. Ouais. Voilà, nouveau jeu. Je vais passer pour un médecin, j'appelle les gens dans les villages et je fais croire que je vais m'installer à côté de chez eux. Je leur propose des trucs chelous. Et jeudi, on fera le casting de télé-réalité. Ouais. Bonne nuit, tout le monde. À demain, j'ai attaché. À demain, Guillaume. Salut, bonne nuit. À demain, Guillaume. Salut, Guillaume. Bonne nuit. À demain, Julia. Salut, tout le monde. Bonne nuit, Flo des cadeaux. Bonne nuit, Guillaume. Bonne nuit, tout le bonne monde. Bonne nuit, les copains. On se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram, partout, en Snap, Guillaume Play, PLEY. Est-ce que tu m'entends, Mickaël? Tout à fait. Est-ce que ça fonctionne? Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Tu viens avec nous à la conférence de presse demain ou pas? Oui, demain je viens, ouais. Ah, tu te lèves? Bon, je vais. Oui, bon, on peut-être pas se coucher, je sais pas, on va voir, mais. Oui, la conférence de presse à 9h45. Ouais, 9h45, quoi. Et la conférence de presse, pour vous expliquer un peu, ça ne sert absolument à rien. parce qu'il y a que des conversations dans la salle, c'est même pas pour les journaux. Ouais. Quoi, ça sert à rien. Ouais, bah écoute, apparemment, au moins, on m'a dit qu'il y avait des cafés, des petits fours, tout ça, donc on va voir. Voilà, c'est pour ça que j'emmène toute l'équipe. Voilà, avec des sacs. Flo des cadeaux, repart avec les poches bien. Ah oui, c'est comme les petits déj à l'hôtel, quoi. On part dans une ville, il faut des cadeaux, mec, il remplit, il a des baguilles juste pour ça, quoi. Bon, bah, bonne nuit, les mecs. Et puis, bon, bah, demain. Bien. Ouais, demain, bonne nuit. On verra lequel a le plus de cernes, Koé, toi ou moi. On va voir. Demain. Allez, salut, ciao. Les gars, ciao. La nuit te fait peur. Mais pourquoi? Les cauchemars. Les sueurs froides. Des monstres, des ombres dans le noir. De quoi as-tu peur? La nuit sombre et solitaire. Des sorcières, des fantômes. La tête de teuf. Que d'horreur apparaissent la nuit. De quoi as-tu peur? Et ces bruits, d'où viennent ces bruits? Une impression, une sensation. Frissons lugubres. Dans la pénombre. Les pires choses peuvent arriver. Tu le sais. Alors, cache-toi, ils arrivent. Mickaël. Toff, Polo et Amina. Toutes les nuits de minuit à 4 heures, sur Énergie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée du lundi au jeudi. On est là de minuit à 4h du mat et même le dimanche d'ailleurs de 20h à minuit, on sera là dès ce dimanche. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a la Xbox One S qui est à gagner sur le Facebook de l'émission. Si vous voulez tenter votre chance, c'est sur MIKL officiel que ça se passe. On tirera au sort l'un d'entre vous dimanche entre 20h et minuit. T'as pas passé une bonne journée? Magnifique. Prêt à te faire insulter comme un chien? Mais oui, évidemment. Ah, merde. Voilà, t'es moi aussi, je vous aime. T'es une petite merde, t'es un martyr, t'es un souffle. Oui, exactement. Je mets des bites à ta mère comme ça, je lui tape sur le cul. T'entends? Écoute. Dans ça, t'entends, bâtard, on va finir par voir. Voilà, on en fera d'autres des appels mal intentionnés pour ceux à qui ça manque. Non, le seul truc qui me fait chier dans le dimanche soir, faut dire les choses, c'est que les appels mal intentionnés, forcément c'est plus tôt, donc bon, je peux vous cacher que bon, pendant la nuit, on espère tomber sur des oufs. Autant le dimanche soir, quand c'est plus tôt, comme on l'a fait pendant les vacances d'ailleurs de 20h à minuit, on espère tomber sur des trucs un peu plus light. Hein, parce que bon, forcément, c'est plus tôt, il y a des plus jeunes qui vous écoutent, donc on peut pas faire tout n'importe quoi non plus. Donc voilà, bon, en tout cas, c'est bien, parce que ça permettra à tous ceux qui écoutent le dimanche soir en rentrant de week-end, tout ça, de découvrir ce qu'on fait pendant la nuit. Amina va bien ? Oui, elle va très très bien. Passez une bonne journée ? Ça va, je me suis embrouillée avec un livreur aujourd'hui, mais ça va. Mais est-ce qu'il y a des jours où tu t'embrouilles pas ? Écoute, j'espère un jour, mais là, ouais. Non, c'est parce que j'ai l'impression qu'elle s'embrouille tous les jours. C'est une malédiction, les gens me veulent du mal. Oh, ça y est, bah, l'autre chose maintenant. Oh là là là là là là, j'ai l'impression de parler à Polo en fille. Mais non, mais j'ai jamais dit que j'étais non, mais non, mais dans le sens où, où tout est écrit, où t'as pas de chance, si on te souhaite quelque chose, bah ça va t'arriver parce qu'on t'a souhaité. Non, c'est pas ça. C'est ce que j'explique, c'est que si une personne te souhaite du mal, c'est pas grave. Mais s'il y en a 50, et bah ça crée une puissance. Ouais. Dévastatrice. Ça doit venir on de peut là. Souhaiter une fois du mal à une mais personne. Pas tout le temps, ouais, d'accord. Mais pas une fois. Souhaiter mille fois de fermer ta gueule. Ah, ça, ce serait pas mal, effectivement, tiens. C'est quoi, je t'ai enculé, fils de pute. Voilà, c'était notre ami Tartman. Bon, on fera les appels mal intentionnés, donc tout à l'heure, si vous avez des numéros de téléphone à proposer, envoyez-les sur le mail de Tof, c'est toph@energie.com. Il y a Seba qui est au standard également, dit l'espagnol, dit Alès, dit le parasite, dit Tartuffe. Qui est avec nous au 01 40 71 5000, ça va bien ? Ça va super. Bon, très bien, la journée fut bonne ? Bah oui, on a mangé là avec Polo là tout à l'heure, pépère. Pépère, bah, au frais de Polo d'ailleurs, merci Polo. Hein. Qu'est-ce que j'aime merci pas Polo. Sa voix, putain. Ah, il a une voix de merde. Ah, mais c'est vrai d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on l'a mis au standard. Hein. Comme ça, c'est vous qui avez la voix en premier, pas nous. Voilà, 01 40 71 5000. Vous nous appelez, vous passez en direct à l'antenne, par SMS ça marche aussi. Et bah, c'est Mickaël et votre message aussi, 612. Et attention ! Ce soir, ladies and gentlemen, j'en ai parlé sur Facebook, Twitter et sur Instagram cet après-midi. Il y a des places pour le concert de 21 Pilots à gagner. Ouh, ouh, ouh. L'iPhone 7. Mais c'est uniquement si vous entendez ça. Donc vous entendez ce morceau-là qui est beau, qui est une petite balade, tout ça, etc. Avec ce morceau-là, celui des 21 Pilots. Et si vous entendez ces deux morceaux enchaînés, eh ben il suffira d'envoyer simplement Mickaël espace double comme double hit et votre numéro de téléphone au 6 11 12. Voilà, c'est pas compliqué, c'est par SMS 6 11 12, même numéro pour la France et pour la Belgique si vous voulez jouer avec nous et repartir peut-être soit avec vos places pour 21 Pilots le concert Énergie, ce sera à Paris, soit avec l'iPhone 7 qui ne sortira qu'après-demain. Non, vendredi, donc on est mardi, enfin techniquement on est déjà mercredi, donc après-demain c'est vrai. Voilà, ouais. Je me rattrape aux branches comme je peux, tout simplement. Donc, Gnash et 21 Pilots, ça pourrait. Ça passera avant 4h. Non, ça soyez pourrait. Là. Non, mais autant dire les choses, je vais pas vous laisser traîner. Ça passera avant 4h, le son de Gnash et le son de 21 Pilots. Et donc, iPhone 7 à gagner ou les places pour le concert de 21 Pilots avant 4h du mat, c'est sûr, certain. Caro qui dit bonsoir à toute l'équipe, hâte de rigoler avec vous cette nuit. Bah, salut Caro, merci d'être là sur le Twitter. Vous tapez M-I-K-L officiel pour nous rejoindre. Salut la live, c'est parti pour la nuit de folie avec Audrey et Brian, bisous. Salut à vous deux, Tof. Sale poubelle, je te chie dans la bouche pendant qu'un cheval t'encule à sec. Oh, ben, c'est merci, c'est trop gentil. C'est très sympa ça, signé. Ah, mais c'est Amina. Bah non, ça va pas ou quoi ? J'adore les chevaux. Oh, bah d'accord, ok. Je te remercie. Et toi aussi. Il y a Fred qui dit aussi Gold Café passe, internet actif, téléphone branché, radio allumée. Et ben voilà, on est là, minuit, 4h. Il y a Gwenoline qui est avec nous également à Belfort. Salut Gwen. Salut. Oula, salut Gwen, ça va bien ? Bah écoutez. Bah oui, je serais tenté de dire oui, le soleil brille, il fait beau, il fait chaud. Profitez, c'est bientôt fini. Enfin, je parle pour ceux qui habitent dans le nord, hein, bien sûr. Hein. Ceux qui sont dans le sud auront évidemment la chaleur un peu plus longtemps, bien entendu, comme d'habitude. Bon, Gwen, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, dis-moi ? Eh ben, j'étais en stage. D'accord. Et je me suis plaqué. Et tu t'es quoi ? Et je me suis plaqué. Oh, Gwen, tu sais, c'est pas grave, ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier. Hein. Ah, bah super. Enfin, ça dépend, c'est le premier qui te plaque ou pas ? Bah, je crois pas. Non, mais c'est pas pareil, je l'aimais trop. Bah, ouais, mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux ? Et tu n'as pas pensé à lui mentir ? Eh bien, tu aurais dû. Parce qu'ils adorent qu'on leur mente aussi. Bah, ouais, après, c'est vrai qu'on dit mentez-leur, ils adorent qu'on leur mente, mais ça marche dans les deux sens. Oui, oui, moi, j'ai fait pas de ségrégation. Évidemment. Bon, tu vas nous expliquer dans quelques minutes comment ça s'est passé, d'accord, Gwen ? Tu restes là ? Ouais, ouais, je reste. Bon, bah, vu dans l'état dans lequel tu te trouves, t'en chies, quoi, c'est ça. Hein. La pauvre. Bah, ouais. Ouais, ouais, t'en chies. Bah, pour l'instant, je montre pas que, que ça va pas, quoi. Ouais. Net en chie. Bon. Écoute, Gwen, on va en parler. 01 40 71 5000. Bah, ne serait-ce pas l'occasion de rappeler comment Taf s'est fait larguer comme une merde? Non. Si, il faut montrer à tout le monde que t'as pris chier à un moment ou à l'autre. Bien sûr, bien sûr. Et dites-nous aussi si vous avez déjà eu des moments largage un peu violents. Hein. 01 40 71 5000. Vous pouvez également nous envoyer Mickaël et votre message au 612. Et pas la peine d'envoyer Mickaël espace double pour le double 8 parce qu'il est pas passé encore. Hein. Non, je vous dis ça parce que c'est pas la peine de vous perdre votre temps et notre temps aussi d'ailleurs à envoyer plein de messages. Non mais c'est vrai, voilà, oui, autant attendre. Le principe du double hit, c'est qu'il faut attendre que les deux morceaux passent. Et c'est Clash et 21 Pilots. Et pour l'instant, on va démarrer avec... Ah bah non, c'est pas ça. C'est le son de Supra qu'on écoute tout de suite, la minuit 14. Bon, désolé à ceux qui sont déçus. Hein. Bah, rassurez-vous, ça passera tout à l'heure. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller ce soir. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Les nuits, 01 40 71 5000 si vous voulez participer en direct à l'émission. Il y a Jessica qui dit la nuit peut commencer. Eh bah oui, on est là jusqu'à 4h. Trop content de vous retrouver les mecs. C'est Thomas qui avait envoyé le message. Il y a Philou qui dit au rendez-vous, à votre écoute, bonne émission l'équipe. C'est Philou le Bâcher. Salut à toi Philou. Et Alan, salut la team, on forme avec l'orage jusqu'à 3h du matin. Ah, il y a de l'orage chez toi, dis-moi, t'étais où Alan là? Ici, absolument rien. Tant mieux d'ailleurs. Jules qui dit il est minuit, sans falloir d'en trouver Mickaël et toute l'équipe, gros bisous à vous. Et puis Jeanne Françoise, il fait beau, il fait chaud. Chez moi, ça a été orage toute la journée. C'est la faute de Toff, je suis sûr. Évidemment. Mais t'es où Jeanne Françoise? Dis-moi, putain, je pensais qu'il avait fait beau partout moi. Ouais. Ah bon, bah putain, tu non, je crois qu'à Bordeaux, c'était ah ouais, c'était archi violent, ouais. Ah d'accord, bah appelez-nous, tiens, si vous êtes dans un endroit où il a vraiment fait dégueulasse aujourd'hui, tiens. 01 40 71 5000, vous nous appelez, donc vous soyez en France, et puis bah, si vous êtes ailleurs, faites le 00 33 1 40 71 5000. Restez bien là, on va récupérer Gwendoline qui s'est fait larguer par son mec aujourd'hui, et donc du coup, bah forcément, elle est un peu en tanasse et elle voulait en parler. Donc là aussi, si vous avez déjà eu des galères en termes de plaquage, n'hésitez pas. Oh, Amina, tu t'es déjà fait larguer comme une merde? Bah complètement. Alors, c'est l'histoire de ma vie. Oh, ça y est, l'histoire de ma vie. Le problème, c'est qu'elle s'embrouille comme avec le livreur. Oui, mais c'est donc ça le problème, c'est qu'elle s'embrouille tout le temps. Non, mais je te jure, mais moi, c'est dramatique à chaque fois. C'est-à-dire que la dernière fois, c'était par mail. Par mail? Ah oui, la grande classe. Ah ouais. Par mail pour m'expliquer que du coup, ça faisait 2 ans qu'il avait une autre meuf. Ah ouais, la violence quand même. Bisous, bonne soirée. Cordialement. Ah, cordialement. Oui. Bon, au moins, il est poli, c'est très sympa. Oui, voilà, c'est le connard poli, j'adore. Ah ouais, d'accord. Ouais, okay. C'était super. Bon, du coup, elle est en manque de gros sexe. Alors, si jamais vous voulez ça lui en envoyer, vous pouvez le faire hein, sur son mail. C'est amina@energie.com. Vous pouvez lui envoyer des sexes turgescents. Bon. Toi, va démarrer d'ailleurs, on sera oui, le premier. Oui, bah, avec plaisir. Voilà, le je premier lui envoie sexe. Immédiatement un énorme sexe. Et ben voilà, donc le premier bien, sexe, évidemment. Le premier sexe, non, parce qu'elle pourrait être déçue. Le premier sexe envoyé, donc amina@energie.com. Voilà, il y en a beaucoup qui me demandent comment te contacter. Ben voilà, c'est chose faite. Non mais arrête, je reçois plein de mails, tu sais, de gens qui filment ce qu'ils font aux toilettes, notamment. La classe. Ouais, c'est agréable le matin. Ah, c'est super cool. Ah, oui, en plus le matin. Ah, sinon ils peuvent peut-être envoyer des masturbations. Ah, arrête. Bah voilà, pourquoi pas. Tiens, c'est petit, ça peut être une idée. Bah écoute, tant qu'à faire. Mais histoire, autant, bah, tu verras. Autant tu vas voir que là, bon, on sera pas là pour vérifier. Autant là, elle va recevoir blindée de bites. Autant quand Polo réclame des nibards, il a rien. C'est vrai. C'est vrai. C'est étonnant quand même. Mais c'est pas grave, tu sais, je ça ne me dérange pas. Voilà. Non, mais je réclame pas. C'est pour le service à ces demoiselles. C'est vrai, c'est vrai. Non, bon, je trouve ça étonnant. Si au moins la moitié des mecs qui se masturbent en pensant à elle lui en envoie, il en a au moins pour la semaine. Hein. Ah, ben elle en a pour un petit bout de temps. Bon, restez bien là. Il y a Jonas Blue, qui va arriver. Jonas Blue dans un instant. Il y aura Shakira. Et il y aura 21 Pilots. Tiens donc. iPhone 7 à gagner, je rappelle, si vous entendez 21 Pilot, c'est Gnash enchaîné. Si vous voulez plus d'infos, si vous voulez voir un petit peu la gueule de l'iPhone 7, vous pouvez venir sur mon Facebook, c'est sur M-I-K-L officiel. Bon allez, bougez pas, on se met la pub rapido, si on revient avec la nuit sans pub, juste après. Toutes les nuits jusqu'à 4h, c'est Mickaël sur Énergie, mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L officiel. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Jean-Baptiste ? Oui ? Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Ton salaire, c'est 1700 euros, je vais le doubler, ça va faire 3400 euros. Bah, merci à vous, franchement, vous êtes géniaux, je vous écoute tous les matins, continuez comme ça, me faire rire, franchement, vous êtes super. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Énergie présente la Technoparade. Rendez-vous le samedi 24 septembre à Paris pour le plus grand événement électro de France. La Technoparade. Au programme, les meilleurs DJ français et internationaux du moment avec des sets house, dubstep, drum and bass, trance, techno, hardcore et électro. Plus d'infos sur technoparade.fr. La Technoparade, le 24 septembre à Paris. Un événement Énergie. It's music only. Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money, 3 Miami Boys, you know what time it is. Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Dream. I wanna make it ooh, ah, feel you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Give me the green light, and we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. and I really pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Lego. Give me what I asked for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, Serena Venus. Glow a genius, smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. Toutes les nuits de minuit à 4h. 01 40 71 5000. Eh ben oui, on est de retour. 01 40 71 5000. Il n'y a plus de pub pendant le reste de la nuit. On est à la cool. Si vous voulez participer à l'émission, eh ben le 01 40 71 5000 fonctionne. Les SMS également. C'est Mickaël. Espace votre message au 6 11 12 donc. Et puis je vous rappelle aussi d'ailleurs que ça fonctionne sur Facebook, Twitter, sur Instagram également. D'ailleurs, je tiens à saluer Magnum qui écoute l'émission. Hein, Magnum la glace. Hein. Parce que le moustachu à la télé. Mais non. J'hésitais entre un Magnum et un Twix. Alors je l'ai tweeté pour voir lequel je devais prendre. Et donc Magnum, du coup, qui préfère que je mange Magnum plutôt que Twix, normal, a dit voyons Mickaël, pas de sang entre nous. Voilà, et comme c'est un peu la phrase fétiche, un peu la phrase fétiche de Toff et donc de l'émission, du coup voilà. Oui, je vais réclamer un peu. C'est quoi, je t'ai enculé, fils de pute. Voilà. Je mets des bifs à ta mère comme ça, je lui tape sur le cul. T'entends, écoute. Voilà, tiens, il y a un message qui dit comment est-ce que je peux faire pour passer en live? Bah appelle-nous, hein. 01 40 71 5000. Et puis sinon t'as laissé ton numéro sur SMS. Donc Seba va te rappeler dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a comme message également? 612 donc, M-I-K-L est votre message. Et bon, Gwendoline qu'on va récupérer avant de se faire les appels mal intentionnés. Et ce soir, car c'est mardi, le mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente. Bon, alors Gwendoline de Belfort, bon, raconte-nous un petit peu là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tout ça, tout ça. Comment expliquer? Bon, déjà, t'étais avec lui depuis combien de temps? 6-7 mois. 6-7 mois, bon, d'accord, ok, très bien. Donc, pour rappel, tu t'es fait larguer comme une merde, hein, comme on l'a dit, hein, voilà. Donc, ça fait 6-7 mois que vous étiez ensemble, très bien. Et donc, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, une de mes potes qui m'a appelé en me disant oui. Sur son balcon, j'ai vu une ombre, c'était une meuf, je sais pas quoi. Du coup, moi, comme une conne, je l'ai cru. Du coup, je lui ai envoyé un message hier soir en lui disant « Ouais, t'es avec qui et tout? T'as fait quoi aujourd'hui? T'as fait quoi ce soir ?» Je l'ai harcelé, quoi. Et du coup, il a dit « Oui, mais t'as pas confiance en moi et tout. C'est pas la première fois, donc je te plaque. Même si je t'aime, nanana. » Bon, attends, mais c'est quoi le problème alors? J'ai pas compris. C'est-à-dire que t'as grillé une meuf et puis... Non, sa copine. Ouais. Oui, mais voilà. Une pote qui n'est pas vraiment une pote, quoi. Et du coup, c'est un peu elle qui a tout cassé, quoi. Ouais, elle a menti pour foutre la merde. On va dire ça comme ça. D'accord. Enfin, je pense qu'elle assume pas, en fait. Et donc, du coup, il t'a viré? Ouais. Mais... Vous avez pas autre chose à faire? J'ai vraiment l'impression que c'est... Non mais, toi, j'ai l'impression... Alors c'est pas contre toi Gwendoline, parce que t'as 19 ans, tout ça, y a pas de problème. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment des trucs, tu sais, comment dire ça? Pour se prendre pour des oui, vieux. Pour jouer au grand... Oui, ouais, voilà, j'ai décidé que c'était fini entre nous, tu comprends, parce que là, ça va plus... Mais amusez-vous, putain de merde. Non mais c'est vrai. Ouais, mais vous les gars, vous êtes comme ça de toute façon. Comment ça on est comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pas vrai. Non mais qu'est-ce que tu veux dire par on est comme ça? Genre, c'est bon, il y a une meuf qui est jalouse et tout, ça vous saoule, donc vous la plaquez, quoi. Ah oui, ah bah bien sûr. Non, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une différence entre jalouse et jalouse. C'est-à-dire que si ta meuf montre qu'elle tient à toi et que voilà, ça l'emmerde un peu, qu'il y a d'autres meufs qui te tournent autour, bon, voilà, ça peut être mignon, comme on peut dire, voilà, pourquoi pas. Mais quand t'as une meuf, ou ça marche pour un mec, bien sûr, hein, mais quand t'as une meuf qui te prend la tête dès que t'as le mal, parfois c'est pire, parfois c'est même pas toi qui va dire quelque chose à une fille ou voilà, que la fille vienne parler. Non! La fille te regarde et c'est toi qui te fais engueuler. Tu te dis, bah non, J'y peux rien. C'est ouais, parce que mais tu bah, lui as lancé des signes. Ouais, parce que si, je suis sûr que tu lui as fait un regard qui a fait qu'elle t'a regardé. Bah non. Et donc, tu sais, il y a un moment quand tu te prends la tête tout le temps, parce que pour rien, tu sais, encore tu fais de la merde, tu trompes ta meuf, tu te fais gauler et la meuf te fait un scandale. Bon, bah t'as fait de la merde, assume. Mais quand tu fais rien et t'es là et tu te fais défoncer pour rien, voilà, et ton téléphone sonne, c'est SFR qui t'appelle pour te proposer un nouveau forfait, c'est une meuf, pas de chance. Oui, c'est une meuf qui t'a appelé. Bah oui, c'était SFR. Oui, bah t'as décroché parce que tu savais que c'était une meuf. Tu sais, je prends des exemples comme ça. Hein. Non mais, il y a des meufs qui sont vraiment comme ça quoi. Mais il faut la rassurer de quoi. Non, franchement, moi je tombe sur une meuf comme ça, je la dégage. Ne t'inquiète pas, je vais rester chez Orange. Non, mais franchement, moi je tombe sur une meuf comme ça, je la vire. Hein. Ah oui, il faut la dégager. Attends, il y a un moment, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Arrêter, t'es avec une meuf, ou encore une fois, je le dis, ça marche dans les deux sens, mais t'es avec une meuf, c'est pour kiffer, passer du bon temps, c'est pour. Mais c'est pour profiter du coup. Mais c'est ça, c'est pas de te casser la tête, quoi. Mais on est d'accord, c'est ce que je dis toujours. Tu ne te mets pas au couple pour faire comme les autres. Ou pour dire ouais je suis avec quelqu'un. Parce que c'est vrai. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, que vous soyez en couple, honnête ou malhonnête, n'oubliez pas, pour garder la meuf, mentez-lui, elle adore qu'on lui ment. Allez hop. Au secours. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a, toute noire? Bah oui. Non mais c'est abusé. C'est bah, la vérité. Et quoi? Non mais bon, je veux dire, voilà, on n'est pas là pour. Toi t'es une chiante. Je suis sûre, Amina, que t'es jalouse. Alors, je l'étais avant, c'est vrai, on va pas se mentir. Avant quoi, déjà... avant quoi? Non, avant, il y a quelques années, il m'est arrivé d'organiser quelques filatures, notamment. Tu vois, oh là là. Et tu sais que ça, je peux t'aider jusqu'à suivre ton mec. Ah, mais tu sais que ça, je peux. Alors, je peux. Oh, les filatures, là. Avec des copines. Des filatures. Oui, bah, j'ai bien fait, parce que figure-toi que j'ai trouvé des histoires, mais pas possible, hein. Laisse tomber, hein. Dans les centres commerciaux, etc., je me cachais dans les parkings avec mes copines, enfin, c'était. Oh là, mais t'avais quel âge? Ouais, 16-17 ans. Oui, bon, 40. Allez, c'est excusable. Non, bon, à cet âge-là, c'est excusable. Voilà, pourquoi pas. Non, mais franchement, vous n'avez pas autre chose à foutre, sans déconner, quoi. Mais même justement, à cet âge-là, tu dois t'amuser, quoi. Mais oui, mais voilà. Amine, si vous êtes en couple, pourquoi pas. C'est comme ceux qui me font marrer, 13 ans. Ouais, je suis en couple. T'as autre chose à faire, sans déconner, quoi. Non, mais voilà, je veux dire, bon, après, si vous l'êtes, pourquoi pas. Mais vous prenez pas la tête pour rien, quoi. Oui, mais après, t'es obligé de te prendre la tête en couple. C'est pas les bisounours, il y a tout le temps des histoires. Bah non. Bah arrête. Mais non. Tout est rose, tout est super. Et pas tout est pas rose, mais il y a un moment t'es pas obligé de faire un drame ou un scandale chaque fois qu'il se passe un truc. Ah bah ça je suis d'accord. Bon bah voilà, c'est tout. Regarde Toff. Oui. Tu te fais scandaliser toi ou pas? Oui. Tout le temps. Ouais c'est ça. Tout le temps, la dernière fois elle m'a attaché au radiateur pendant une semaine. Non mais Toff est insoumis, c'est pas la même chose. Toff t'es une putain, donc c'est normal. Non. Michel. Tu te fais maltraiter. Non mais bah, c'est vrai, Toff il est. Bah t'es soumis par tes meufs en général. Bah, évidemment. Quand je dis soumis, c'est parce que dès qu'elle t'engueule, tu commences pas à chercher l'embrouille. Ah, c'est bien, ça. Moi je m'embrouille pas, ça sert à rien de toute façon. Non mais alors, mais t'en sais bien. Sauf que, à un moment, quand la meuf se rend compte que quand elle gueule, bah, il y a pas un répondant derrière, elle va dire, ouais, mais le mec, il est tout mou, il est trop gentil. Voilà, il est trop gentil, je veux un mec, je veux un vrai. Et quand elle tombe sur un vrai, ouais, c'est un fils de pute, il me parle mal, il me traite mal. Bah ouais, mais alors quoi? Non, mais il y a des limites, enfin, il y a une nuance entre le petit agneau qui pleure dès que tu dis quelque chose et l'autre qui va péter un mur parce que t'as oublié de voir la boîte aux lettres. Non, mais voilà. Bon, Gwen, il en était où dans ce niveau-là, ton mec, là? C'était le mec qui chiale tout le temps ou le mec qui pète un câble et qui casse des murs? Aucun des deux. Bon, il était où en moyenne? Plutôt vers le cassage de mur ou vers le petit moineau? Petit moineau. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Bon, et bon, écoute, t'as l'air de plutôt rigoler, donc ça va, t'as été quand même pas au bord du suicide, Gwen. Parce qu'il y en a parfois, quand ils ou elles se font larguer, ils sont au bord du suicide. Ouais, là, ça va, mais tout à l'heure, j'ai fait un peu une crise d'angoisse. Mais il faut pas. Non, mais c'est un connard. Bah oui. Évidemment, de toute façon, tous les mecs sont des connards. Évidemment. Ah bah, bien sûr, oui, bah, surtout Toff. Hein, c'est lui qui fait la majeure partie de cette image que les mecs ont d'ailleurs. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ouais, non, mais il faut le préciser. Bon, Gwen, reste avec nous deux secondes. Tiens. Vous avez déjà vécu des moments de largage, justement, là, assez violent. Ou pas, hein, cela dit. Appelez-nous pour qu'on en parle. 01 40 71 5000. Il y a un message qui dit putain d'orage entre Le Mans et Rennes. Vent fort, accident sur l'A80, direction Laval. Bah, prudence si vous êtes dans le coin, là. Moi, je suis en tente sur Pornic. Dans le 44, grosse pluie, orage, truc de dingue. Salut, je suis routier et avec vous, je sais de la rigolade. Et bonjour aux routiers de la nuit, bisous à vous. Attends, qu'est-ce que c'est un petit message qui est arrivé? S'il te plaque pour un truc comme ça, il t'aime pas, laisse tomber Miss. Oui, non, mais bien sûr, c'est évident. Donc 612, débutez le message par Mickaël. Vous laissez votre message et votre numéro, on vous rappelle. Et puis on va s'écouter le son de Jonas Blue maintenant et on sera Les appels mal intentionnés juste après sur Énergie. On va se mettre bien, hein? Ah bah oui. Bah voilà, allez, bougez pas, c'est Mickaël sur Énergie. C'est une merde, c'est une petite merde, c'est un martyr, c'est un sous-fifre. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? To go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for better. Maybe the life will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the life will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Passez une bonne soirée tout le monde. Alors si vous étiez en train d'appeler le 0140 71 5000 et que personne décrochait, c'est parce que Seba fait de la merde. Donc voilà, comme ça sonnait pas au bon endroit. Donc voilà, c'est bon, vous pouvez rappeler dès maintenant, ça fonctionne. Le standard fonctionne maintenant, la tour démarrée. Ouais, mais vous comprenez pas pourquoi ça sonnait pas sur bah voilà, portable. Bah je sais bien, ouais. Bah 0140 71 5000, au moins le problème est résolu, tiens. Mickaël sur Énergie. Ce sont des sensations, des goûts, des couleurs. Mickaël. Intense et suave. De la passion et de la force. Sauf et sans saveur. Des miettes de cerveau, des produits périmés. Polo, de la dureté, de la noirceur. C'est dégueu et un peu salé. Amina, c'est quelques grains de semoule et de la douceur dans ce monde de brut. Mickaël sur Énergie, de minuit à 4h. Tous les goûts sont dans la nature. Eh oui, on est là d'ailleurs, minuit 36. On va récupérer Gwendoline dans un instant, qui s'est fait donc larguer par son mec. Et donc si jamais vous avez déjà vécu un drame comme celui-là, être viré par votre copain ou votre copine, 01 40 71 5000, le standard refonctionne. Vous pouvez nous appeler maintenant, c'est Seba qui décroche. Vous pouvez y aller, pas de problème, vous passez après en direct avec nous. On fera le mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente aussi, dans une petite vingtaine de minutes avec une Xbox One à gagner. Et puis on va se faire les appels mal intentionnés maintenant. Avec une grande question d'abord. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas de capote, Amina? Bah rien. Ou en acheter. D'accord. Tof? Une faciale. Oh. Polo? Quand t'as pas de... Bah j'évite, je me barre. Tu te barres? Je fais rien, bah oui, tu veux pas, je veux pas risquer de rappeler de maladie pour rien. Évidemment. Et ben il y a un couple de Viettes qui a eu la bonne idée de prendre un sac en plastique. Résultat des courses, brûlure, infection, saignement. Bref, en fait, ils ont eu que des emmerdes, hein, parce que de toute façon, les maladies peuvent passer par là. Bah oui, oui. Donc au final, ils se sont dit, oh, mais on n'a pas de capote, on va mettre un sac. Ah bah oui alors. Hein, c'est plastique. La scène elle devait être hyper romantique. Ah ça je te confirme ouais. Donc Tof, tu vas voir avec tes amis s'ils ont déjà utilisé autre chose qu'une capote. Bah oui, allons-y. Bon, si vous avez déjà eu des problèmes de capote aussi, appelez-nous tiens 01 40 71 5000. Bon, on y va. On appelle grâce au numéro que vous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Tof, c'est sur toph@energie.com. Minuit 38, c'est parti, on y va. Allez. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous avez déjà utilisé autre chose qu'un préservatif pour vous protéger, monsieur. C'est une cassance, non ? Mais non, pas du tout, monsieur. Pourquoi vous dites ça ? C'était qui, toi, en fait ? Tof, monsieur. Je m'appelle Tof. Tof. Putain, tes parents, ils ont passé vraiment un autre fils de pute. Oh non, monsieur, non, dites pas ça, ça se fait pas. Comment ça, ça se fait pas ? Ça se fait ? Bah oui, moi, je vous appelle juste pour vous poser une question, monsieur. La moindre des choses, c'est de répondre. Allez, pose-moi ta question. Bah, en fait, je voulais savoir si vous avez déjà utilisé autre chose qu'un préservatif pour vous protéger, monsieur. Et puis en fait, ça dépend. Tu vois, avec ta mère, c'est pas les préservatifs que j'utilisais, tu vois. Ah, vous avez utilisé quoi ? Bah, tu lui demanderas. Ah, bah non, monsieur, je suis au téléphone avec vous, je vais pas lui demander. Non, mais t'es con, en fait, t'es vraiment con. Tu me casses les couilles, là, mais raccroche, tu me casses les couilles. Bah, je vous casse pas les couilles, monsieur, je vous pose une question, vous répondez, et puis on se fait des poutous, on se souhaite une bonne nuit. C'est des poutous, je fais des poutous à ta mère, moi, non ? Bah non, monsieur, pourquoi vous voulez faire ça ? Bah parce que ta mère, elle est bonne. Oh, c'est gentil, ça lui fera plaisir, monsieur. Bah, si, bien sûr, monsieur. Mais par contre, faut lui changer la schneck. Ah bon ? Oula. Ah, allô ? Ouais, oui, bon, son téléphone marche pas très bien. Hein. Oui. On va quand même le rappeler des fois que ce soit la ligne. Hein. C'est parti, on y retourne. Ah, trop, qu'est-ce oui. Tu veux, putain ? Qu'est-ce que tu casses les couilles ? On a été coupé, monsieur, c'est pour ça. Ouais, coupé, ouais. Ouais, d'accord. Tu veux, c'est bon, tu peux pas me lâcher, donc d'où t'as eu mon numéro ? T'es qui, toi ? Tof, monsieur, Tof. Je suis Tof, et Tof. J'ai eu votre numéro sur 118-218, toutou youtou. Ouais, d'accord, c'est ta mère qui travaille aussi, non ? Ah non, pas du tout. Non, Et... Tu l'as eu comment, ce putain de numéro ? Tu l'as eu comment, putain de numéro ? 118-218, monsieur, toutou youtou. T'es marrant, toi, t'es marrant, non ? Jamais bah non. Du club, tu connais ? Non. Non, mais franchement, tu commences à te casser les couilles, là. Tu veux pas raccrocher, mais c'est tranquille, je suis en train de manger. Bah, vous répondez à la question, monsieur. On souhaite une bonne soirée, on raccroche et puis on n'en parle plus. Ta putain de question de merde, là ! Bah, non, monsieur, c'est pas une question de merde. Enfin, pourquoi vous dites ça ? C'est une question qui te ressemble, une question de merde. Non, dites pas ça, monsieur, c'est pas gentil. Tu commences à me casser les couilles, va te faire enculer. Oh non, monsieur, c'est très vulgaire, ça. T'as eu bien pire, hein. Va te faire enculer, c'est très vulgaire. Bah, ah oui, quand même. Non, t'as eu vachement pire. Bon, on rappelle. Mais c'est pas la peine de vous énerver, monsieur, répondez à la question. Je m'en fous, ta question de merde, là. Non, dites pas ça, monsieur, c'est pas gentil. Rien n'est gentil avec toi, rien. Bah non, monsieur, c'est pas de ma faute. En même temps, vous êtes vulgaire et désagréable, moi j'y peux rien. Mais moi, je m'en bats les couilles de ce que tu me racontes, tu comprends ? Tu comprends que je m'en fous, je m'en cire, bah, je ou... m'en tape. Oui, je comprends bien, monsieur, tape. Mais ça vous empêche pas d'être poli et de répondre à la question. Allez, répète ta question, répète. Alors, je voulais savoir si vous avez déjà utilisé autre chose que... Non, mais je m'en bats les couilles, tu me saoules. Non, dites pas ça, monsieur, non. Ferme ta gueule, ta gueule, moi, j'aimerais bien, monsieur, mais vous répondez pas à la question. Rappelle plus sur ce putain de numéro, tu comprends ? Bah non, je comprends pas, monsieur, parce que moi, vous répondez pas, donc je suis obligé de vous rappeler. Ah ouais ? Bah oui. Ah ouais, mais t'as rien à faire ta vie, tu fais quoi dans ta vie ? Je suis chômeur, monsieur. Chômeur. Oui. Ça veut dire que t'as vraiment rien à faire ta vie en fait. Ah oui, c'est ça. Chier. Non, je me fais pas chier puisque je vous appelle, monsieur. Mais va chercher du boulot. Bah pourquoi faire ? Chercher du boulot. Bah pourquoi faire, monsieur ? Moi j'aime bien vous appeler. J'appelle des gens inconnus. Déjà, appelle-moi un inconnu déjà. Mais c'est parce que c'est bloqué dans le téléphone. Maman l'a fait une bêtise avec la box et du coup on n'arrive plus à afficher le numéro. Oui. T'as quel âge ? 35 ans. 35 ans, c'est ta mère qui s'occupe de ton téléphone, espèce d'idiot. Oui, c'est ça. Ah mais t'es vraiment mais bien plus bas que ce que je pensais. Mais allez, casse pas les couilles, me rappelle plus parce que la prochaine fois je vais te casser la gueule. Ah non, dites pas ça, monsieur, parce que moi je vais être obligé de vous rappeler parce que vous avez pas répondu. Écoute, je vais te rentrer ma main dans ton cul. Oh non. Sortir par ta bouche, ta race. Oh non, monsieur, non. Non, ça va faire très mal, ça, monsieur. Vous pouvez pas faire ça. Et me casse pas les couilles. Tu comprends ? Tu me comprends ? Me casse pas les couilles, mec. Oui, je comprends, monsieur. Mais moi je vous appelle, je vous pose une question. T'as compris ? Ferme ta gueule et va te faire enculer. Mais non, moi je veux pas me faire enculer, monsieur. Je veux que vous répondiez à ma question. Bah oui, mais il t'a dit ferme ta gueule et va te faire enculer, donc t'as pas compris. Bah non. Bon, on rappelle. Allô ? Oui, je m'excuse monsieur, mais on a encore été coupé. Et vous avez toujours pas répondu à la question. Putain, mais t'es sérieux toi ou quoi là? Bah oui, moi je suis sérieux, monsieur. Attendez, moi je vous appelle pour vous poser une question. La moindre des choses, c'est de répondre. Oh, mais lâche-moi, mec, lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi, bordel. Bah je veux juste savoir si vous avez déjà utilisé autre chose que des préservatifs pour vous protéger, monsieur, c'est tout. Mais quelle utilité? Ta question n'a aucune utilité. Bah si, d'avoir une réponse, monsieur. Vas-y, t'écoute. Vas-y. Bah je vous ai posé la question, monsieur, maintenant c'est à vous de répondre. Ferme ta gueule, tu me saoules là, tu me saoules, mec, tu me saoules. Mais non, je vous saoule pas, monsieur, je vous pose une question. Putain, le mec, il va me saouler alors que j'ai pas bu une bière. Bah pas oui. Bah buvez une bière, monsieur, ça vous aidera peut-être à répondre. Tu fermes ta gueule, je me fous de toi, t'es que merde, tu sais rien faire de ta vie, putain. Bah si, monsieur, je sais vous poser des questions et vous voulez pas y répondre. Mais t'arrives même pas à me faire répondre à tes vieilles questions de merde, mec. Et elle est pas vieille, ma question, monsieur, elle date d'aujourd'hui. Ouais, mais c'est de la merde, ta question. En tous les cas, c'est de la merde. Oh non, monsieur, je peux pas vous laisser dire ça. Non. Tu me saoules, mec. Non, monsieur, dites pas ça. Tof, comment s'écrit Tof? T-O-F? Non, P-H, monsieur. T-O-P-H? Oui. T-O-P-H? Oulala. Oui. Mais tes parents, ils étaient bourrés quand ils ont donné son prénom, ce prénom ou quoi? C'est quoi? Bah non, monsieur, pourquoi vous dites ça? Mais parce que c'est moche. J'espère que ton visage ne ressemble pas à la beauté de ton prénom, parce que tu devrais être dégueulasse, mec. Oh non, monsieur, non, dites pas ça. Oh non, c'est... Je suis désolé, tu me casses les couilles là. Tu vois, j'ai commencé à être méchant, j'ai commencé à me saouler. Bah oui, monsieur, mais si vous répondiez à la question, on n'en serait pas là. On va manger tranquillement chez nous, bordel de merde. Bref, me casse pas la tête, me rappelle plus. Ça, tu me saoules. Bah oui, mais réponds à la question, je vais être obligé de vous rappeler. Tu me saoules. C'est bon ? Bah non, c'est pas bon, monsieur. Tiens, mec. Non, bah non, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout, même. Bon, encore une fois, on rappelle. Bah oui, encore une fois. Enfin, j'espère. Nick. Ta mère, tof de mes couilles, ça y est, je m'as saoulé. Oh, bah, tu me saoules, tu veux quoi toi? Bah une réponse à ma question, monsieur. J'arrête pas de vous le dire. Quelle réponse? Vas-y, c'est quoi ta question? Bah en fait, je voulais savoir si vous avez déjà utilisé autre chose qu'un préservatif pour vous protéger. Oui. Et vous avez utilisé quoi? Un chat à ta mère. Mais non, c'est parce que avant de rentrer dans la chatte à ma mère, est-ce que vous avez mis quelque chose sur votre bite? Oui. Et vous avez mis quoi? La bouche à ton père. Ah d'accord, oui. Oui. Mais du coup, ça a été difficile pour rentrer dans la chatte à ma mère. Non. Ah bon. Les ciseaux, ouais, ça existe. Hop, j'ai découpé la bouche, hop, hop, hop. Ah oui. Bouche, hop, sur le zbeub. Ah oui. Zbeub, quoi. Ah bah zbeub, alors, d'accord. Eh bah parfait, monsieur, on peut souhaiter une bonne soirée. Mais une bonne soirée à ta mère, à ton père et à ta soeur, ta grand-mère aussi. D'accord. Et voilà, quoi. Eh bah parfait. C'est Allez, bon. On se fait des poutous. Un poutou à ta mère, mais pas à toi, non. Ah bon, d'accord. Bon, bah je suis déçu. Un petit bisou quand même. Allez, un petit bisou. Allez, bisous, monsieur. Et puis, j'hésiterai pas à vous rappeler, vous êtes tellement sympathique. Allez, ça marche, allez. Allez, bisous, hein, au revoir. Allez, ciao, salope. Ouh, salope, carrément. Bon, ben voilà, nouvel ami, dis donc. Il est sympathique en plus. Tout cet amour, cette tendresse. Ah ouais. Bon, on va prendre Gwendoline dans un instant. Si vous avez d'autres numéros de téléphone à proposer à Tof, on en fera d'autres dans moins d'une heure, des appels mal intentionnés. Et ben, vous les envoyez sur le mail de Tof. C'est toph@energie.com. On aura Elton aussi dans quelques minutes. On va se faire, bien entendu, également le menteur, elles adorent qu'on leur mente. Message, il dit: salut Jennifer, je me suis fait larguer, enceinte de 6 mois. Jeu positif, je m'amuse, j'ai des aventures. Et ben, écoute, Tof a toujours voulu coucher avec une femme enceinte. Non, j'ai déjà fait. Ah, t'as déjà fait, pardon, t'as vraiment très bien. Alors, non, c'est une femme mariée. Enfin, en fait, non, c'est pas. Alors, mariée, enceinte et rousse, et c'est parfait. Ah oui, alors là, mais juste avant, c'est-à-dire juste avant qu'elle aille dire oui à l'hôtel, je veux lui mettre un coup. Oh là mais là, c'est horrible. Bah oui, j'ai jamais dit de marier pour grand, ma foi. Bah, j'ai jamais dit que c'était un truc sain et classe. Hey, mais celle qui était enceinte et qui t'a couché, elle était mariée ou pas? Elle était pas mariée, mais là-bas, hein, mec. C'est vraiment un sac de pourriture. Oh le bâtard. Oh là là. Bon, il y a Lynn qui dit bonsoir Mickaël. Salut à toi Lynn. Bon, regarde pas comme ça Amina, c'est pas grave. Je suis très choquée. Bah vous pouvez me follow sur MIKL officiel sur Twitter, sur Instagram également. Faites un petit like sur la page Facebook de l'émission, c'est MIKL officiel également. Et puis je rappelle que l'iPhone 7 a gagné ce soir avant 4h du matin. Si vous entendez le son de Gnash enchaîné avec 21 Pilots. Alors 21 Pilots, c'est ça. Et Gnash, c'est ça. Peu importe l'ordre, hein, si ça peut être Gnash d'abord et 21 après ou inversement. Si vous entendez les deux, vous envoyez Mickaël espace double et votre numéro de téléphone au 612. On vous offrira soit deux places pour le concert de 21 Pilots à Paris, concert énergie, soit

time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Et voilà le double hit qui vient de passer. Bon, on va laisser la chance encore au retardataire parce qu'il y a le serveur qui a un peu de lenteur évidemment. Donc si vous avez envie de repartir avec votre iPhone 7 ou les places pour 21 Pilots, le concert avec Énergie à Paris, faut envoyer donc simplement Mickaël espace double double hein, comme double hit, et votre numéro de téléphone au 612. C'est également le même numéro pour la Belgique. Je l'avais pas précisé, mais comme ça au moins vous le savez. Si vous êtes en Belgique, vous pouvez aussi gagner. Vous envoyez donc Mickaël espace double et votre numéro au 612. On appelle le gagnant ou la gagnante. Allez, je vous laisse encore 5 minutes pour vous inscrire. Tu peux compter les moutons. 1, 2, 3. Mais ça ne marche pas toujours. Ou bien tu peux attendre que le sommeil arrive. Tu n'arrives pas à dormir. Parfois c'est long. Long. Très long. Très long. Mais c'est mieux de ne pas insister. Plutôt que de chercher le sommeil. Écoute Mickaël sur Énergie. De minuit à 4 heures. Bon, et alors, comme je le dis depuis des années d'ailleurs aussi, forcément, bah, plus vous jouez à un moment où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est-à-dire en pleine nuit, plus vous avez de chances de gagner. Forcément, ça tombe sous le sens. Ce qui ne marche pas au loto d'ailleurs. Bah parce qu'au loto, forcément, on peut jouer n'importe quand. Alors que là, c'est maintenant à minuit 56, et donc forcément, il y a moins de monde que le matin avec Manu, par exemple. Jeanne-Françoise, pardon, qui dit Mickaël, avec le hashtag Mickaël. Mon pauvre monsieur, si tu savais, le visage de Toff est pire que son prénom. C'est vrai. Ah oui, ça, c'est par rapport aux appels mal intentionnés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on va récupérer Gwendoline de Belfort, qui nous avait appelé parce qu'elle s'est faite larguer par son mec. Telle une merde, hein, on peut dire des choses, Gwendoline. Non, mais attends. Non, mais c'est vrai ou pas? Oui, surtout que elle peut pour rien aussi, quoi. En plus, mais enfin bon, voilà, visiblement le mec. Non, mais tu as pas écouté ta copine. Non, mais c'est surtout que le mec avait l'air un peu chiant, donc bon, globalement. Oui, mais je sais pas. Non, il est pas chiant, je sais qu'il m'aime, mais il fait ça parce qu'il en a marre, mais ça me saoule en fait. Ouais, ben d'accord, mais. Écoute, à un moment, soit tu vas discuter avec lui, tu remets les choses au clair, soit tu lâches l'affaire, hein. Moi, là, c'est l'affaire, jamais. Bah oui, mais bon, Gwen, vas-y, putain, si le mec il veut plus de toi, lâche l'affaire, trouve un autre, qu'est-ce que t'en as à foutre? Oh, cette fierté, oh, je lâche jamais l'affaire, c'est par principe. On dirait Toff. Non, lui, il lâche toujours l'affaire. Je veux dire que. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai fait des trucs avec lui que j'aurais jamais fait avec quelqu'un d'autre, quoi. Ah bah oui, mais t'inquiète pas, tu feras encore des saloperies avec d'autres mecs, hein. Ouais, non, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que t'appelles saloperie, Gwen? C'est moi qui dis saloperie. Qu'est-ce que t'appelles? J'ai fait des trucs avec lui. Un seul exemple, un seul. On s'est fait un bisou. Non, mais non, mais tu vois. Non, c'est la première fois que j'avais fait quelque chose. Ben voilà, quoi. La première fois que t'as couché avec un mec, c'est avec lui? Voilà. Eh ben, j'espère que ce sera pas le dernier. Hein. J'espère, ouais, pour toi. Bon. Bah quoi, j'espère pour toi Gwen. Oui, ok, c'est le premier mec que t'as eu, c'est ta première relation sexuelle, tu vas t'en souvenir. Bah évidemment que tu vas t'en souvenir. Mais voilà, c'est pas parce que c'est le premier que automatiquement, faut arrêter les filles de croire que le premier mec avec qui vous allez coucher sera l'homme de votre vie. Ça va arriver, mais c'est une sur je sais pas combien. Et puis surtout, je vous souhaite pas que ça arrive. Parce que putain, à un moment, après des années, vous allez vous demander si sexuellement c'est bien, si vous... Est-ce que votre mec est bien au lit? Est-ce qu'il est pas bien? Est-ce qu'il y a mieux? Et donc forcément, ça va vous titiller. Pareil chez les mecs, hein, si vous êtes sorti qu'avec un seul mec, qu'avec une seule fille, il y a un moment où vous allez être curieux. Et c'est normal. C'est normal. C'est comme votre première voiture. À un moment, vous allez vous demander aussi si la voiture de votre pote, elle va pas mieux. Oh là là. Mais quoi? Mais non, oui. Non, mais attends. Non, mais les métaphores de la carrosserie, moi, j'en peux plus. Hein. Mais non, mais attends. Bon, tu veux que je prenne une moto? Il y a pas de carrosserie. Non, mais je veux dire, pareil. Bon, tu voyages en avion, voilà, tu prends l'avion, tu dis tiens, allez, je vais faire un Paris-Lisbonne, ça va être un Boeing 737. Putain, tu te dis, putain, à la 380, j'aimerais quand même bien essayer. Est-ce que c'est mieux ou pas, tu vois? Est-ce que c'est plus spacieux, c'est plus confortable, ça fait moins de bruit? Bah pour ça, faut partir plus loin. Ouais, ça dépend. Moi, j'ai un pote, ça fait 5 ans qu'il est avec sa meuf et c'est sa première meuf. Hein. Oui, mais je dis pas. Ouais, mais ça fait 5 ans. Ça durera pas. Bah lui, ça va, il est content. Elle, un peu moins. Ah. Y a que le frère de Seba, dit l'espagnol. C'est sa première meuf à ton frère? C'est sa première meuf, ouais. Et elle, c'est son premier mec, c'est incroyable. Ils se sont rencontrés, il avait 17 ans et elle 14. Voilà, mais ça va casser, hein. Ils ont avoir des gosses. Ah si, mais bien sûr que ça va casser. Bah pas forcément. Non, mais après, je pense que c'est parce que on est tous manipulés par la société, mais c'est véridique, hein. Qui veut nous faire croire qu'on est obligé de baiser. C'est baiser. Attention, je parle pas de ça, moi. Qu'il faut baiser pour baiser. C'est juste que c'est même pas ça, c'est juste que quand tu couches avec une meuf, bah ça peut être bien ou pas, mais quand t'as pas de point de comparaison, tu sais pas. Tu prends peut-être ton pied, mais tu te dis à force peut-être d'en discuter ou même de voir la télé tout ça, c'est ce que je dis. Est-ce que ton mec ou ta meuf est bon au lit? Ça se trouve tu sors avec un mec qui est mauvais. Bah oui. Et tu peux prendre un putain de pied avec quelqu'un d'autre. Ou inversement, ton mec est super bon, mais tu sais pas que les autres sont plus mauvais. Et pour ça, faut tester, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je dis que le premier mec ou la première meuf, bah c'est bien, c'est beau, c'est joli, mais bon, globalement, souvent ça dure pas, quoi. Parce qu'il y a un moment ou à l'autre, le mec est curieux et c'est normal. Enfin, l'homme en règle générale est curieux et puis voilà. T'as déjà eu combien de mecs, Amina? 3 ou 4, pas non, plus. Non, bah ouais, tu les comptes sur les doigts d'une main, ouais, ça va. Non, je t'assure. On passe entre nous. Non, allez. C'est vrai, je t'assure, c'est vrai. Amina. Non, c'est vrai, mais par contre, mon premier mec, j'étais restée avec lui 4 ans, et c'est vrai que je me posais un peu la question de... En fait, c'est même pas est-ce que c'est mieux ou pas mieux, est-ce que le sexe, c'est ça? Non, une... Tu vois? Sur les doigts d'une main. Oui. C'est parce que ta mère écoute. Non. Attends, parce qu'elle écoute. Elle est sur Paris. Attends, excusez-moi tous ceux qui sont sur Paris, vous n'allez plus rien entendre. Comme ça, on parlera avec Amina, comme ça, sa mère n'entendra pas. Voilà, excusez-moi, on revient dans 2 secondes. Hein. Voilà. Non. Voilà, maintenant, Amina, alors. Je peux plus parler du coup. Mais si, vas-y. Mais non, je Mais si, ça marche partout c'est en France parce que et en Belgique. Toi, c'est parce que les gens excusez-moi, sont Paris, à Paris, bougez pas. À Paris, bougez pas, ça va arriver. Hein. Ah, c'est gentil. Bougez pas. Alors. Non, mais je t'assure que sur les doigts d'une main, je donnerai pas de chiffres. Oh là là, une centaine. Arrête. Oh, c'est dégueulasse. Mais n'importe quoi. Ah, ça se fait. Alors là. Mais jamais de la vie. Ça se fait pas. Pourquoi pas? Mais non. Ça ne se fait pas. Non, vraiment pas. C'est pas non plus. C'est pas la fête. Putain, elle est comme ça alors. Elle est comme ça, Amina. Bah dis donc. Bon, il y a Tito qui est avec nous à Montpellier. Salut Tito. Ouais, salut l'équipe. Salut, ça va bien? Ouais, ça va et vous? Bah oui, on va plutôt pas mal. Tranquillement. C'est un surnom, Tito, ou t'appelles vraiment Tito? Non, c'est un surnom. Ah, d'accord, ok. Bon, Tito, alors raconte un petit peu. Toi aussi, tu t'es fait larguer ou tu as largué? Non. Alors déjà, ça m'est arrivé de larguer déjà. Ouais. Comme ça m'est arrivé de me faire larguer. D'accord. Mais en fait, le bail, c'est pas du tout ça. Le quoi? Le bail, l'histoire. Ah, d'accord, ok, l'histoire, ouais. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait à peu près un an que je suis avec ma copine. D'accord, jusque-là, tout va bien. Ouais, nickel, franchement, tout va bien. Et le truc, c'est qu'en fait, elle m'a proposé de venir la rejoindre, elle habitait chez elle. D'accord, jusque-là, tout va bien, bien qu'on sente les emmerdes arriver. c'est ça, parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai ma famille, j'ai mes potes, et c'est ma vie, parce que je fais du rugby plein d'espoir à Montpellier. Ouais. Donc c'est quand même un statut professionnel. D'accord. Et je sais pas, enfin, en fait, ce qui me fait peur, tu vois, c'est de m'engager trop vite, en fait. J'ai l'impression que ça fait trop vite. Enfin, j'ai 21 ans, quoi. Je suis encore jeune, j'ai pas envie de m'emmerder non plus, quoi. Mais c'est pas la question. Pourquoi vous vous prenez la tête, j'ai pas envie, trop jeune, trop vite? Teste, tu verras. Si ça va pas, ça va pas. Ouais, mais imagine, en fait, ça va pas, je me craque. Comme une merde, ça va pas. Eh ben, ça va pas. Et après, tu peux recommencer. Ouais, c'est sûr, clairement, ouais. Bon après, si, tu te rends compte que ça va pas quand t'as 75 ans, ouais, bon là t'as un peu paumé ta vie. Mais tu vas pas rester avec elle. Non mais tu vois, je veux dire, qu'est-ce que t'as à perdre? T'essayes. Si ça va pas, bah vous allez, oui, tu vas peut-être souffrir, ou elle, ou les deux, mais au moins vous aurez essayé, et puis déjà, voilà. Déjà, premièrement, te poser la question, c'est que c'est bizarre. C'est déjà la pression de se dire, putain, emménager, ouais. Oh mon Dieu, emménager, ouais. Je vais en prison. Bah oui, c'est ça, n'oublie pas, tu t'es en prison, elle va te prendre la tête. Mais non, mais pas forcément. Mec, tu vas lécher les chaussettes, elle va te prendre la tête pour les chaussettes, bah, la vaisselle, bah non. Non bah attends. Bah non, il peut les ramasser quand il veut les chaussettes. Oui, genre. Mec, tu vas péter, bah, tu pourras plus péter comme tu veux. Tu pourras pas te trimballer la bite à l'air parce que faut faire attention. Attends, mec. Et puis après tu vas te retrouver à faire le ménage. Et puis la vaisselle. C'est une blague. Et puis la vaisselle. Et puis après tu vas être le chien de madame. Mais c'est ça que tu veux. Et bah vas-y. C'est comme ça que ça finit toujours pour le raison. De rugbyman professionnel, tu vas passer à une merde. Mais oui, c'est ça. Tu vas ressembler à Seba. Bref, tout ça pour dire, Tito, que tu vas pas te prendre la tête. Fais ce que t'as envie de faire. Si effectivement t'es pas sûr, le fais pas encore. Si t'es sûr de pas avoir envie, bah forcément le fais pas. Et puis bah sinon essaye. Ouais, en fait le truc c'est que dans la précipitation, tu vois, genre dans l'euphorie de la chose, j'ai dit ouais vas-y carrément, ouais, c'est mon dans 2 semaines. Donc en fait le truc c'est que dans 2 semaines, je dois être chez elle en fait. Mais attends, mais elle habite où elle quand tu dis je monte dans 2 semaines? Elle habite à Metz. Ah oui, non mais d'accord, non mais à ce moment-là, faut pas le faire. Si t'as une vie que non mais attends, mais bien sûr, si t'as une vie, bon déjà tu passes pas, excusez-moi pour les messins, mais tu passes pas de Montpellier à Metz. L'inverse, oui, mais non mais attends, mais c'est vrai. Si tu gagnes 1 million d'euros. Mais non mais Montpellier, c'est une ville de ouf, il fait bon toute l'année, il y a c'est joli, t'es au bord de la mer, enfin genre Metz, bon bah oui, le centre est joli, mais enfin il y a un moment il fait dégueulasse quoi. Mais que te dit ton cœur? Bah sincèrement, mon cœur il me dit vas-y, bah dis-lui qu'elle vient te rejoindre, mais bon, elle veut pas. Ah ouais. Ah donc ça veut dire que madame veut pas venir à Montpellier, mais toi par contre t'es obligé d'aller à Metz. Alors que toi t'as une vie. C'est les meufs, hein. Que t'es. Attends, c'est quoi, c'est que, tu m'as dit que t'étais quoi, professionnel de quoi, rugby? Ouais. Attends, j'entends rien, Tito. Ouais, parce qu'il y aura peut-être un meilleur réseau à Metz, ça cela dit, hein, mais. J'ai dit, je suis rugbyman en espoir à Montpellier, ouais, donc professionnel. Ouais. Bah attends, mec, tu vas gagner des couilles en or si t'arrives à passer pro, vrai pro là. Bah ouais, c'est ça. Bah ouais. Oui, tu et penseras à nous, hein, on t'a donné des bons conseils, Tito. Hein. t'inquiète, je vais enverrai les maillots du café et tout ça. Ah cool, on très bien. D'argent, nous. Rempli de transpiration, hein, toi, Philadore. Ah oui. S'ils peuvent être sales. Bon, non, mais Tito, vas-y, non, à ce moment-là, reste à Montpellier. Moi, c'est ce que je te donnerais comme conseil. Attendez encore un peu, ça t'empêche pas d'y aller le week-end, c'est pas très loin non plus, hein, tu vois, Metz-Montpellier, en train, tout ça. Ah, et puis que te dit ton cœur? Elle peut descendre, mais non, mais que te dit ta bite? Ah. Mais oui, pense à ça, quand tu seras trop au rugby, toutes les meufs que tu vas pouvoir déglinguer, oublie-la. Ouais, mais autre chose. Tu fais de la radio, c'est un métier, normalement, où tu peux pêcher plein de meufs, et pourtant. Ah, on pêche au zéro, hein. Pourtant rien. Mais tu sais, mais c'est pas vrai, parce que la radio c'était avant qu'il y ait la TNT, c'est tout. Maintenant qu'il y a la TNT, c'est tous les mecs qui font de la télé. Ouais, peut-être. Et puis c'est surtout avant qu'il y ait des sites internet, Facebook, Twitter, où on voyait ta gueule partout. Non, mais tous les gens imaginaient une voix. Non, mais attends, mais c'est vrai. T'écoutais une voix à la radio, tu t'imaginais la personne. Forcément, tu t'imaginais 9 chansons sur 10 beau, hein. Ouais. Beau, tu sais, gentleman, la classe. Bon, maintenant, il fait avec internet, c'est mort, hein. Eh oui. Je suis pas sûr que c'est ça, c'est justement ça n'a rien changé, même s'il y a internet et tout, les gens te reconnaissent pas. Alors que quand tu fais de la télé, même si t'as fait une émission minable où il y avait 4 téléspectateurs, les gens te reconnaissent direct. Ouais, c'est vrai. Bon, Tito, tiens-nous au courant, ouais. En tout cas, d'accord. Ouais, carrément, y a pas de soucis. Bon, mais que te dit ton cœur? Et que te dit ta bite? Bon, Tito. Ma bite, c'est direct, hein. Ouais, bah elle écoute pas, c'est bien connu, faut jamais écouter sa bite. Bon, salut Tito, passe une bonne soirée en tout cas, bonne nuit même. Bon, on n'entend plus rien, Tito, c'est pratique avec son téléphone. Gwendoline, reste avec nous, on aura Elton, on aura également Géraldine et on va prendre le gagnant pour le double 8 dans quelques minutes. Voilà, bah, je dis 5 minutes, du coup je vous en laisse encore 5 de plus, le temps d'écouter le son de Shakira maintenant. Si vous voulez vous inscrire pour gagner l'iPhone 7, envoyez Mickaël et votre message au Mickaël, pardon, espace double et votre numéro de téléphone au 612. C'est le même numéro pour la France et pour la Belgique. On tire au sort juste après le son de Shakira et on fera d'ailleurs aussi le menteur, ils adorent qu'on leur mente. Il est 1h07, on est au cœur de la nuit sans pub, c'est Mickaël. Quelle sur énergie, bonne nuit. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que... desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona. Se mueve en su cadera como un barco en la sola. Tiene los pies de caso como un niño que adora. Y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la Lola. Le gusta que la miren cuando ella baila sola. Le gusta más la casa que no pase las horas. Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona. Desde Santa Marta hasta la Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta. Pa' que juguemos por la tapa y en chancleta. Que sienten que algún día le muestras el Tayrona. Después no querráis ir pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que siempre que algún día le muestras en Tayrona. Después no querráis ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona. Después no querráis ir pa' Barcelona. On est sur Énergie en direct, 01 40 71 5000. Vous nous appelez, vous passez en direct. L'heure sub de Mickaël sur Énergie. Ah, monsieur Gouret, là. C'est toutes les nuits jusqu'à 4h. Oui, mais ce sera tout à l'heure. Alors, monsieur Gouret, jingle. Ça arrive, mais au meilleur. Ah, bah oui, la preuve. Attends, voilà, exactement, la preuve, tout à fait. Bon, du coup, c'est pas grave. Hein, voilà, jingle est passé, ça c'est fait. Hop, on va pouvoir passer à autre chose. Et on va appeler le gagnant ou la gagnante maintenant. C'est parti, gagnant ou gagnante pour le double hit. Quelqu'un qui s'inscrit par SMS au 612 en envoyant Mickaël espace double et le numéro. C'est le même numéro pour la France et la Belgique, même si vous voulez réagir à l'émission, tout ça, ou pour les cadeaux. C'est parti, on y va, on appelle. Si il ou elle décroche là tout de suite, c'est gagné. iPhone 7 ou 21 Pilot, c'est place pour le concert. Puisque le double hit est passé tout à l'heure. Allez. Allô, oui. Oui, allô, bonjour, comment tu t'appelles? Fabien. Salut Fabien, t'es dans quelle ville? Villerue, j'habite. C'est où? C'est du côté de 5-4. Ah, dans le 5-4, d'accord, ok. Fabien, t'as entendu le double hit? Oui, j'ai entendu, comment il s'appelle Gnash et 21 Pilots. 21 et Gnash. Oui, tu as un très bon accent. Quel est le premier groupe, tu m'as dit? Gnash. Et l'autre? 21 Pilots, exactement. Et bien, grâce à ça, tu repars avec l'iPhone 7. Merci. Et ben voilà l'iPhone 7 pour toi, bravo Fabien. Ah, surprise. Alors, ah bah écoute, wow, bah, je tant mieux. Pas du tout. Hein. Eh bah tant mieux, tant mieux Fabien. Voilà. C'est la première fois que tu joues ou pas? Non, ça fait 10 SMS que j'ai envoyé. C'est la première fois. Ah bah écoute, tu vois. J'avais déjà joué avec Guillaume, mais bon. C'était t'as jamais gagné? Si, j'ai gagné une fois il y a longtemps. Ah, un bon jeu Diablo, je sais plus ce que c'était. Un truc, ah oui, donc, c'était il y a longtemps. Très bien. Eh bah écoute, voilà. Félicitations, l'iPhone 7 est pour toi. Comme je l'ai dit, oui. Tu l'auras pas avant sa sortie parce que bah forcément on le chie pas. Ouais, c'est pas ici qu'on est dans ce truc. C'est pas grave du tout. Mais voilà, dès que. Bah voilà. Et bah dès qu'il sort, tu vas pouvoir l'avoir. Mais cela dit, on t'entend très très bien, même malgré que tu dis que t'as un téléphone pourri. On t'entend très bien. Et là, il va nous rappeler avec l'iPhone 7, on va rien entendre. Oui, oui, je m'appelle Fabien, je suis du 54, j'attends avec l'iPhone 7. Bon, c'est génial, je l'ai gagné chez vous, ça marche super bien. Bon, ben voilà, bravo en tout cas. Et puis les autres, restez à l'écoute, hein, ça se passe toute la semaine. Dès que vous entendez 21 Pilots et Gnash, ou Gnash et 21 Pilots, peu importe l'ordre, il faut jouer. Voilà, vous restez à l'écoute, ça peut se passer tout à l'heure chez Manu à partir de 6h, chez Cash l'après-midi, enfin le matin plutôt, ou chez WF l'après-midi, bref, Koé aussi, Guillaume, bref. Ça peut se passer n'importe quand. En tout cas, bravo Fabien, tu restes au standard, on va prendre toutes tes coordonnées, d'accord? Oui, je reste. Salut Fab, ce serait con que tu raccroches. Oui, j'ai rien à foutre, vous faire reculer. T'imagines. Bon, retour avec Elton, avec Gwendoline, avec Abdel dans un instant et Géraldine pour parler des moments où vous vous êtes fait larguer, justement. Et là, on va d'abord se faire le menteleur. Elles adorent qu'on leur mente. On a Jonathan qui est avec nous maintenant pour le menteleur. Elles adorent qu'on leur mente. Salut Jonathan. Salut à tout le monde. Comment ça va? Salut. Ça va très bien, merci. Et vous? Bon, oui, oui, ça va bien. Ouais. Bon, Jonathan, on va faire le menteur. Elles adorent qu'on leur mente. On va donc appeler. On va appeler qui d'ailleurs? Tu veux piéger qui? Ma copine. Ta copine, qui s'appelle comment? Jennifer. Très bien, quel âge elle a? Elle a 23 ans. Ok, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Elle est à la recherche d'un emploi dans l'accueil. Recherche d'emploi, et toi? Moi, je suis actuellement en travail sécurité. Dans la sécu, d'accord. Et t'as quel âge, toi? J'ai 21 ans. Ok, et toi donc c'est? Bah, Jonathan, forcément. Ok, alors, bon... Le menteur, elles adorent qu'on leur mente, le principe est simple. On va donc t'imposer trois mensonges, mais avant de les imposer, évidemment, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ta copine. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle aime pas, qu'est-ce qu'elle déteste par rapport à toi, etc., etc. Est-ce que, est-ce qu'il y a des trucs que tu fais qu'elle déteste déjà? Genre, tu sors souvent avec des amis, elle peut pas les voir en peinture, t'as une collègue au travail qu'elle déteste, elle est hyper jalouse, je sais pas. Ben, j'ai pas beaucoup d'amis vu que je suis travail et maison. D'accord. Donc, tu mets travail et maison. Ouais, en fait, je vais au travail, après je rentre parce que j'ai mon fils et tout. Donc, ah, t'as un fils, d'accord, ok. Mais pas avec Jennifer ou c'est votre enfant tous les deux? Jennifer. Ah, d'accord, ok. Avec donc Jennifer. Vous avez un enfant, ok, d'accord. Mais après, il y a quelqu'un qu'elle déteste parce qu'elle a fait croire que. Enfin, une autre fille qui a fait croire que j'avais un enfant avec elle. Donc, du coup, ça l'a fait un peu jalousie. Et comment elle s'appelle? Donc, c'est mon ex, elle s'appelle Alexandra et elle m'a fait croire que. Qu'en fait, j'avais une fille avec elle, mais qu'en fait, c'était pas vrai par rapport au décalage de grossesse qu'elle a eu. D'accord. Donc, en fait, elle est tombée enceinte, donc elle t'a fatalement trompé, et après, elle t'a fait croire que c'était toi qui étais le père. Exactement. Ouais. Quelle salope, alors. C'est ouf. Exact. La seule manière de l'excuser, c'est s'il était vraiment persuadé que c'était toi le père. Mais bon, là, en l'occurrence, visiblement, c'est pas trop le cas, quoi. Ah la vache. Ouais. Bon, d'accord. Et quoi, du coup, ta copine la déteste, forcément? Voilà, elle déteste que je parle d'elle. Et elle croit en fait, elle y croit encore que c'est le mien. En fait. Ah bon? Mais t'as pas fait de test? Ouais. Bah, ça coûte un peu bonbon, donc on va dire. Ça se trouve, toi le père? Bah, en fait, je vais t'expliquer en fait, parce qu'on s'est quitté quand on était au ski, donc en décembre, et elle est tombée enceinte février. Donc, il y a un mois de décalage à cette heure-ci, donc. C'est torsi. Pas de décalage à ce moment. Non, ça va, on est à l'heure de Paris. Oui, c'est vrai. Non, mais donc, bon, après, on va pas refaire le débat, hein, mais donc, en gros, elle a accouché quand? Elle a accouché en octobre. En octobre, donc ça veut dire, que t'aurais dû. Et vous êtes séparés quand? Entre novembre et décembre. Ouais, donc ça fait un peu juste, ouais. Ça fait un petit peu juste, effectivement, pour que ce soit le tien, parce que normalement, il aurait fallu janvier-février. Ouais, mais tu viens quand même d'un département, non? Bah quoi, tu viens d'où, Jonathan? Je suis de Merville, dans le 59. Ah bah dans le 59, ouais, c'est ça. Tout c'est ça. Bon, écoute, donc du coup, elle croit que c'est toi le père, d'accord. Il y a d'autres trucs qu'elle aime pas que tu fasses, ou des amis éventuellement que tu côtoies et qu'elle déteste? Bah, qu'elle aime pas que je fasse, c'est de parler à des filles sur ma console, vu que je joue beaucoup en jeu réseau. D'accord. Donc du coup elle aime pas que je parle à des filles. Une fois que je dis que par exemple je dis vas-y toi va là-bas et elle va là-bas, elle me pète un plomb. D'accord, mais tu joues sur quel jeu en réseau? Bah, je joue sur beaucoup de jeux, Black Ops 3, Black Ops 2, Destiny. D'accord. Très bien. Eh ben écoute, ça me paraît pas mal ça. Ok, des idées de mensonges, Amina, Polo, Tof? En cours. C'est en cours, oui, bah, tant mieux. Je réfléchis. Très bien, Polo, bien idée de saugrenue, non? Oui, pas saugrenue, une idée vraie, 59, j'ai tout. Eh ben, très bien, parfait. C'est pas au standard, une idée de mensonge éventuellement? Pas du tout. Bah, très bien, le contraire. J'aurais été surpris du contraire. Bon, Mickaël et votre message au 612, si vous avez l'idée de mensonge éventuellement. Mickaël et votre message au 612, c'est par SMS, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, vous tapez M-I-K-L officiel. Bon, Jonathan, j'ai quelques idées également de mensonges, donc je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Il y a une tablette Samsung Galaxy Tab E, c'est la nouvelle qui est à gagner, ou la Xbox One. Donc je te souhaite bonne chance, ne bouge pas de là, on se met un son, je t'en prends juste après, d'accord? Je vous remercie. Bon bah très bien, reste là, retour avec Elton, Gwendoline, Abdali et Géraldine également. Et puis on se fait le menteur, elles adorent qu'on leur mente. Le temps d'écouter le son d'Adèle maintenant sur Énergie. Je vous rappelle que si vous avez des idées de mytho, là n'hésitez pas, hein. On lit vos messages dans quelques secondes. Adèle, c'est maintenant, on est au cœur de la nuit sans pub, il est 1h18. Et c'est Mickaël sur Énergie jusqu'à 4h. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting. passez une bonne soirée tout le monde. C'est Mickaël sur Énergie donc, 1h22. On va se faire les appels mal intentionnés dans une petite dizaine de minutes. Pardon. Il y a des messages qui sont arrivés aussi pour les mythos. Faites-lui croire que les nouveaux enceintes d'elle. Oui non, ça va gueuler ça à un moment. Non, ça va un peu gueuler. Ça va un peu gueuler quand même. Ah oui, ça c'est grave. Faites-lui croire qu'il y a les nouveaux enceintes d'elle où t'es là pété un câble. Ouais. Bon, Elton, Gwendoline Abdel et Xavier ainsi que Géraldine dans un instant. Mais avant cela, on va se faire évidemment le Menteleur, elles adorent qu'on leur mente. Nouvelle équipe, nouveaux horaires, nouveaux cadeaux, nouveau studio, nouveau casque, nouveau micro, nouveau standardiste, nouvelle photo. Mickaël, Top Follow et Amina sur Énergie de minuit à 4h. Que des nouveautés. Ah non. Top a toujours une sale gueule et ça ne changera pas. Dommage, vraiment dommage. Allez, on récupère Jonathan maintenant. Jonathan, 21 ans donc, du Saint-Neuf qui veut faire le Menteleur, elles adorent qu'on leur mente. On va donc appeler Jennifer, ta copine, qui a 23 ans, qui est en recherche de taf. Vous avez un enfant ensemble. Comment il s'appelle le petit d'ailleurs? Alors, il s'appelle Cameron. Cameron, d'accord. Quel âge il a? 5-9. Il a 8 mois. Il a 8 mois? Oui. Qu'est-ce qu'il y a 5-9, Toff? Non, Cameron, 5-9. C'est un nom anglais? Ah oui, d'accord, Kevin, ok. Attends, Cameron. Attends, Philippe, explique pas ses vannes, du coup, j'ai pas compris. Hein. Ah oui, d'accord, ouais, oui, non, mais d'accord, ok. Ouais, il n'y a pas que des prénoms américains dans le 5-9. Non, mais en grande beaucoup, partie. C'est vrai. Ils aiment bien. C'est vrai qu'on a bien Virgin Eye from 5-9, motherfucker. C'est vrai qu'elle vient de là aussi, hein, finalement, au final. Bon, donc Jonathan, donc tu voulais donc faire le Menteleur, elles adorent qu'on leur mente. Donc, vous avez un enfant, Cameron, de 8 mois, et ton ex, qui s'appelle Alexandra, lui a fait croire, et t'a fait croire aussi par la force des choses, qu'elle a donc une fille, ça c'est vrai, mais qu'était le père. Donc toi tu dis que non, voilà. Parce qu'il y a un mois de décalage et que ça va pas, voilà, c'est pas possible que tu sois le père. Elle déteste également que tu joues à des jeux vidéo en réseau parce que forcément t'as tendance à parler à des filles, donc forcément comme elle est un peu jalouse, du coup elle tire un peu la gueule, forcément aussi. Ouais, c'est ça, j'ai bien résumé. Y a pas des amis comme ça qu'elle peut pas saquer, ou la belle-mère, ta mère, elle l'aime bien ou pas? Ma belle-mère, non, elle l'aime pas trop. Elle n'est pas trop amie avec elle. Ah d'accord, ok. Elle vit encore avec ton père ou pas ta belle-mère? Ta mère, pardon. Non, ils vivent plus ensemble. Et ils vivent chacun de leur côté avec un mari et une femme. Ah d'accord, ok. Donc ils sont recasés. D'accord. Les deux, en fait, ils ont chacun un mari et une femme. Oh. Mais non, j'essaie de comprendre. Mais oui, mais enfin, c'est stupide et on y peut rien. Ma mère s'est mariée avec un Belge et puis père, il s'est pas marié, mais il est avec une femme. D'accord, ok. Qui vient d'où, puisqu'on est dans les détails? Mon père, il est de Seclin et ma mère, elle est de Voitine. Non, mais ton père, il s'est marié avec une meuf qui vient d'où? Il s'est pas marié, mais il sort avec une meuf qui vient d'où? Ah, c'est-à-dire, en fait, qu'il s'est né avec une fille. Tu me dis, ma mère, elle s'est mariée avec un Belge, et mon père, il a une femme. Ben, pourquoi tu dis pas d'où elle vient la femme? Parce que c'est sa sœur. Elle est française, la femme. Ah, d'accord, ok, dommage. Je voulais savoir. J'avais pas compris ta question. En fait. Ah, d'accord, pas de soucis. Tu poses des questions aussi. Bah, écoute, attends. Bon, ça, on s'intéresse. Mais moi, c'était pas dans le plaisir, de me foutre de la gueule. Je me fous pas. Mais jamais, si, mais bien sûr. Alors, si, pas comme ça, monsieur. C'est jamais. C'est ça. Bon, alors, Jonathan, voici donc les mensonges. Amina. Oui, alors, je pense qu'il a envie de vendre le lit, le landau et tous les pyjamas de son fils parce qu'en fait, dans deux jours, il y a PES 17 qui va sortir. Donc, faut qu'il l'achète, tu vois. Ah. Bah oui. C'est pas mal, ça. Ça peut être une bonne idée. C'est pas mal. Donc, revendre les affaires du petit qui a 8 mois, donc, pour acheter PES. C'est pas mal. C'est pas mal. D'accord, ok, très bien. Donc, pour acheter PES... Très bien, Toff. Bah, comme il y a un doute que tu sois le père de l'autre enfant, elle te propose d'être le parrain. Et donc tu vas accepter. Alors là, ouais, c'est vraiment une bonne idée celle-là. Autant dire, ça veut dire que l'idée de la minette est merci. Hein. Donc, c'est agréable. Donc revendre toutes les affaires du petit pour m'acheter PES. Voilà, donc du coup, Alexandra t'a proposé d'être le parrain et donc du coup, t'as accepté quoi. Comme ça, tu resteras près de lui comme, des fois que tu serais le père quoi. Voilà, au cas où. Polo, l'idée de mensonge. Et vas-y, ils vont encore sortir un truc de merde. Mais non, parce que j'en avais un, dis que tu as mangé un flan. Ah bon? Un flan empoisonné. Et c'est voilà. Pas drôle ça. Ah bah non mais je te confirme. Il y en avait un, je voulais faire, mais bon, c'est dû au 59. Il m'a dit rien. Bon, vas-y, à gauche, 3 heures à chaque fois. On va dire que quand tu as rencontré des extraterrestres la semaine dernière, t'étais sur un chemin de campagne là dans le 59 et t'as vu des extraterrestres avec des gilets jaunes et qui criaient va te faire enculer, gros bâtard. Ah, mais attends, elle écoute l'émission ou pas? Ou elle a déjà écouté? L'autre soir, elle l'a écouté, elle m'a dit que... C'était de la merde et c'était vraiment des gros cons les mecs qui faisaient cette émission. Il y avait Koué à 20h, il y avait Guillaume à 22h et Mike à minuit. D'accord, ok. Bon, il y a des chances qu'ils connaissent l'émission, donc ça se trouve le canular va foirer. Bon, écoute, on verra bien. Hein. Et t'es pas obligé de dire gros bâtard, mais ouais, bah c'était par rapport à ça, parce que comme on fait passer souvent Virginie from 5'9, motherfucker. Voilà, je voulais être sûr qu'elle. Donc, le troisième, ça soit grillé, quoi. Alors, le troisième après, donc c'était ça, hein, pour ceux qui connaissent pas, évidemment. Hein. Les gros bâtards. Voilà, tu rends cul des gros bâtards. Mais t'es pas obligé de ça. Mais tu lui dis que tu te sens pas bien, que t'as l'impression que tu te transformes depuis. Il y a une semaine, t'as rencontré des extraterrestres, c'est pas qui le dire. Et sinon, il y a aussi l'histoire avec la belle-mère. C'est dommage, je vais pas utiliser aussi l'histoire de la belle-mère. Et comme on est dans 59, c'est aussi la consanguinité. Peut-être. Attends, on va voir. Parce que sinon, il y avait la belle-mère qui, comme elle s'est un peu embrouillée avec son mari, du coup, elle va venir vivre à la maison quelques semaines. Ouais, au pire, ouais. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Elle va venir. Voilà, donc maman arrive. Voilà, maman arrive. Oh, tu fais maman arrive, tu peux faire l'ovni si tu veux, c'est le bonus. Donc on y va, Jonathan, je te souhaite bonne chance. On appelle Jennifer maintenant. Nous on est derrière. Au pire, si tu veux, tu dis que moi je suis un collègue, Michel, le collègue à la Sécu, et qui évidemment t'as incité à devenir le parrain, ça se fait pas de refuser, etc. Que ta femme c'est une connasse, etc. Si elle refuse, c'est qu'elle a pas la. Elle a pas de cœur, bon bref, on est là pour la chauffer bien entendu. Bon, on y va ? Il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, bonne chance à toi. Je remercie. Et là, c'est bon. Ils ne nous entendent plus, on va pouvoir tout commenter, ça va être magnifique. Ah ! Il a rien compris. Allez, de quoi il a rien compris ? Allô ? Allô ? Ouais, allô, c'est moi. C'est allô ? Alors, c'est Jonathan ? Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu m'appelles en privé ? Hop là. Ah, parce que je crois que j'ai mis mon téléphone sur privé sans faire exprès. Donc alors, ça va ? Je te réveille pas ? Je reconnais pas trop ta voix. Hein ? Je reconnais pas trop ta voix. Moi, je suis au travail. C'est là, moi, je suis au travail. Je parle doucement. Ah. T'as un peu de temps, là, ou... Ah, c'est ouais. Non, t'es pas dans la merde. Ouais, t'as servi de voilà. Téléphone, là. Je voulais te parler d'un truc. J'avais décidé de revendre les affaires du petit pour m'acheter PES de 2017. De quoi tu parles ? Ben, en fait, j'ai parlé avec un collègue, il m'a dit qu'il jouait à PES 2017, donc je me suis dit que j'allais vendre un peu d'affaires du petit pour me l'acheter. Like. Ben non, je trouve que c'est bien comme jeu, et puis ben, ça peut être intéressant. Ah oui, en plus les affaires... Pour un jeu. Bah ouais, c'est très bien comment je suis en jeu réseau, donc ça fait que ça m'intéresse, donc... Ben, je sais pas, moi, t'as qu'à faire autrement, je sais pas, mais vendre les habitudes, si t'es malade ou quoi. Ben quoi, c'est la seule chose que je peux vendre, je vais pas vendre ma console, je vais jouer avec. Oui, forcément, c'est pas bête. C'est marrant, toi. Ben ouais. C'est le collègue qui m'a demandé. Je vais pas le refuser. Mais t'as quand même demandé l'argent pour l'acheter, non ? Vénère. Bah, je vais pas le demander à mon collègue, ça va faire clochard. Allez, je lui dis quoi ? Hey, surtout que tu peux lui dire que de toute façon, le petit va pour mettre les affaires toute l'année. Hein. C'est raconte, bah ouais. T'as dit comment ? C'est mon collègue, Michel. Non, bah tu lui dis que le petit, de toute façon, quand il va mettre le pull, il va pouvoir le mettre 2-3 jours, puis après il pourra plus le mettre, il va grandir. Ah, bien sûr, ouais, bah bien ouais. Sûr. Donc ça sert à rien de garder toutes les fausses affaires, hein. Ouais, c'est clair. On peut les vendre. Moi, je préfère garder le reste. Par contre, c'est pour m'acheter des vestes. Non, de toute façon, c'est une meuf, elle a rien à dire, hein. Bah ouais, elle a rien à dire, hein, cette connasse. Voilà, il ferme sa gueule pourquoi... et puis c'est tout, hein. Et toi, ferme ta gueule, tu te prends pour qui ? Tu sais ce qu'il faut. En fait, j'ai oublié de te dire. Ma mère elle s'est disputée avec son mari, je lui ai proposé de venir vivre à la maison quelque temps. Non. Je suis un peu désolé. Ah, j'ai pas le choix. C'est ma mère, tu sais. Mais après. Non. Tu sais comment elle est ta mère. Tu sais comment je l'aime pas. Vous comprenez rien. T'as pas le choix. Je l'ai invité à vivre à la maison pendant quelques jours. Quand on a été chez elle, elle fait sa grosse pute. Et là, tu crois que je vais la claquer chez moi comme ça. C'est abusé. Je veux dire, elle va manger du pain tous les jours. C'est ambiance avec la belle-mère. Si tu veux, elle mangera même les croquettes du chien. Mais voilà, enfin, je l'ai emmené à la maison. Non, c'est mort. Je te dis, l'après-midi, elle me casse les couilles. Alors là, une petite heure et demie. Donc moi, vu que je suis au boulot, ben, tu sais, il faudra la cuire après. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais tu rêves. Okay. T'as qu'à partir prendre un logement avec ta mère, mais tu la ramènes pas chez moi. Ah bah si, c'est bon, tu vas rien dire, toi. Tu fermes ta gueule, puis c'est tout. Hein. Quoi? Bah, t'as raison, ouais, il faut que tout le monde qui sait qui porte la culotte, et de toute façon, c'est toi qui ramènes de l'argent. Ferme-la avec ton vieux pote là, et là tu vas me parler comme ça, mais t'es fou toi. Eh vas-y, dis-lui que de toute façon c'est toi qui décide, de toute façon c'est pas elle. Ferme ta gueule, va aller chez des pites là. Va aller chez des pites, toi, retourne chez ta mère là, au lieu de casser les couilles à mon mec et lui rentrer des idées dans sa tête là. Bah je lui rentre pas des idées dans sa tête, c'est pour des idées, qu'est-ce que tu racontes? Mais il y en a plus du tout du cerveau, faut vous le partager à deux hein. Mais il me raconte pas des idées, ferme ta gueule, c'est bon, c'est moi qui décide, c'est moi qui porte les couilles. Alors lui, là, je trouve. Là, tu me parles, mais tu t'imagines comment tu me parles? Mais t'as raison, ouais. c'est qu'une femme, rien à foutre. Hein. Est-ce qu'elle a fait la vaisselle déjà ce soir? Et du coup, t'as de la chance de chez ta mère, tu vas à la maison, t'es bon, je sais que ça va t'énerver, mais j'ai Alexandre qui m'a demandé. Non, vraiment, même pas d'elle. Je suis désolé, j'ai vu Alexandre et puis, bah. Elle m'a demandé d'être le parrain du petit. La petite. Ouais, c'est ça, j'ai accepté. Elle t'appelle pour dire papa et tout, et là tu dis le parrain, mais arrête de ma gueule là. Bah ouais, j'ai pas le choix. C'est une vieille pute là, elle va se faire des pites dans les quartiers, et après tu me dis t'es le parrain ou t'es le père, je sais pas quoi. Après, voilà, enfin. Après, tu sais pas ce qui s'est passé trop, donc ouais, je l'ai accepté que. Je sais pas ce qui s'est passé, Quand on s'est mis ensemble, tu m'as dit non, c'est pas moi. Ah mais j'ai accepté d'être le parrain donc je. Ah voilà, et qui t'a pas le papa autant que le parrain, hein, comme ça au moins tu vois, ça fait. Mais toi, ferme ta gueule, toi. C'est vrai que tu peux être soit le parrain, soit le papa. Mais toi, ferme ta gueule, là tu commences à me saouler, toi aussi, ferme ta gueule. Eh, tu veux que je lui parle? Moi je sais comment gérer les femmes. Ouais, mais tu fais quoi là? T'es où là? Ta gueule pendant 107 ans, tu vas voir. T'es où là? Allô? Ferme ta gueule, t'es où? Ouais, c'est Michel, je viens de Dunkerque. Michel quoi? Bah, je viens de Dunkerque. Tu m'en fous que tu viennes Dunkerque comme tu dis Dunkerque? Bah quoi, c'est comme ça qu'on dit hein. Tu connais Bois de Boulogne? Bah vas-y au lieu de faire chez mon mec là. Bon, sur Paris, c'est trop loin hein. Qu'est-ce que j'aille foutre là-bas? J'ai pas que ça qu'à foutre hein. T'es obligé de casser les couilles là. Bah je casse pas les couilles, il m'appelle, il me demande conseil, moi je réponds. Et pourquoi tu passes le téléphone déjà? Bah parce que apparemment t'as l'air de te la ramener un peu là. J'avais mis le haut-parleur, t'as vu comment tu lui parles? Et toi, t'as des enfants peut-être? Ah, moi, j'ai pas d'enfants. Hein. Enfin, je sais pas, peut-être. Ah, bah, je me doute, vu ta gueule, t'as dû louper des arbres, hein. Bah, ouais, hein. Eh, hey, sinon, tu sais quoi, j'ai une idée, on a qu'à vendre les affaires de Cameron, là. Comme ça, on peut donner son nouveau filleul. Non. Mais va vendre ton cul pour acheter FIFA, toi aussi. Bah, c'est pas FIFA, c'est PES, hein. T'as connais rien, ta gonzesse, hein. C'est vraiment une cassos, hein. Une cassotte? Elle confond FIFA et PES, c'est dingue. C'est toi, c'est un cassotte, tu vas au bar, tu bois des bières tous les jours là. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut me foutre? Bah, ça me saoule là. Ah, tu vois que c'est toi qui es bourré, hein? Bah, t'es enculé! Gros bâtard! Là, j'y crois pas. Oh, si, t'y crois, hein? Bon, du coup, voilà, donc sa mère, elle arrive, hein, comme ça, tu sais. Et puis, lui, je lui dis, ça se fait pas, ça se trouve, t'es le père. Pourquoi tu l'appelles pas chez toi, elle, cette vieille? Bon, parce que je suis pas. Attends, mais c'est ta belle-mère, hein? Ma belle-mère? Ah. Vieille pute, ouais. Toi, t'es un bâtard aussi, là. Bah, attends, ça se fait pas de parler comme ça, hein? Eh ben, on se connaît pas, alors c'est pas comme je veux, d'accord? Ah, bah, si, on se connaît, hein, t'inquiète, hein. On se connaît d'où? On se connaît d'Adam et Ève aussi? Ouais, c'est ça, ouais. Tiens, attends, je te le repasse, hein. Ouais, repasse-moi et toi, t'as ta route, là. Ouais, allô. Quoi? Arrête de me passer des gens comme ça, là, tu te crois où, là? Attends, il y a Virginie, enlève le haut-parleur. Enlève le haut-parleur, arrête de traîner avec des cassos, là, je t'ai pas connu comme ça, moi. C'est pas mon cassos, c'est ma collègue, c'est avec lui que je bois un verre le soir. C'est avec lui que je fais les ronds. Tu bois un verre le soir, mais c'est une blague. Va te faire enculer, gros bâtard. Toi, ta gueule, va chercher ta mère, va faire tout ce que tu veux, je m'en fous là. Va te faire enculer, gros bâtard. J'ai même plus les mots pour parler là. T'as pas le choix d'accepter que je suis le parrain du. Et toi, ferme ta gueule, parle même pas d'elle, gros bâtard. Ma mère, elle va arriver dans une heure, donc. Dis-lui qu'arrête de me parler comme ça, je te dis. Dis-lui qu'elle va te faire enculer, gros bâtard. Ben non, t'es une connasse et tout. C'est bon, t'arrêtes ça maintenant. Tu es une connasse. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Tu as fermé ta gueule, toi, le gros bâtard. Tu t'es vu, t'as vu ta bite, t'as vu commenter, voilà, et après tu viens parler avec t'as entendu comment il est. Qu'est-ce qu'il dit? Va te faire enculer, gros bâtard. Va te faire enculer, gros bâtard. Mais je crois qu'il parle plutôt à toi, hein, parce que moi, c'est je suis pas un bâtard. C'est Virgin Eye from the 5-9. Moi, je suis pas comme ta mère. Elle a dû aller faire la bouche au bois de Boulogne. Eh, mais donc qu'est-ce voilà, qui t'est. Eh, Jennifer, qu'est-ce que t'as avec la belle-mère? Qu'est-ce que j'ai avec la belle-mère? C'est qu'elle me casse les couilles, tu vois. Elle essaye de prendre mon fils, elle essaye d'avoir les choses sur moi, tu vois, et ça me saoule. Et je sais même pas pourquoi je te parle à toi. Bah vas-y, vas-y, parle-moi. Fais comme non, si j'étais un petit peu ton psy. Fais comme si j'étais ton psy. Non, je te parle pas. Vas-y, j'ai que ça qu'à foutre. Mais dégage, bah, t'as que ça qu'à foutre, va bosser. Je sais pas, va faire quelque chose, va niquer des putes. Va faire ce que tu veux, mais tu me vois pas à moi. Et je peux aller niquer les putes alors, c'est une bonne idée, ça tient très bien. Eh, hey, Jonathan, ça va pas être drôle tous les jours à la maison, hein. Ah, tu m'étonnes. Ah non, ça gueule. C'est. Referme ta gueule, hein. Bon, Jennifer! Ferme ta gueule. Ah, tu vois, je savais, je l'avais dit. Va te faire enculer, gros bâtard! Ah. Jennifer! Bah, allez, vous faire tout ça en guise. Non, ferme ta gueule, toi, parce que tu vas me saouler. Jennifer! Quoi? Va te faire enculer, gros bâtard! Ah. Et oui, tu me cherches ça, ouais, tu me cherches, toi, ouais. Jennifer! Non, ta gueule, y'a pas allez, de allez, allez, allez, Jennifer! Ta mère. Non. Ta mère. Non, Jennifer. Tu t'es toute ta famille, tu vois. Non, ferme ta gueule. Jennifer. Mais je vais te le repasser, mais Jennifer. Quoi? Va te faire enculer, gros bâtard. Oh, ça va. C'est Mickaël, t'es en direct à la radio, t'es sur Énergie, Jennifer. C'était le menteur, elles adorent qu'on leur mente. Ouais. Tout ça est faux, ouais, t'inquiète pas. Bah oui, c'est une blague. C'était. Mais oui, on a. C'est à bout, là. On a imposé trois mensonges à Jonathan. Il devait te faire croire qu'il voulait revendre les affaires du petit pour s'acheter PES, qu'il allait être le parrain de la petite ou du petit, je sais pas quoi, de la tournée avec son bras. Il n'y a pas intérêt. Hein. Bon, écoute, de toute façon, le principal, Jennifer, c'est que c'était une vanne. Donc t'inquiète pas, tout va bien. Tout est faux. Il va repartir avec une console de plus. Hein, tu vas être contente. Comme ça, il aura Xbox. C'est pas 2017. Hein. Non. Il y aura la Xbox One. Alors, tu peux choisir, Jennifer. Hein, tu veux faire chez ton mec. Il y avait une tablette Samsung Galaxy Tab E ou la Xbox One. Tu choisis quoi, Jennifer, vu que c'est toi qu'on a piégé. Je vais quand même lui faire plaisir, hein, Xbox One quand même. Oh, Jennifer, mais qu'est-ce que t'es con alors. C'est gentil. Mais oui, mais après, il va encore jouer en réseau. Ça va l'emmerder. Oui. Jennifer va gueuler. Et puis, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Oh là là là là là là. Bon, Jennifer. Jennifer et Jonathan, vous retournez chez Seba au standard, on prend vos coordonnées, Xbox One pour vous, et puis bah du coup vous rappelez quand vous voulez. Hein. Salut Gigi. Merci beaucoup l'équipe. Je vous remercie à tous. Bah de rien, écoute, si jamais vous voulez aussi jouer la semaine prochaine au Mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente. On le fera peut-être dimanche aussi, tiens, quand on est là de 20h à minuit dimanche. Et bah vous n'hésitez pas à vous appeler maintenant 01 40 71 5000, c'est le numéro du standard. Seba va décrocher au standard, hein, dit le parasite, alias également le Tartuffe, l'Espagnol et à l'aise, bien sûr, car il est à l'aise, voilà. On va s'écouter Ken Jones maintenant sur Énergie et on va revenir avec Elton, Gwendoline, voilà. Abdel, Xavier, Christelle, Géraldine et on se fait les voilà. Appels mal intentionnés avec Toff qui va se faire insulter. Ça va être cool ça. Ken Jones maintenant, 1h40, c'est Mickaël sur Énergie. Bonne nuit. That I wanna teach, I'ma show you that where you from. Don't matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. African American. For sure, I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this, then telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She from Africa. but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. To me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, na bule. No matter where I go, go. You know I love them all. Allez, bonne nuit tout le monde, c'est Sib qu'on écoutera dans quelques minutes. Hein. Merde, putain, j'avais calé le son de Sib, il s'est effacé juste quand j'ai poussé dessus. Genre pour me faire chier quoi. Allez hop, Sib, voilà, qui arrivera, donc c'est ça. Je vous aiderai aussi DJ Snake. Et The Parakeet. Ça fait penser à un restaurant chinois. Non, pas là, hein, mais au moment où ça fait. Non, c'est où ça, un chanteur ah oui. Chinois. J'ai l'impression dans un restaurant chinois. Prendrais bien des nouilles en numéro de déteinte. Hein. Un petit 17 ou pas? Tu prends quoi chez le chinois? 19, hein, c'est bien, ouais, bon choix. Parce que la nuit, c'est le désert à la radio. Personne n'est là pour toi. Tout le monde t'a abandonné. Mickaël est en direct sur Énergie. Une oasis pour t'accompagner la nuit, mais... Attention au mirage. Mickaël sur Énergie. De minuit à 4 heures. Bon, il y a un message qui est arrivé, Cyril, qui dit « C'est quoi cette vieille meuf ? Je suis sûr qu'elle se gratte les couilles. » C'est sympa, elle va être contente, Jennifer, tiens, celle qui vient de jouer avec nous. Au Manteller, elles adorent qu'on leur mente. Elton, Gwendoline, Abdel, Xavier, Christelle et Géraldine, pardonnez-moi, je vais encore vous faire attendre 5 minutes, on va se faire des appels mal intentionnés, sinon on va être grave à la bourre. Ah. Promis, juré, je crache sur Toff. Polo, tu peux le faire ? Oh. Voilà, je vous reprends juste après. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Promis, j'aurais craché. On crache pas sur les gens. Bah, si, c'est pas, bah, si c'est pas un gens, c'est Toff. Oh. Oui. C'est pas pareil. Ouais, non. Voilà, mais non, voyons, quand même. Et puis, non, c'est bien, ça hydrate. Voilà, en plus, ouais, exactement. Bon, on va donc se faire les appels mal intentionnés maintenant avec, bah justement, cette information qui est tombée tout à l'heure. Il y a un couple de Vietnamiens qui a eu la bonne idée de prendre un sac en plastique à la place d'une capote. Il n'en avait pas. Ouais. Résultat. Des brûlures, des infections, des saignements, risque de maladie et tout ce qui va avec, évidemment. Hein. Donc, Toff, tu vas voir avec tes amis qui s'ils ont déjà utilisé autre chose qu'un préservatif pendant qu'ils faisaient l'amour. Eh ben, allons-y. Eh ben, grâce au numéro que vous envoyez, continuez d'ailleurs sur toph@energie.com. Laissez votre numéro de téléphone, bien sûr, comme d'hab. Et puis, nous, on appelle les gens. Bien sûr, ça restera anonyme. On ne dira pas qui nous a envoyé le numéro, jamais. Bien entendu. Eh ben, oui. On y va ? Ah, ben, je suis prêt. C'est parti. Pour... Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous avez déjà utilisé autre chose qu'un préservatif pour vous protéger, monsieur. Ouais, ouais. Ah, et vous avez utilisé quoi? Oh. Ah bah dis donc, il a pas l'air ouvert là, au dialogue, hein, lui. Alors, non, ça, c'est sûr. On rappelle. Allô. Oui, je m'excuse, monsieur. Je sais pas ce qui s'est passé. On a été coupé. On a été coupé? Bah oui, parce qu'en fait, vous me disiez que vous aviez déjà utilisé autre chose qu'un préservatif, mais vous m'avez pas dit quoi. Décidément. Ça coupe. C'est pas gagné. Non, ça coupe pas être accroché à la gueule, je pense. Ah, pardon. Ouais, ça y est quand même. Hein. Allô? Oui, je suis vraiment désolé, monsieur, je sais pas ce qui se passe. À chaque fois que vous allez répondre, ça coupe. Ouais. Parce que du coup, vous m'avez pas dit alors ce que vous avez utilisé d'autre qu'un préservatif. Ouais, que compte ta mère. Mais c'est quoi le rapport, monsieur? C'est vrai qu'on le capte mal, hein. Je me demande oui. Finalement si c'était pas un problème de liaison. On va quand même le rappeler. Mmh. Allô. Oui, je comprends pas, monsieur, parce que là, on a encore c'est été coupé. C'est moi qui raccroche, tu comprends pas, c'est moi qui raccroche là. Alors maintenant, on va raccrocher, puis tu vas arrêter de m'appeler. Bah, ça se fait pas, monsieur, vous avez pas répondu à la question. Pas les couilles, tu vas manger tes morts si t'es pas content. Bah, non, je veux pas manger mes morts, monsieur, je veux que vous répondiez à la question. Allô. Ah, il te propose quand même de manger tes morts, ce qui n'est pas très frais dans l'absolu. Hein, bah, non. Bah, non, bon, on va le rappeler encore une fois. Tiens. Très gentil, monsieur. Oui, allô. Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais c'est parce que vous, du coup, vous avez toujours pas répondu à la question, monsieur. Bah, parce que je t'ai dit d'aller manger tes morts, tu comprends pas? Bah, non, je comprends pas, parce que ça a aucun rapport avec la question, monsieur. Bah, il y a la question, c'est que tu te la mets dans le cul, tu t'encules avec tes morts maintenant, gros, pédé tes morts. Oh non, arrête, monsieur, non, c'est homophobe, monsieur, on peut pas dire ça. Pédé, ça se dit pas. Bah, moi, je suis homophobe, moi. Non, monsieur, dites pas ça, c'est pas bien, c'est interdit. Ah, bon, décidément, au moins on a entendu un peu sa voix quand même. Hein. C'est vrai. Bon, il a dit de la merde, mais on a entendu sa voix. Bon, on le rappelle. Oui, monsieur, c'est interdit d'être homophobe. C'est puni par la loi. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Mais moi je vais bien en fait, et je voulais savoir si vous aviez déjà utilisé autre chose qu'un préservatif pour vous protéger. Bah, alors tu veux que je t'explique un truc? Oui, expliquez-moi. Alors, il n'y a pas bien longtemps, un jeudi matin. Oui. J'ai rencontré ta mère. Oui. Dans les bois. Oui. Et qu'elle faisait là en mini-short. Et moi, un peu tout chaud de la bite, je lui ai fortement demandé si elle voulait me sucer. Et alors elle m'a dit oui et tout. Et elle m'a dit, non, le préservatif, non, ça va pas, non. Donc, tu dirais bien à ta mère que j'ai kiffé. Et si tu veux pas que je la redéboîte, faudrait nous dire qui t'es. Toff, monsieur, je m'appelle Toff. Toff? Oui. Toi, tu te tapes des douilles, toi, non? Des douilles? Alors, une douille, oui, c'est pas. C'est un peu compliqué à dire, à expliquer quand même, mais. Bah oui, parce que du coup, c'est quoi une douille, monsieur? Bah, je vais te la mettre dans le cul. Oh non. Non, monsieur, non. Une douille de 13. Oh non, monsieur, non. C'est très violent, ça, monsieur. Je sais même pas si c'était pas du 27. Non, moi, je suis de Paris, monsieur. Ah, et pourquoi tu nous appelles? Bah, juste pour savoir si vous avez déjà utilisé autre chose qu'un préservatif pour vous protéger, c'est tout. Bah, un sac poubelle, nous. Ah oui, un sac poubelle. Et ça vous a pas fait mal? Non. Ça s'est bien passé. Mal. Bon, ben parfait. Eh ben écoutez, on peut souhaiter une bonne soirée alors. Bah ouais, tu vas toujours nous dire qui t'es. Bah Toff, je viens de vous le dire. D'accord. Voilà. Bon allez, on se fait des poutous, on saute. Pardon, j'ai pas compris. On se captera à Paris un jour, je te ferai les fesses. D'accord, eh ben avec plaisir. Vous voulez mon adresse? Ah bah je veux bien, ouais. Alors c'est 22. Oui. Rue, ça s'écrit R-U-E. Oui, monsieur. Et Boileau, comme le poète. Ah, mais il a pas noté, il est con quoi là. Putain, je crois qu'on est débarrassé là. Bon, encore une fois, bon, juste pour terminer l'adresse, pour être sûr qu'ils viennent, parce que sinon. Le romancier. Oui, je m'excuse, vous avez raccroché un peu vite, on n'a pas eu le temps de se souhaiter une bonne soirée pour se faire des poutous. Ta grand-mère, elle me fait des bisous aussi. Ah, bah si vous voulez, oui. Ah, bien sur la queue, bien, bien. Ah non, non, quand même, non. Non, à son âge, non, monsieur, non. Et moi, j'y vais à sec avec du gravier. Dans son anus, ça va mal. Elle va poser la fissure anale. Oh non, non, monsieur, non, ça c'est très violent. Non, vous pouvez pas dire des choses comme ça. Ouais, bonne soirée, au revoir. Oui, bisous, bisous, hein. Ah bah voilà, au moins, il a souhaité bonne soirée. On est tombé sur un poète, hein. Ah bah, il était magnifique. Ah, c'est lui, un vrai artiste. Ah, ouais, un chanteur. Oui, c'est MC Circulaire. Bah, c'est une vraie chanson. Mais c'est bien, au moins, il y a pensé, quoi. Oui, voilà. C'est pas mal. Bon, 1h51, on fera d'autres dans moins d'une heure. Si vous avez des numéros à proposer, vous envoyez ça sur le mail de Toff, pardon. toph@energie.com. On écoute Sib maintenant, et promis, juste après, cette fois-ci, promis juré. Polo. Sur Toff. Voilà, on reprendra Elton, Gwendoline qui s'est fait larguer par son mec là, qui le vit mal, Abdel, Xavier, Christelle de Troyes et Géraldine de Nice qui voulaient aussi donner leurs avis. Et ben on fait ça dans un instant, le temps d'écouter Sib. This is love for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. dreams you found. Sing me all the songs you love. Can I sing them with you now? You're killing me over love. Your kisses are the only doubt. I listen up from your lies. C'est Mickaël, on est sur NRJ. Je rappelle qu'on est là toutes les nuits de minuit à 4h et puis le dimanche aussi de 20h à minuit en direct. Tu les aimes, tu les détestes, mais t'écoutes, tu entends, tu peux pas t'en empêcher, tu les adores, tu ne peux pas arrêter. T'essaies de tout stopper, c'est dur, mais c'est plus fort que toi. Tu voudrais que ça se termine, mais t'es là. Toutes les nuits de minuit à 4h avec Mickaël sur Énergie. Eh oui, on va jouer. Excusez-moi. On va jouer au jeu du gros tout à l'heure. Si vous voulez jouer avec nous, vous allez pouvoir affronter Tof, qui est le loser officiel. Il y a Polo, il y a Amina, il y a Seba au standard ou moi. Et vous allez pouvoir repartir avec des cadeaux, forcément. Donc si vous avez envie de jouer, 01 40 71 5000, où vous envoyez Mickaël, espace gros, et votre numéro de téléphone au 612. Et on vous rappelle, vous pouvez envoyer ça pour la Belgique, la France. C'est le même numéro, hein. C'est 6 11 12. C'est aussi simple que ça. Antoine Astico qui dit salut bande de ouf, heureux de vous retrouver, ainsi que les habitués, nouvelle vie pour moi, mais toujours à l'écoute. Ah bah c'est gentil Antoine Astico, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de toi, dis donc. Retour avec Gwendoline à Belfort. Excuse-nous Gwen là pour le retard, mais on a eu tellement de choses là, depuis tout à l'heure, qui s'est fait donc larguer par son mec. Et bah elle a pas trop envie de lâcher l'affaire, parce que t'as l'air d'être une teigne hein, Gwendoline hein. Gwen. Bah Gwen, elle est où Gwen? Bon, attends, on va essayer de la rappeler. Oui, peut-être. Oh, c'est pas grave. Il y a Géraldine en attendant à Nice, le temps qu'on récupère Gwen. Salut Géraldine. Coucou. Ouais, ils sont là depuis une heure. Bah, oui, allô, il y a quelqu'un? Gwen. Oui, merde, Géraldine. Salut Géraldine. Oh. Désolé pour le retard. Bah, on a eu les appels. C'est la faute de Toff encore. Pardon. Eh oui, bah, évidemment, évidemment. Bon, bah, bienvenue en tout cas Géraldine. Alors, bon, raconte un petit peu. Toi aussi, t'as eu la même situation. Toi aussi, tu t'es fait larguer comme une merde par un connard. Non, pas forcément. C'est moi qui essaie de le larguer. Oui, c'est plus compliqué que ça. En fait, ça fait un an et demi qu'on est ensemble. Et moi, je suis une fille assez... Enfin, je sors beaucoup, etc. J'ai pas mal eu de conquêtes. Ouais. Et j'en avais eu mal de tomber sur des connards. Parce que je tombais que sur que des connards, comme disaient mes copines. Mmh. Et du coup, je me suis inscrite sur Tinder. Ouais. Et j'ai rencontré un mec qui est un peu différent, quoi. Genre, il faisait une école d'ingénieur, était assez timide, etc. Du coup, on s'est rencontrés. Et genre, il a pas voulu me sauter le premier soir, entre guillemets. Coup, mais le deuxième, hein. Tu t'es inquiété, tu non, t'es dit, merde, je plais plus. Non, mais même pas. Le premier soir, moi, ça m'a un peu surpris. Et même le deuxième soir, genre, il a voulu qu'on aille au resto et compagnie. Mais après le resto, il a pas voulu qu'on fasse quoi que ce soit. En fait, il était gay. Non, c'est con de se mettre sur Tinder. Trop pas. Et du coup, après, moi, je me suis dit, bon, peut-être qu'il est un peu différent. Enfin bref, du coup, on s'est revus. Finalement, non, en fait, il est plus âgé que moi. Hein. Moi, je suis pas si vieille que ça. Hein, mais à l'époque où je l'ai rencontré, j'avais 26 ans. Lui, il avait 30 ans. Ouais. Donc et lui il cherchait un truc vraiment sérieux et moi je sortais avec des mecs qui cherchent des trucs pas sérieux je pense et du coup là non vraiment il cherchait vraiment un truc sérieux donc on a couché ensemble après un petit moment. Qu'est-ce que t'appelles un petit moment? 6 mois. Non mais je sais pas. Non. Non, un petit moment pour moi, c'est 3 semaines. D'accord, ok, d'accord. C'est déjà un bon moment. Ouais, bah ça va, ouais, c'est bien. Ouais, non, on a comment. Enfin, normalement, je le fais plus vite, mais avec lui, je sentais qu'il était un peu. Oui, d'habitude, je le fais le premier soir, j'ai une grosse cochonne. Oh. non, mais bon, enfin bref, on a couché ensemble après, voilà, 3 semaines. Et là, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Le problème, c'est que moi, je suis hyper amoureuse de lui. Ouais. Du coup, parce qu'il est un peu différent des mecs que j'ai pu rencontrer avant, qui étaient peut-être un peu plus genre étudiants, ou je sais pas, qui voulaient juste baiser. Et lui, il a vraiment envie de construire quelque chose. Par contre, il est hyper jaloux. Ah là là, mais quel tana. Ça, c'est vraiment le truc le plus chiant. C'est franchement, c'est le truc qui peut te faire niquer un couple. Eh bah oui. Bah oui. Non, mais à ce point-là, genre vraiment, moi j'ai parlé à mes copines, parce que j'ai pas mal de copines et tout, j'essaie d'en parler, même un peu avec mes parents, mais vite fait, parce que bon, c'est difficile toujours avec les parents, mais c'est une jalousie, mais de ouf, quoi. Moi, je suis une meuf du Sud, du coup, je m'habille toujours assez. Je mets des jupes, des talons. Mais t'as bien raison, continue comme ça, genre. Non, mais sans être vulgaire, vraiment, je suis pas quelqu'un de vulgaire, mais lui, c'est un mec du Nord. On s'est rencontrés à distance, en fait. Lui, ouais. Il a ses parents qui habitent dans le Sud, il est de Paris. Du coup, dès que je m'habillais un peu, juste en jupe, point. Mais c'est parce qu'à mon avis, tu dois être plutôt bien goulée, Géraldine, et que, comme il était. Non, mais attends, mais ça se trouve, hein, c'est juste, j'essaie d'expliquer, mais. Et qu'à mon avis, voilà, il a juste peur, il a dû sortir avec des meufs qui étaient toujours moins bien que toi, et que du coup, pour une fois, il a trouvé, genre, pour lui, la bonne, dans tous les sens du terme d'ailleurs, que du coup, il est un peu, à mon avis, en flip, et il a peur que tu te barres avec le premier venu. Oui, je vais surtout vérifier si ça. Tu lui as expliqué qu'avant, t'étais plutôt volage. Ça, bah ouais, sauf si tu lui expliquais que t'étais volage avant, bah forcément lui. Alors, Géraldine, combien mesures-tu? Elle est déjà avec un mec, Tof. C'est pas grave, non, ah, c'est il va pas. Il kiffer, hein, Tof. C'est bon. Hein. Alors, combien mesures-tu? 1m72. D'accord, combien pèses-tu? 65 kilos. J'ai grossi depuis que je suis avec lui. Ah oui, d'accord. Quel est ton tour de poitrine? 95D. Oh. Ah, D comme Denise, oui, bon, bah alors. Et la taille du dernier pantalon? 40 kilos. 40 kilos. 40, ah oui. Ah, il est lourd le pantalon quand même. Hein. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Elle est. Ah, bah, il y a justement Jean-Marc qui voulait les mensurations sur le Facebook. Bah, voilà, comme ça, c'est fait. Ah, mais je pense qu'il a raison. Peu importe. Non, mais je suis assez pulpeuse. En fait, c'est ce qu'il me disait. Enfin, je suis assez. Voilà. Non mais oui, vraiment, c'est ce qu'il me disait, son ancienne meuf, elle était assez... Moi j'ai pas mal de caractère, je suis commerciale et compagnie, je parle beaucoup, et j'ai pas mal de formes, et il me disait son ancienne meuf, avec qui il est resté un moment, elle était assez effacée, très mince, enfin bref. Enfin, peu importe, à un moment, Géraldine... T'es en train de lancer des fleurs là un peu. Non mais, mets les choses au clair avec lui, tu lui dis, écoute, voilà, moi j'ai pas envie d'un mec jaloux, donc soit tu arrêtes d'être jaloux et c'est génial et tout va bien, soit tu continues à être jaloux et puis mais tu seras jaloux tout seul, quoi. Tu sais, il y a non, un mais truc... je lui ai dit 10 000 fois, je me suis inscrite à la salle... Enfin, je travaillais, je me suis inscrite à la salle de sport, et genre, il m'a dit, ouais, mais non, mais il y a des mecs à la salle de sport. Je suis, bah ouais, mais c'est normal, la salle de sport, il y a des mecs, des meufs. Tu sais que si tu prends le train, il y a des mecs aussi dedans. Il n'y a pas de fumée sans feu, Géraldine. S'il est jaloux, si quelque part tu lui lances des trucs aussi. Pas forcément, t'as des mecs qui sont complètement complètement ravagés. Oui, il y en a, mais il y a un moment donné, tu peux pas non plus. Si t'es un vrai mec, tu peux pas laisser la meuf faire ce qu'elle veut aussi, tu vois ce que je veux dire. Quoi? Bah oui. Comment bah, si. Ça bah oui, non, bah, la salle de sport. Bah non, mais c'est pas que la salle de sport. Ouais, merci Amina. Non, mais attends, Géraldine, je pense pas que ça soit que la salle de sport qui le dérange. Bah elle dit, puisqu'il dit, ouais, tu peux pas aller à la salle de sport parce qu'il y a des mecs. Oui, mais c'est pas que. Enfin, oui, mais c'est ce qu'elle te dit. Après, bah oui. T'as tout... Oui, ouais, bah, oui, oui. Bah, qu'est-ce que je te dis pas alors? Bah vas-y, bah dis-nous-le, puisque je suis pas dans ta tête en fait. Qu'est-ce que tu nous caches? Non, mais ça se trouve, elle dit tout, elle est juste tombée sur un mec, un jaloux maladif. Non, mais vraiment, oui, vraiment, parce que je suis pas la genre de meuf qui va coucher avec n'importe qui. Mais si, avant, tu l'étais. Non, elle couchait vite, mais pas forcément avec le premier venu. T'as même dit, oh, ouais, je comprends pas, il a pas voulu qu'on couche tout de suite ensemble. Oui, mais c'est pas ça qui le premier venu. Oui, mais parce que d'habitude, ben, j'étais jeune, tu rencontres des mecs, les mecs, ils ont envie de coucher. Pas forcément. Après, ils veulent avoir une relation sérieuse, mais les mecs, ils veulent. Mais ça dépend. Attends, mais il y a des filles qui veulent aussi se faire casser les pattes arrière au premier mec venu, hein, cela dit. Bah, c'est vrai que c'est un peu moins fréquent que les mecs, j'avoue. Mais ça peut exister. Non, écoute, de toute façon, le meilleur conseil à donner, Géraldine, c'est de lui dire les les choses cash, quoi. Fous-lui un peu les boules, justement. Dis-lui, voilà, que t'as soit il a confiance en toi, et puis, ben voilà, il verra bien comment ça se passe, et au moins, ça va se passer. Soit il a pas confiance en toi, il continue à être jaloux, et puis il sera jaloux tout seul, parce que tu vas le virer. Menace-le à un moment, il faut qu'il se comprenne un peu, tu vois, que c'est pas open bar. Hein, parce que sinon, je l'ai fait 10 000 fois de le laisser seul, justement, pour la salle de sport. Là. Hier soir, il m'a fait chier parce que je suis allée à la salle, et j'y suis allée, le cours était à 19h, je suis allée à 18h30, et il m'a envoyé des messages, genre, oui, qu'est-ce que tu fais, et tout. Je suis à la salle, j'attends que le cours commence. Il me fait, bah ouais, mais t'attends et tout. Il y aura des mecs qui attendent avec toi. Je suis, mais non, il n'y a que des meufs. Bah, tu lui dis, ouais, je suis en train de me faire enculer pendant que t'es en train de parler. Donc, si tu veux éventuellement me rappeler plus tard. Non, mais attends, vestiaire, là. Non, mais franchement, moi, je suis avec un mec comme ça, avec une meuf en l'occurrence comme ça. Je rentre dans son jeu, quoi. Tu vois, ouais, je suis en train de me faire reluquer et tout. Le problème avec ces gens-là, c'est qu'après, ils vont te faire un scandale qui va durer 4 jours pour une histoire de. Il t'a regardé au McDo. Oui, ah, mais moi, je le dégage, j'en ai rien à foutre. Oui, mais non, mais Géraldine, mais non, non, mais, non, mais, raison, non, mais non, il n'y a, la... pas la raison. Michael, non, Michael a raison. Si ça te plaît non, pas, dégage-le. Non, arrête non, de Michael, franchement. Mais c'est les mecs, il y a une meuf dans l'équipe. Écoutez, laissez-la parler. Géraldine, je dis la même chose qu'Amina, t'es sérieuse ou quoi? Bah oui. Genre, c'est l'automatisme. Les mecs ont tort, la meuf a raison. Je dis la même chose qu'Amina. Non, mais moi, je dis la même chose. Si, ouais. Si ça te plaît, mais si, moi je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et bon, après, j'ai tort, j'ai pas, voilà, ce que tu veux, t'as raison, non, Géraldine. Polo, tu as toujours raison. Il y a Antolastico qui dit je demanderai l'avis de Jackie personnellement. Mais non, mais, bah non, oui, non. Mais si, c'est intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si ça te plaît pas, bah dégage-le, quoi. Oui, genre, voilà. Et à un moment donné, tu vas pas rester. J'essaie de le dégager. Mais non, mais non, mais oui, voilà. Voilà, je suis amoureuse. J'essaie de le dégager. J'essaie de lui expliquer déjà au niveau de mon habillement. Il trouvait toujours que c'était trop court, trop machin, etc. Mais attends. Mais tu t'habilles comme tu veux. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va te dire tu t'habilles comme ci ou comme ça. C'est bon, évidemment, non, si tu sors en sous-vêtements dehors, bon, je peux comprendre qu'il gueule. Mais qu'il est chez sa mère. Non, mais je suis pas content. Si, je veux dire, il y a un moment, c'est bon, quoi. Je serais assez curieux de voir ton. Vraiment, quoi. C'est pas pour. Oui, envoie-moi des sonnus. Oui, voilà, écrase-les que je vois à quoi il ressemble. Non, mais je serais curieux de voir à quoi tu ressembles, Géraldine, parce que depuis tout à l'heure, tu te lances des fleurs, que tu es sexy, Si, oh, je suis sexy, mais je mais cela dit, mais une fille ou un mec est toujours sexy pour l'un ou pour l'autre. J'ai une adresse email, je vous envoie ma photo. Hein, et bah, très bien, envoie POLO à tenergie.com. Ouais, voilà, il sera content comme ça. Attends, POLO, comme un P, un O, comme un O, un L, comme un L, un O, et à tenergie.com. Ouais, bah oui, je l'envoie, mais je m'en fous, de toute façon. Non, mais bon, peu importe, tout ça pour dire, Géraldine, qu'il y a un moment, fais-lui peur, vire-le, casse-le avec lui, hein, quitte à ce que toi tu saches très bien Mais je l'ai déjà fait. Eh bah alors, vire-le définitivement, Géraldine. S'il comprend pas, il comprend pas. Si je vous appelle, c'est pour savoir si c'est un truc normal. Non. Je suis jamais tombée sur un mec jaloux comme ça. Mais non, c'est pas normal. Il y en a plein qui le sont, mais ça, moi, je reste persuadée que c'est pas normal. Tu dois avoir confiance en ta copine ou en ton mec, mais tous ceux qui disent oui, mais la jalousie, c'est mignon, c'est une preuve d'amour. Non, c'est une preuve de non-confiance. Ouais. Et les mecs qui, ou les meufs qui disent oui, mais en toi, j'ai confiance, c'est en les autres. Bah non. À partir du moment où t'as confiance, tu sais que si t'as une meuf qui est plutôt jolie ou un mec qui est plutôt bien foutu ou n'importe quoi, eh ben oui, il va y avoir toujours un risque qu'il ou elle se fasse draguer. Et alors, c'est-à-dire qu'il y a un moment, eh ben tu sais que t'as confiance, tu sais que le mec n'ira pas voir ailleurs, et s'il va voir ailleurs, eh ben c'est que t'auras mal misé, eh ben tant pis pour toi, c'est pas grave, tu trouveras un autre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, faut pas non plus faire une catastrophe, c'est pas grave. Vous pouvez imaginer que c'est le bon et en fin de compte, bah vous vous rendrez compte que c'est pas le bon. C'est comme les voitures, hein. T'as une voiture d'occasion, t'es persuadé que c'est la bonne et puis finalement elle tombe en panne, tu te dis bah, je me suis fait fister. Bah voilà, mais non mais c'est comme ça. Non mais c'est même l'inverse. En général, les gens jaloux, c'est parce que eux-mêmes ont des trucs à se reprocher. Exactement. Et ils sont pas clean. Tout à fait. Bon, reste avec nous, Géraldine. Il y a Jackie. Oh là là. Qui a son mot à dire là. On va sur le jeu du gros aussi. On va récupérer Abdel, Elton et Xavier aussi dans un instant. Bon, avant ça, on va d'abord se mettre DJ Snake maintenant et Justin Bieber. On est sur Énergie toutes les nuits, de minuit à 4h. Et le dimanche aussi, c'est de 20h à minuit sur Énergie. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up. Nah, I won't give up. Nah, let me love you. Let me Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Allez, on est sur Énergie, bonne nuit, par qui t'arrive. Oui, attention, âme sensible, s'abstenir, il y a Jackie qui arrive. Parce que dans la vie, tu peux tout rater. Ta journée, ton dîner, ton mariage, tes examens, tes vacances. Tu peux tout rater, vraiment tout. L'erreur est humaine. Mais il y a une chose que tu ne peux pas rater. Ta nuit. Ta nuit. Si tu veux la réussir. Une seule solution. Mickaël, Toff, Polo et Amina sont là de minuit à 4h sur Énergie. Exactement, et puis le dimanche aussi, c'est de 20h à minuit, hein, comme ça vous le savez maintenant. 20h minuit, notre premier dimanche, c'est ce dimanche. Donc vous n'avez rien raté, rassurez-vous. Bon, on va récupérer donc Géraldine qui est dans la même situation que Gwendoline, donc qui enfin plus ou moins hein, c'est-à-dire que Gwendoline s'est faite larguer alors que Géraldine elle aimerait bien larguer son mec, sauf que ben ça fait un an et demi qu'ils sont ensemble, elle est amoureuse de lui, lui aussi visiblement, mais il est jaloux beaucoup, enfin très jaloux plutôt, ouais. Et bon, Géraldine voulait des conseils, on lui en a donné, hein, faut le dire. Mais heureusement, il y a Jackie, notre consultant routier, hein, qui également a son avis à donner. Bon, Jackie, t'es là, Jackie ? Ouais, je suis là, les gars, ça va ou quoi ? Ça va et toi, week-end ? Ça va, Jackie ? Bon, tu me diras, on est mardi, mais... Ouais. Ça a été le week-end ? Ouais, ça va, tranquille. Ouais, impeccable. Bon, vas-y, passez aux choses sérieuses, parce qu'il bon. Paraît, il y a de la salope à dézinguer. Oh, non, Jackie, commence par là. Ah, Jackie, toujours en forme. Attends, stop. Est-ce que, du coup, Géraldine, t'as envoyé la photo ou pas, Apollo, là, qu'on sache ? Mais non, faut me répéter le nom. Alors, c'est attends. P-O. Attends. Oh, c'est bien une bonzette, ça, je suis un peu une meuf relou, en fait. Ouais, non, bah, ça, on a remarqué. T'es une meuf tout con, ouais. Donc, c'est P... Alors, faut juste que je marque l'adresse. Alors, rechercher. Voilà. Alors, P-O. P-O-L-O, comme polo, hein. P-O-L-O, B-I-P-E. Non, arrête, l'embrouille pas, Jackie. B-I... Arrobase. Non, P-O-L-O. Arrobase. Non, après, P-U-T-E. Ta gueule, Jackie. P-O-L-O, arrobase, N-R-J, comme la radio, ça tombe bien. Point com. Ouais. Com. Voilà. Ok, c'est facile en fait. Ah, c'est plutôt simple, comme t'as pu le remarquer, effectivement. Polo, bon. Voilà. Okay. Alors, bon, Jackie. Bon, quel est ton avis sur l'histoire de Géraldine, toi, par rapport à son mec, jaloux, tout ça. Un petit récapitulatif parce que j'ai pas entendu malheureusement. Bon, alors donc récapitulatif. Donc Géraldine sort avec. Donc à l'époque, Géraldine sortait avec des mecs. Elle sortait pas forcément avec le premier venu, mais elle couchait dès qu'elle en choisissait un avec elle, ouais, avec lui, le pute, premier ou non. Mais non, putain, Jackie. Bon, ouais, et donc, écoute, tu me dis si je me trompe, Géraldine, hein. C'est ça ? Ouais, ouais. Voilà, donc t'avais tendance à coucher le premier soir, ou en tout cas, enfin, ouais. Rapidement, en tout cas. Bah, quand le mec me plaisait vraiment, oui. Voilà, non mais c'est ça. Bon, sauf qu'un jour, elle est tombée sur un mec qu'elle a rencontré sur Tinder, qui était plutôt gentil, moins entreprenant que les autres. Du coup, vous avez couché ensemble qu'après 3 semaines, ce qui t'a limite surprise. Et ouais. Aujourd'hui, ça fait un an et demi, que vous êtes ensemble. Sauf que bah, tout se passe bien, sauf qu'il est hyper jaloux et que bah il t'empêche limite d'aller à la salle de sport parce qu'il y a des mecs qui peuvent te voir. Tu pourrais discuter avec des mecs. Mon Dieu, oh là là, quelle catastrophe. Et etc. etc. Donc t'as déjà essayé de lui dire, t'as déjà essayé de le virer, mais comme t'es amoureuse de lui, t'as pas vraiment envie de le virer, mais t'aimerais bien quand même qu'il arrête, qu'il soit moins jaloux en l'occurrence. Et donc ouais. Voilà ton problème aujourd'hui, c'est ça, Géraldine ? Ouais, c'est voilà. Exactement ça. Bon, Jackie qui a la science infuse évidemment et qui a toujours la bonne solution à tout problème. Notre consultant. Voilà. Donc quand on galère et qu'on n'a pas de solution, on appelle notre consultant Jackie. Ouais, bah moi j'ai une solution simple en fait. Et alors, Jackie ? Alors c'est quoi ? Bah, qui ferme sa gueule, tu vois. Ah, mais non. Parce que le mec, c'est pas de la jalousie, c'est juste de la normalité, mon gars. Kafka va branler son cul dans une salle de sport, là, avec des lascars partout autour, là. Mais qu'est-ce non, qu'il mais... veut faire dans une salle de sport, là? En ligging ou je sais pas quoi, là, en train de bouger son cul devant les pélos, là. Attends, ça m'énerve, ça. Aïe, là, je commence à être tout rouge, les gars. Là. Mais je fais de la Zumba, y a que des meufs à la Zumba, non, mais c'est pas possible. Mais t'as rien, c'est de la Zumba, tu mets de la musique dans ton salon, là, et puis tu vas pas nous péter les couilles, tu fais de la Zumba dans ton salon. Et t'achètes une Wii, comme tout le monde. T'achètes une Wii et tu fais de la Zumba dans ta Wii, là, tu viens pas nous péter les couilles, là. Mais non, mais Jackie, tu préfères quand même sortir avec une meuf qui est un peu bonne, qui s'entretient quand même. Bah, elle peut s'entretenir à la maison, hein. Non, mais d'accord, mais attends. Surtout, sachant son passé, mon gars, La meuf qui couche avec tout ce qui bouge, mon ami, crois-moi que celle-là, je le laisse au prochain radiateur, je vais pas la lâcher tout de suite. Non mais, Jackie, je t'ai dit, je t'ai dit qu'elle sortait pas, qu'elle couchait pas avec tout ce qui bougeait. Je t'ai dit que dès qu'il y avait un mec qui lui plaisait, elle pouvait coucher avec lui, effectivement, le premier soir. Ça veut pas dire qu'elle baise avec le premier qui passe, parce que sinon, t'en fais présenter. Mais non, mais pas du tout. Les meufs, on est comme les mecs, genre moi, c'est un mec qui me plaît, s'il est intéressant, s'il est intelligent, non mais Géraldine, tu sais quoi? Et je vais te dire un truc, Géraldine, la grosse différence, moi j'ai toujours pensé c'était la grosse différence entre les mecs et les meufs, c'est que les meufs avaient un tout petit peu plus d'intelligence, pas beaucoup, mais qu'elles avaient justement cette conscience justement de pas passer leur temps à baiser et qu'elles avaient plus de... Non, l'avantage des meufs, c'est qu'elles n'ont pas de bite. Et les mecs, le point négatif des mecs, c'est que la plupart réfléchissent, pour pas dire tous, avec leur bite. En tout cas, c'est la bite qui a le dernier mot. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que moi, je pensais pendant des années, je pensais justement que les meufs n'avaient pas cette conscience de baiser, parce que... On a l'impression qu'il faut faire comme les mecs. C'est pas parce mais que les mecs font de la merde. Tu oh, Jackie, hein, putain. Bon, Jackie, c'est fini, oui. Non, mais. Jackie, mon héros, ma passion. La jalousie, pour moi, c'est de l'amour. La jalousie, c'est de l'amour. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Il y a un mec quoi. Qui prend soin d'elle. Il y a un mec qui prend soin d'elle et il veut pas qu'elle aille traîner son cul à droite à gauche. La meuf, elle vient pleurer. Arrête de conneries, ma grande. Arrête de faire la grande. T'assumes, maintenant, t'as un bonhomme qui te tient. Il veut pas ci, il veut pas ça. Maintenant, ferme ta gueule et assume. Oh. Non, Jackie, bon, là, c'est fini. Bon, merci pour ce conseil, Jackie. Stop, Jackie, terminé. Tout à l'heure, on part dans le polo show. C'est fini, oui, maintenant. Non. Oh là là. Bon, dans le polo show. Mais après, je comprends ce qu'il dit. Hein. Moi, j'aime pas aussi. Mais il manquerait plus que tu sois d'accord avec lui. Alors là, mais tu fais ce que tu veux, Géraldine. Non, mais si tu te mets en string en train de faire du vélo dans une salle de sport, oui, je peux comprendre que le mec tire un peu la gueule. Oui, mais il y a un moment, si t'es en tenue de sport et que tu fais ton sport et qu'il y a des mecs qui te reluquent, Géraldine, tu sais ce que tu fais? Non, mais attends, tu l'emmènes avec toi. Non, mais emmène-le avec toi. Mais non, mais pourquoi c'est pas? C'est pas la solution. Dans ce cas, c'est pas la solution. Mais oui, copines, non, mais non, mais s'il est, il voit. Mais s'il est jaloux et si tu tiens à lui, tu l'emmènes, tu dis regarde. Et tu l'emmènes. Ouais, j'ai dit, il y a un moment donné, si tu veux pas le garder, dégage-le. Si tu veux le garder, tu lui montres que t'es quelqu'un de fiable. Puisque lui, c'est ce qui l'empêche de vivre, apparemment, de vivre avec toi. Bah voilà. Sinon, t'en fais pas jaloux. Alors, Karine, je suis pas jaloux du tout. T'as mille fois raison, mais le problème, c'est que moi, j'ai déjà parlé. Ça fait. J'ai toujours raison. Il me dit, lui. J'arrête pas de le dire. Non, mais lui, il bosse, il est ingénieur, il rentre à 18h30, et il rentre, il m'attend au travail, il m'envoie un message. T'es où? Tu fais quoi? Alors moi je rentre un peu plus tard que lui, du coup je vais au sport après. Il m'envoie 10 000 messages genre tu fais quoi? Je stresse et compagnie et tout. Je suis au sport. Il me fait ouais. En fait c'est une baltringue. Ouais, si on l'a trouvé. Non mais il a pas confiance en lui, il a juste peur que tu te barres parce qu'il sait qu'il trouvera pas une meuf aussi bonne que toi. Non mais je pense que c'est ça. Mais bah oui. Non, je pense pas ça, je suis pas si bonne que ça. Géraldine, j'ai pas dit quand je dis bonne, c'est que s'il sort avec toi et qu'il est amoureux de toi, c'est qu'il te trouve très très bien pour lui. Donc voilà, peut-être qu'il a peur de pas trouver une meuf aussi bien. Après, sinon, c'est complètement misogyne de dire qu'une meuf, elle est intéressante seulement parce qu'elle est bonne. Mais non, mais bonne, ça peut être dans tous les sens du terme. Ça peut être bonne parce que bonne âme, parce que intelligente, parce que il a peut-être trouvé la meuf qui lui convient parfaitement pour tous les points, j'en sais rien. Mais voilà, et c'est pour ça qu'il a peur et peut-être qu'il est assez maladroit et qu'il montre justement ça avec la jalousie. Ce qui est peut-être... comme ça. Mais pas tous, mais lui en l'occurrence, c'est une merde. Genre, je sais pas si je peux vous demander, vous, ce que vous en pensez, ou même Amina, ce qu'elle en pense, si elle a déjà connu ça, mais moi, j'ai jamais connu ça. Même quand je demande à mes copines, elles me disent ton mec, il est génial. En fait, c'est un amour avec tout le monde. Oui, mais voilà, mais il peut avoir toutes les qualités du monde, mais le problème, c'est que tu peux avoir plein de qualités. C'est comme une voiture, elle peut être la meilleure avec les plus belles options. Si la peinture est foirée, la voiture est pourrie, quoi. Non, il faut lui faire peur, je pense. Tu vois, parce que là, tu te mets en mode soumission, tu lui réponds à chaque fois et tout, tu pètes un vrai scandale, tu casses un truc et ça va le faire flipper, il va arrêter. Ouais. Tu casses tes affaires à chaque fois qu'il t'embrouille. Mais je l'ai. Mais quelle histoire. Là, ce soir, je suis partie chez mes parents, du coup, parce que forcément, on se met ensemble. Donc, je suis partie chez mes parents. Parce que sinon, si j'étais à la maison, je pourrais pas téléphoner comme ça. Bah oui, j'imagine. Évidemment. Ah, parce qu'en plus, t'appelles une équipe où il y a quand même 4 mecs et une meuf. Bah oui, oui. Ah, toi, t'as demandé ses mensurations, t'as dit que tu faisais du 90D, t'envoies des photos à un mec que tu connais pas. C'est déjà un connard. Non, même pas. J'ai toujours rien reçu. Ouais, mais ça va venir, j'imagine. Si, je les ai envoyés. Polo, energymichael.com. Ah non, mais non. Energymichael.com. Je vais me retenir parce que là. POL. Oh merde, Jackie est déjà partie. Non, je suis quelqu'un de bon, je suis un saint homme. Bah évidemment. P-O-L-O. Ouais, mais sauf que tu n'avais pas la bonne adresse. C'est pas la bonne adresse, c'est polo@energie.com. C'est tout. C'est compliqué votre truc. Bon, enfin, c'est quand même bon. On peut pas faire plus facile, Géraldine. T'es sérieuse ou quoi là? polo@energie.com. Alors, polo@energie.com. Mais je suis pas si bonne. Attends, que ça, de toute façon, on s'en fout, c'est vraiment sexiste. Qui casse tout, là. Non, je casse un moustique. Parce qu'il est tombé de sa chaise. Je l'ai envoyé à la bonne adresse. Bon, bah écoute, c'est que ça va arriver, alors j'imagine. Mais pas comme objet. Bon, bah tu veux rien, on s'en fout. On s'en fout. Mais je suis bonne, point d'interrogation. Non, mais on s'en fout, mais pas d'objet, voilà. C'est pas grave. Mais pas d'objet. C'est pas comme si Polo recevait souvent des mails, t'inquiète pas, il retrouvera le tien. Si, figurez-vous que Jess, hier, la Libertine, nous propose un plan à 3 avec Toff. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a eu hier, effectivement, ouais. Voilà, bon. Je suis bonne, machin truc. Voilà, et t'envoies le tout. Bon, Géraldine. Étonne que le mec soit jaloux. Géraldine, et après, il va tomber sur sa boîte mail, ça va être un drame. Géraldine, donc, tu le revois quand, là, ton mec? Je sais pas. Bon. Enfin, demain, après-demain, tu sais pas. Demain, parce qu'on habite ensemble, donc je suis censée revoir demain. Bon, rappelle-nous quand t'as la possibilité de nouveau être sans lui afin qu'on ait des nouvelles pour voir ce que t'as pris comme décision et voir un peu s'il a changé, d'accord? Ok. Bon, on fait comme ça. Bon. Je t'ai envoyé la photo. Hein, ça y est, tu l'as ou pas? Non, y a rien. Bon, bah, écoute. POLO. Mais comme elle a pas appuyé sur envoyer encore. Bah renvoie-la encore une fois. Envoyé. Attends, j'ai reçu un mail, bah c'est pas moi. C'est pas toi, pardon. Donc c'est des fois qu'il l'a envoyé la mauvaise adresse, mais c'est pas. Non, ça doit être moi là. POLO@energie.com. Non mais je pense qu'elle a compris, tout le monde d'ailleurs. Bah on n'est pas sûr. Bon Géraldine, on te tient au jus en tout cas. Bah merci d'avoir appelé, tiens-nous au courant, je compte sur toi. Et puis gros bisous Géraldine. Bisous. Salut à toi. Ciao. Allez, à bientôt. Xavier dans un instant, Abdel, Gwen, Elton. On va sur le jeu du gros également. Et puis le son de The Parakeet maintenant sur Énergie, juste avant de se faire encore d'autres appels mal intentionnés. Jeanne-Françoise qui dit il a l'air aussi Casbjorn Kell. Ils font la paire. Oh, Jeanne-Françoise. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly. Drop my hand. You save me, save me. Shoot me down, blow me down. Save me, kill me. Shoot me down, blow me down. Save me, save me. monde, c'est Mickaël sur Énergie. Mickaël sur Énergie. En live. De minuit à 4h, toute la semaine. Mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L officiel. Exact, on est là et on va se faire le jeu du gros maintenant. Jeu du gros, c'est avec... Hassan qui est avec nous, 22 ans à Bordeaux. Salut Hassan, comment ça va? Bonsoir l'équipe, ça va tranquillement et vous? Eh ben ça va plutôt bien Hassan. Bon, ah, le bordelais, tiens, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'orages tout à l'heure ou pas sur Bordeaux? Ah ouais, c'était un truc de fou hein. Ah ouais, putain, il y a eu beaucoup. C'était à la limite de l'ouragan, à la limite. Ah ouais, quand même. Bon bah écoute, ah, ça va mieux là? Ah ben là, ça va, ça s'est calmé un peu. Bon bah très bien. Bon c'est le principal. Bon Hassan, on va jouer au jeu du gros maintenant. Le principe est simple. Une minute, tu vas donc affronter qui tu veux dans l'équipe. Et le but c'est d'arriver à tenir le plus longtemps possible avec quelqu'un qu'on va appeler en disant, enfin surtout en une minute maximum, en plaçant un maximum de fois gros dans la phrase. Sans D'accord. en faire trop, il faut que ça reste une conversation naturelle et normale. Ouais. Tu peux mettre que 3 gros d'affilée maximum. Donc pas arriver en disant ouais, gros, évidemment, ça ne comptera pas. Ouais. Donc faut que ça reste naturel. D'accord. Tu vas affronter qui? Le plus loser de tout, Stoff. Ensuite, il y a Polo, Amina, Seba au standard ou moi-même, Hassan. Non, Amina, non, parce que sinon, il va jamais raccrocher. Quand c'est une fille au téléphone, on ne raccroche jamais. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, conseil à donner à tout le monde, ne jamais prendre Amina avec sa petite voix et tout. Encore que j'ai perdu tous les jeux, je suis minable. Hein. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, elle a encore rien gagné. Ouais, elle a perdu à tous les jeux, c'est vrai. Bon. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas vu ça, mais en tout cas, je la prends pas, elle. Enfin, c'est sûr. Bon, du coup, tu prends qui alors? On va prendre le toffeur, là. Le toffeur. Le toffeur. Voilà, bon bah très bien, allez hop c'est parti, tu vas donc affronter Toff, le plus minable de tous en termes de défaite. C'est un tas de merde. Ouais. C'est lui le plus nul, c'est lui. Ah c'est lui le plus nul, oui. Ah il y en a pire, il y a le Ouais, mais c'est pas de la jouer qu'une seule fois, c'est pas du standard, ouais. Alors que Toff a quand même eu beaucoup de défaites, donc ouais, non mais c'est vrai. Non, j'étais beaucoup volé par l'arbitre du jeu. Non, t'as été volé à ta naissance, mais ça c'est un autre problème. Je suis continuellement volé. Hassan. Dis-moi, il y a quoi à gagner? J'en sais rien, tu vas gérer ça avec Seba, pourquoi c'est important? On est là pour se marrer, Hassan. Hein. Je veux gagner les foot. Je sais, non, mais moi, dire, tu vois, d'être fort ou pas, tu vois, si tu me dis qu'il y a un bon truc à gagner, je vais être fort, je vais être performant. Ah non, Hassan, il faut être performant tout court. Non, mais je vous dis, après, les gros cadeaux, c'est dans les canulars, là où il y a vraiment un vrai travail à faire. Vrai, dans les petits jeux comme ça, c'est pour se marrer. Après, je ne sais pas si il a gagné, c'est Seba au standard qui a sa liste. Et après vous gérez avec lui. Hein, donc. Bon, Hassan, tu commences ou Toff commence? Honneur. Je te remercie. Allez, c'est parti, on y va. Toff démarre. Hassan, bouge pas, je te mets de côté. On appelle. Toff qui va donc prouver une fois de plus qu'il est mauvais, puisqu'il en est à 2 défaites d'affilée, je crois. Je crois que c'est 2 défaites d'affilée, oui. Donc la 3ème est là. On peut lui en donner une 3ème. 3ème défaite d'affilée, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, gros? Allô? Oui, c'est moi, gros. Je t'appelle parce qu'il y a ton mari, il m'a dit que je pouvais l'appeler, gros. Et du coup, je voulais savoir s'il était dispo. Pour Bah parce qu'en fait, j'ai un problème gros avec le truck, gros le gros truck, et parce que j'ai la grosse roue que je devais remplacer, et du coup, ton mari gros, il m'a dit je pouvais l'appeler gros. Et du coup, c'est pour ça en fait, je voulais voir si je pouvais lui parler gros 2 minutes gros. Là, tu appelles à quel endroit là, toi? Bah chez toi gros, où veux-tu que j'appelle d'autres puisque je viens de faire ton numéro gros. Donc, non, je comprends pas gros. Tu n'as pas le bon numéro. Bah si gros, ton mari m'a dit je pouvais l'appeler gros. Non, il n'y a pas de numéro. T'as pas le bon numéro. Mais si, gros, j'ai le bon numéro. Mais tu veux pas me passer ton mari 2 secondes, gros? Que je vois avec lui pour mon gros camion que je vois pour la grosse roue. Non, on n'a pas de camion, puis on n'a pas. Non, c'est moi qui ai un gros camion. Et en fait, il m'a dit je peux l'appeler parce qu'il pouvait me donner un coup de main pour changer. Mais là, tu fais une erreur. Mais non, gros, j'ai pas fait d'erreur, gros. Dis pas ça, gros. Ça se fait pas, gros. Non, raccroche pas, gros. Oh putain, quel talent! Une minute, allez, non, hop là! Je tiens à dire le talent de la Canadienne qui a raccroché à la 59e seconde. Elle savait qu'elle pouvait pas faire plus d'une minute. Voilà, ça y est, j'ai même pas dû raccrocher moi-même. C'est pas mal. Bon, pas mal. Bon, ça nous en fait combien alors? Eh ben, 24. 24. Mais entendu, tout ce qui est grosse, je les ai enlevés. Ah oui, c'est gros, la règle est la même c'est pour tout le monde. Malin, c'est moi qui décide. Bon, alors, attends, t'as rien à leur dire, c'est bon, on est d'accord. Hein. Oui, c'est bon, là, on n'était pas volé, Si, ça va venir. D'où ça va t'es volé, t'es de c'est venir de quoi ça va venir. Gros, n'oublie pas t'enlever des points. C'est le jeu du gros, pas de la grosse. Hein. Ouais, mais ça va venir. Bon, Hassan, 24 gros à placer. Ouais. Autant dire que c'est quand même un peu compliqué, faut dire les choses. Ça va être chaud. Je vais gagner un beau cadeau parce que là, c'est une performance miraculeuse. Bah, contente-toi de gagner avant de commencer à mendier, Hassan. Sois déjà bon et après, on en reparlera. Bon, allez. Je mendie pas, moi. On y va. Vas-y, sois bon, Hassan. Après, on verra. Ouais. Allez. Ok. un appel au Canada, hein, comme avec Toff. Oui, allô. Bah non. Oui. Attends, c'est une vanne, c'est Toff, c'est pas où c'est ta gueule. Vas-y, c'est bon, ça sonne, on y va. Bien fait. Allô. Oui, allô gros. Oui, c'est moi gros. Oui. C'est pour te dire gros, vraiment je te remercie gros pour ce voyage aux Seychelles gros, avec ce gâteau. Tu m'as fait vraiment un anniversaire gros, magnifique gros. J'ai tout aimé vraiment gros. Merci pour toutes les invitations que tu as offert à ma famille gros. C'est fini, c'est vraiment fini, un gros. Ah oui, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Il a déjà raccroché. Hein. Ah, ça fait. Ah, c'est fini déjà. On peut pas jouer. Ah bah, on peut pas jouer. T'as perdu, Hassan. Dans 5 minutes, c'est de notre faute, dis donc. Hassan, tu veux aller trop vite et tu es honnête. C'est des mecs qui a dit c'est un ouf et il a raccroché, c'est sûr. C'est clair. Il en a fait combien du coup? 10. Oh là. Ce qui est déjà pas mal, je l'ai dit. Hein. Bon, victoire du chien de la casse. Eh ouais. Eh ben voilà. Pour une fois, il gagne. Dis à Toff qui prend mon cadeau, il mange. C'est bon. Très bien. Eh ben c'était un gars de ceinture. Il va se le mettre dans le fion. Avec plaisir. Eh ben voilà, parfait. Ah ouais. Bon, Hassan. Bon. Je t'attends. Eh ben merci d'avoir joué avec toi. En tout cas, à bientôt à Bordeaux, Hassan. Merci les gars. Bon, tu rappelles quand tu veux, à bientôt Hassan. On va récupérer Xavier, Christelle dans un instant, Abdel, Elton. Si vous avez envie de jouer avec nous aussi au jeu du gros ou un autre, 01 40 71 5000. Il y a Antolastico qui dit tout à fait Jackie, par rapport à ses règles de tout à l'heure, elle peut faire du sport en passant l'aspirateur par exemple. Oh, ah, la classe. Bon, ça peut être classe en soi dit hein. Tu sens une petite tenue sexy, ça peut être cool. Ouais. Ça, elle peut mettre sa tenue de soubrette. Mais oui, mais voilà. Évidemment. Allez, 2h31, on se fait les appels mal intentionnés juste après le son de Charlie Puth et Selena Gomez qu'on écoute maintenant sur Energy. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? sur Énergie, 20h minuit le dimanche et de minuit à 4h, c'est du lundi au jeudi en direct. Mickaël, le roi de la route. Confortablement installé dans sa Mustang Shelby noire. Tuff est là dans son autolib recouverte de caca de pigeon. Polo débarque dans son métro qui sent la pisse. Et Amina survole la ville sur son tapis volant. Il débarque toutes les nuits dans ta radio. Peu importe le moyen, l'important c'est d'aller au bon endroit. Mickaël sur Énergie, de minuit à 4h. Bon allez, on va se faire les appels mal intentionnés maintenant avec les Vietnamiens qui n'avaient pas de capote. Du coup, ils ont été mettre un sac plastique. Un résultat des courses, bah forcément brûlure, infection et saignement. Et depuis tout à l'heure, bah, Toff t'appelle des gens pour voir s'ils ont déjà mis autre chose que des capotes pendant qu'ils couchent ensemble. C'est ça. Et évidemment, il ne faut pas le faire, bien sûr. Hein, mais non, c'est que mal. Des capotes, forcément. Bah, on a vu le résultat avec les Vietnamiens. Bah c'est ça. Donc du coup, tu les appelles grâce au numéro que vous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Toff. C'est toph@energie.com. Prêt? Oui, on rappelle ma copine d'hier. Ah oui, juste. Putain, je l'avais oublié celle-là. Tiens. Allez, c'est parti. Allô? Oui, bonsoir madame. Ah non, pas toi. Bah si, on avait dit qu'on se rappelait. Il ferme ta gueule. Bah d'accord, mais parce que je voulais vous demander si vous aviez déjà utilisé autre chose qu'un préservatif pour vous protéger. Quoi? Est-ce que vous avez déjà utilisé autre chose qu'un préservatif pour vous protéger? Tu es malade toi? Mais pas du tout, pourquoi vous dites ça? Ferme ta gueule. Bah non, moi je voudrais une réponse madame. Non, parce que déjà qu'hier vous avez répondu qu'à moitié. Tu te fous de ma gueule en plus. Mais pas du tout, j'oserais pas madame. Moi je vous pose une question, vous y répondez, on n'en parle plus. On se fait des poutous, on souhaite une bonne nuit et puis voilà. Pas de soucis, je vais me laisser 4 dans la vie. Ça fait beaucoup de soucis. Ah bah non, ça fait mal ça madame, c'est pas gentil. Attendez, moi je suis paix et amour. Ferme ta gueule. Mais paix et amour, mais ferme ta gueule quand même. Bon, on rappelle. Ah oui, ça se dit pas. Attends, je te rappelle. Bah c'est pas possible, vous avez pas mon numéro. Bah oui. Allez, répondez à ma question. Oh, qu'est-ce qu'il est chiant. Genre, elle va te rappeler. Bah oui, genre, elle a le numéro. Bah surtout que tu l'as pas donné. Bon, on rappelle encore. Bah oui. Allô? Oui. Bah non, je vous rappelle parce qu'on a encore été coupé. Mais vas-y, ni ta grand-mère, ni ton grand-père, ni ta mère, ni ton père. Oh non. Non. Ni ta frère, tes soeurs. J'ai pas de frère. Pas ta soeur? Oui, ça j'ai. Pardon? Non, je dis oui, ça j'ai une sœur. Mais je m'envoie des coups, c'est ta vie, c'est la mienne. Ah oui, je d'accord. Je te connais pas, tu sais ce qui est sorti. Bah, non, je vous casse pas les couilles, madame. En fait, je vous posais une question, mais vous y répondez pas. Donc, du coup, moi, je suis obligé de vous rappeler pour avoir une réponse. Bah, c'est quoi? Non. Tu veux me rendre un service ou pas? Bien sûr, avec plaisir. Ah, merci. Donc, tu vas couper, tu vas effacer mon numéro et arrête de me casser les couilles. Ah bah non, parce que alors faut que vous répondiez à la question, sinon moi je peux pas faire ça. Ah bah je tiens donc, parce dans 10 minutes je vais te monter en l'air. D'accord. Donc t'as le choix. Bah non, moi le choix c'est que je veux avoir une réponse, sinon je vais être obligé de vous rappeler. Ça se passe comment? Bah ça se passe bien en fait. Vous répondez à la question et puis on n'en parle plus. Je vais te monter en l'air ou on attend un peu? Bah non, allez-y, montez-moi en l'air, comme ça on gagne du temps. Et puis vous répondez à la question. Mais ferme ta gueule, tu vas prendre un coup de poing dans la gueule, tu vas faire de ton disant. Bah si vous voulez, mais moi je veux juste que vous répondiez à la question. Mais ferme ta gueule, demande à l'autre débile mental là. Quel débile mental madame? Bah je sais pas, ou le PD là. Mais quel PD madame? Et ça se dit pas PD, je vous l'ai déjà dit, c'est homophobe. Homophobe. Phobe, homophobe. Mais PD c'est homophobe. Oui, PD c'est homophobe, pas homophobe, parce que homophobe ça veut rien dire. Homophobe. En fait, ça vient de homo, donc qui est une racine grecque pour parler de l'homme, et phobe, en fait, hein, donc c'est la peur, hein, voilà. Elle dit que c'est la peur. Elle est fracassée, lui. Qui a la peur? Non, mais j'essaie de vous apprendre un peu de mots. Hier, je vous ai appris à conjuguer les verbes. Aujourd'hui, je vous apprends la signification des mots. N'importe quoi, mais t'as craqué, toi. Bah non, j'ai pas craqué, mais bon, j'ai vu que vous aviez du mal avec le français, alors j'essaie de vous aider un peu. Mais ferme ta gueule, c'est le français, gros. Qu'est-ce que tu parles? Bah moi, je parle bien, mais vous avez du mal. Mais ferme ta gueule, je suis française 100%. Oui, mais vous êtes française du Nord, donc... Comment? Non, je dis vous êtes française du Nord. Française du Nord? Oui. Ah oui, le chien est d'accord avec moi. Mais ferme ta gueule, t'as juste monté. Attends, n'est pas grande. Oh non, dites pas ça, madame, c'est pas gentil. Ça a l'air un peu brouillon dans la famille, on sait pas très bien qui parle. Oui. Le chien a pris une grande place dans la discussion, a priori en tout cas. Ouais. Bah, c'est lui qui avait l'air de mieux, bah de, ouais. de mieux parler. Bon, on rappelle encore une fois. Hein. Bah oui. Sans trop de garantie, peut-être que le chien va décrocher, tu me diras. Oui, allô? Mais quoi encore? T'as fait des... Affiche ton numéro, on va rigoler un peu, toi et moi. Bah, je veux bien vous le donner, mon numéro, c'est parce que c'est bloqué. Comment ça, c'est bloqué? Ta connerie, il est bloqué aussi? Non, c'est parce que maman, elle a fait des fausses manips dans la box et du coup, après, ça affiche plus le numéro. Pourquoi tu vis avec ta mère? Bah oui. Ah bon? Bah oui. Pourquoi je peux pas vivre avec maman? Avec maman? Bah oui. Tu me fais rire, ce mec. C'est avec maman. Bah oui, je vis avec maman. Et tu fais quoi avec elle? Tu fais l'amour avec elle? Bah non, pas du tout. Enfin, pourquoi vous voulez que je fasse ça? C'est sale. Bah alors... Ah, parce que... Quand je te dis c'est sale, mais quand toi tu me poses une question, c'est pas sale peut-être. Bah non, pas du tout. Moi je vous pose une question sympa, donc du coup vous pourriez y répondre. Je vais te répondre, mais la main dans la gueule, c'est pas être aussi sympa. Bah oui, mais ça n'a aucun rapport avec la question que je vous pose. Mais ferme ta gueule, je vais pas te répondre, mec. Bah pourquoi? Bah moi je suis sur Terre, madame. Attendez, pourquoi vous voulez pas répondre à ma question? Mais c'est grave, toi, non? Bah non. Non, je sais. Mais non, pas du tout, madame. Moi, des PD comme ça, je me monte en l'air direct, quoi. Non, je vous ai déjà dit, madame, PD, c'est homophobe, ça se dit pas. Homophobe. Phobe, homophobe. Homophobe, je dis que tu veux, d'accord? Oui, oui, bah oui, oui, oui, bah oui, de toute façon... Et toi, t'es mon chien, toi, d'accord? Ah oui, d'accord, ok. Bon, allez, mais ça répond toujours pas à ma question. Mais ferme ta gueule, de toute façon, je te dirai même pas la question de merde, là. Mais c'est pas une question de merde, madame, enfin, arrêtez de dire ça. Déjà, tu vas effacer mon numéro plus vite que prévu, là, et tu fermes ta gueule et tu vas effacer, c'est tout. Bah non, moi, si vous répondez pas, moi, je peux pas l'effacer, hein. Du coup, je vais encore être obligé de vous rappeler demain. Hein. Nique ta grand-mère, nique ta mère, tiens. Bah... Voilà, ta mère, elle en manque. Non, dites pas ça, madame, c'est vulgaire, ça se fait pas. J'ai rien à foutre, de toute façon, ta mère va mourir. Oui, comme plein de gens, madame, c'est le monde est fait comme ça. Non, mais dis maman. Dis maman. Bah, pourquoi vous voulez que je dise maman? Enfin, je comprends pas, c'est bizarre. C'est moi? Vous avez des fantasmes chelous, hein? Non, c'est toi, t'es chelou, hein? C'est bah, déjà, non, c'est moi je suis pas chelou. Moi je vous pose une question, vous y répondez, on n'en parle plus. C'est pas la peine de discuter sans 7 ans. Mais ferme ta gueule, je vais pas te répondre. Hey, t'es pas à mes ordres, hein? Je crois pas, moi. Puis encore moins un mec comme ça, hein? Ouais. Et toi, t'es chelou. Ouais, toi, par contre, je vais donc vous apprendre encore un nouveau truc en français. Hein, on ne dit pas tu n'es pas à mes ordres parce que sinon, du coup, ça ne veut rien dire. C'est je ne suis pas à tes ordres si vous voulez dire qu'en fait, vous n'avez pas à me répondre. Je sais, c'est des petites subtilités de la langue française, mais c'est rien, c'est des détails. Et tu sais que je te fous de ta gueule, en fait. C'est ça que tu comprends pas. Ah non, je comprends pas que le fait que vous sachiez pas parler français, ce soit se foutre de ma gueule. Et dis que je sais pas parler français, je dis que je fous de ta gueule. Je fais exprès de dire je mange les mots, en fait. Je fais exprès. Ouais, enfin, manger les mots et accorder les mots, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Enfin bon, après... Hein? Non, je dis manger les mots et accorder les mots, c'est pas tout à fait la même chose. On est dans un quartier, donc les jeunes de... De maintenant, on parle comme ça, en fait. Ah, voilà, c'est ça, d'accord. C'est ça, le français n'est pas arrivé jusque chez vous. Mais ta gueule, tu racontes, toi. Bah, moi, je raconte rien. C'est vous qui essayez de me justifier le fait que vous parliez très mal français, alors du coup... Oui, je sais mieux parler de toi, le français, t'inquiète. Ça me rassure pas. Bah, je suis française. Oui, mais ça fait pas de vous un Bernard Pivot, hein. Ouais. Qui est Bernard Pivot? Bon, ça c'est encore autre chose, mais on va pas rentrer là-dedans, quoi. Allez, ferme ta gueule, et puis moi je vais oublier. Eh ben voilà, elle a raccroché. Bon, on la rappellera plus, elle est chiante, elle. Hein. L'autre, elle raconte sa vie, là, pendant 1000 ans, là. Ah, mais si, c'est j'aime vrai. Bien lui apprendre à parler français. Ouais, ouais, non, mais bon, on préfère que tu te fasses insulter. Merde. Voilà. C'est une merde, c'est une petite merde, voilà. C'est un martyr, c'est un sous-fifre. Voilà, ça c'est la vie, ça. Il y a le hashtag ProfTof qui vient d'apparaître. Ouais, ouais, ouais, ouais, bah on l'enlève. Hein. Donc si vous connaissez les gens un peu plutôt comme ça. Je mets des bifs à ta mère comme ça, je lui tape sur le cul, t'entends? Écoute. Dans le cul. t'entends, bâtard. Voilà. Voilà, là vous envoyez les numéros de téléphone sur le mail de Top, toph@energie.com, on en appellera d'autres dans moins d'une heure. Il y a Abdel qui est avec nous à Reims, qui voulait réagir par rapport à Gwen, là, qui s'est fait larguer, mais malheureusement on l'a plus au téléphone, c'est dommage, mais c'est pas grave. Salut Abdel. Salut. Comment ça va l'équipe? Bon, on va bien, on va plutôt pas mal, Abdel. Bah, très bien, très bien. Je suis super content en plus d'être avec vous, vu que je vous suis depuis le tout début. On peut dire écoute, ça. Bah écoute, c'est encore avec, mieux. L'ancienne époque avec Pokorou, Toph. Hein, oh là là, oui, bah, alors ça date. Hein. C'était en 2005, hein, c'est pour te dire que ça date de vraiment. Oh là là. Bah Toph était jeune à l'époque. Hein. Et oui. Bon, pour les mots, on n'a pas beaucoup changé. Eh non, oui. Non, bah non. Mais il prenait pas autant de coups de pelle qu'aujourd'hui. Donc, oui, t'as remarqué aussi Toph, d'ailleurs. Voilà, bah, écoute, avec plaisir. Tiens, on me l'avait demandé un tout à l'heure sur Facebook, j'ai oublié. Bon, Abdel, tu voulais donner quoi comme avis, toi, par rapport à l'histoire de Gwen qui s'était faite larguer alors, en fait, et qui. Bon, ouais, bah par rapport à Gwen, en fait, bah j'ai justement une amie super proche, en fait, à qui est arrivé, mais vraiment la même chose. Ouais. Elle était, était pareil, un petit peu accro, harceleuse. Et donc, dans la même situation, bah, elle s'est faite un petit peu manipuler par une pote à elle qui, elle, par contre, voulait vraiment se choper le mec. Et bah c'est tout simple, en fait, hein, tout con. Bah, comme elle est venue vous demander conseil, directement aller parler avec le gars en question sans prendre de détour, enfin je sais pas. Mais c'est ce que je lui dis tout à l'heure, on va lui parler directement, soit le mec tu lui expliques et c'est bon, voilà, il fait marche arrière, soit c'est un mongol et puis bah il a pas envie et puis voilà l'affaire. Bah, c'est ça en fait, justement le problème c'est que bon, comme on peut le voir malheureusement très souvent quand il y en a qui vous appellent, bah la discussion, enfin la communication n'est pas leur point fort, malheureusement. Ah, ça c'est clair. Et donc je reprendrai ce qu'avait dit il y a 2-3 semaines, je ne sais plus, Amina qui avait dit bah communiquer si c'est pas plus important que le reste. C'est Amina qui a dit ça. Ça m'étonne Dieu. Peut-être. Ah oui, oui, c'était une phrase de Seba au standard. Bah oui, largement. J'ai peut-être dit ça, mais. Peut-être, mais non, non, Seba est un peu trop à l'aise pour ouais, ouais, t'as remarqué aussi toi, c'est sûr. Bah écoute, donc, c'est vrai en même temps, bah, j'espère qu'elle écoute et qu'elle a noté ton conseil. Abdel, bouge pas deux secondes, il y a Elton aussi qui est avec nous à Paris, 18 ans. Salut Elton. Salut, salut. Salut, salut, ça va bien? Ça va et toi? Bah oui, très bien. Bon alors Elton, toi aussi t'avais ton avis à donner là-dessus? Ouais, j'en avais un peu parce que j'ai un peu vécu, comment expliquer ça? La même chose? Une grosse rupture, ouais. Ouais. J'ai eu, bah, il y a un peu longtemps, après je sais pas quel âge elle a, Gwen, mais elle est encore jeune, donc... Elle avait 19 ans? Ah bah ça va, c'est pas... Bah c'est oui, pas mais bien sûr que ça va. Elle a le temps, quoi. Bah clairement. Après, moi, je trouve que y a toujours le temps pour trouver une autre personne, quoi. Même si c'est la première fois, c'est sûr que c'est de toute façon, elle s'en rappellera toute sa vie de lui, mais ça veut dire que ce sera son homme toute sa vie, quoi. Mais après, moi, j'ai vécu aussi la même chose. Moi, je me suis fait tromper par une de mes ex et tout, et j'ai vécu super mal. Mais après, au bout d'un an, c'est bon, je l'ai oublié, j'en ai trouvé une autre, quoi. Et maintenant, ça se passe beaucoup mieux avec celle-là que l'autre. Et si le mec, parce que, je sais pas, elle avait pas expliqué un truc à Gwen en mode... un coup fourré avec une autre fille, là. Si, c'est sa pote qui l'a mis à l'envers. Ah oui, c'est la pote qui lui avait fait à l'envers. Ouais, voilà, merde. C'est ça, ouais. Bah, enfin, pour moi, ce que j'ai compris, c'est en mode le mec, il voulait la quitter, mais il savait pas comment faire, quoi. Donc, moi, je pense plutôt que c'est ça, que c'est un coup fourré de la copine, quoi. C'est bien coup, possible. Quoi. C'est vrai qu'il faut peut-être enquêter de ce côté-là, peut-être, ouais. Ouais, voilà, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que j'ai. Enfin, j'ai réfléchi à ça parce que je me suis dit, ouais, je suis une fille qui passe tout d'un coup devant la porte de son mec en l'appelant en disant ouais il y a une fille et tout, c'est un peu chelou quoi, je trouve quoi. Donc moi je pensais plutôt que c'était genre en mode il voulait la quitter mais il savait pas comment faire. Ouais, il a plutôt utilisé cette excuse là en disant oula la bonne affaire, hop là on s'en débarrasse, ouais, ça fait réplier. Ouais, je pense que c'est plutôt ça, tu vois. T'as peut-être raison. Ouais, bah écoute, en tout cas, tout ce que j'espère, c'est qu'elle écoute et que du coup, ouais, elle a pris les conseils, même si on donnait pas mal ce soir. Bah merci c'est en tout cas, Abdel. Avec lui, hein. Ouais, aussi. Bah, je voulais aussi revenir sur une dernière chose, comme vous parliez des premiers couples. Hein, ouais. Pour dire si ça terminait bien ou pas. Moi, malheureusement, ça s'est mal terminé. D'accord. Vu que c'était pareil avec la, bah, c'était la première, hein, pour moi aussi. Bon, bah, pour rejoindre ce que la fille disait. La différence, c'est que moi, elle est décédée et ça aurait pu super bien marcher si elle était pas morte. Oui, bah, forcément, là, en même temps, pour le coup, c'est pas, voilà. Oui, mais bon, là, c'est pas comme s'il t'avait plaqué, là, pour le coup. Il y a eu un accident ou malade. Bah, c'était surtout par rapport au fait que, voilà, je sais plus si c'était Polo qui disait que ça durait pas super longtemps. Ouais, c'est possible. Polo, je ne sais plus. Voilà, bah moi j'ai commencé à sortir avec elle à l'âge de 14 ans, j'ai 26 aujourd'hui, elle m'a quitté cette année. D'accord. Ah bah écoute, bah désolé pour toi. Ça peut durer quand même. Ah bah j'ai mieux. Enfin,

En plus, il nous bouge les chiottes, cet enculé, avec ses chaussures en caviar, il se prend pour une star. Mais rends le chaton. Chien de la caisse. 0 1 40 71 5000, vous êtes dans le polo chaud sur Énergie. Michel à l'arrière. Ouais, je suis là, ouais. Le plus mauvais réa que la Terre ait jamais porté est ici. C'est pas vrai, moi je fais rire tout le monde. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est parce que t'es un clown, pauvre con. Ouais. Christophe et le tocard sont au standard, n'hésitez pas à rappeler plusieurs fois parce qu'il a un peu du mal avec. Il a du mal avec son téléphone. Hein. Il sait pas s'en servir. Elton, on t'écoute. Dégage, Antoine, on y va. Est-ce qu'il y a même un Jean en Bretagne? Je sais pas. Un touriste. Super, Jazz, on y va. Allô, Polo, ouais, quoi, je veux juste faire une dédicace à... Vas-y, mène-toi. Voilà. À qui? Ah bah, mon copain Florent, que j'aime beaucoup. Parfait, Anthony, on y va, 0 1 40 71 5000. Ouais, Polo, c'est à propos du jeu, là, sur Facebook. Ouais. C'est Xbox One à gagner, mais comme je l'ai déjà, si je gagne le jeu, c'est possible de l'échanger contre la mère de Michel. Et tu veux pas... Bah... On va essayer, Anthony, je te promets rien, mais on peut faire ça. Le Marseillais. Ouais, Marseille crée des gueules, pas mal. Super, Gwenaël, on y va, 0 1 40 71 5000. De quoi? Vas-y, mène-toi, là. Dégage, Benjamin, on y va. Ouais, Polo. Remplis ouais, mon standard, tocard. Ouais. Quoi? Ça va, Polo? Dégage, Sébastien, on y va, 0 1 40 71 5000. Ouais, c'est un mot pour Claude là qui vient d'arriver, on repart au DNA, je m'en parle là, et Jean-François aussi à Chronopost là, il aime bien qu'on parle de lui là. Voilà, c'est fait, dégage, Quentin, on y va. Ouais, est-ce que tu sais pourquoi Mario il attend dans les toilettes? Qui ça? Mario. Non. Pas parce que Yoshi. Super, personne comprend, enfin à part les gens qui sont un peu spécialisés dans Mario Kart. Hein. Bah, y a pas que Mario Kart. Ah là, bon? Il y a où alors? Bah, il y a Mario tout court. D'accord, super. Antoine, on y va. Fais-moi pourquoi rêver. Pourquoi les femmes finissent-elles toutes ménopausées? Je sais pas. Pour garder du sang pour les varices. Qu'est-ce qu'il dit? Pour garder du sang, ben, le sang, tu l'as où? Dans les oreilles ou dans les oreilles? Laurent? Oui. Pourquoi t'interviens comme ça sans mon autorisation? Parce que je t'ai parlé. Bah, dégage. La bouliche! Ouais, Polo! Qu'est-ce que tu veux? Petite pensée là pour mon petit collègue Momo là qui doit être en train de rouler là et pour dire que bah moi je suis devant la maison là, je vais pas tarder à aller pioncer là, tu vois. Super, bonne nuit, dégage. Anne, on y va, 0 1 40 71 5000. Ouais, je vais poser un petit coup de gueule contre tous les pervers qui montent leur bouche sans faire les scopes, c'est un peu dégueulasse. C'est un peu crade de te branler sur Periscope, quoi. Les mecs, ouais. Arrêtez, putain, merde. Mais tu sais très bien, quand tu fais quand t'as des nouveaux, enfin, t'as des trucs comme ça, t'as les gens qui l'utilisent pour se marrer et d'autres qui l'utilisent pour faire ça. C'est logique, c'est l'humain. Voilà, c'est mais, quand tu vois une grosse paire de couilles en gros plan, c'est un peu dégueu, quoi. Eh oui, Anne, c'est humain, c'est tout. Bah, je voulais passer une petite dédicace à mes collègues de Legal. On grave, on en a marre. On est au bout du rouleau, quoi. On est au VDR. Ok, tu reviens quand tu veux. Momo, on y va. Ouais, papa. On comprend rien. Ludo, 0 1 40 71 5000, on y va. Ouais, merci Polo déjà de nous accueillir toute la nuit. Je t'accueille pas. Non, bah oui, c'est moi, oui, enfin merde. Et qu'est-ce qui passe pas dans un mixeur chez un handicap? Merde, dans un légume. Ouais, dégage, pas de vanne sur les handicapés. Il y a que Antoine qui a le droit, parce que c'en est à lui aussi. Sofiane, on y va. Ouais, Polo, je t'encule. Avec plaisir, c'est quand tu veux, Benjamin. Ouais, c'est quoi, tu connais la différence? C'est quoi un barbecue qui fait enculer? Eh, hey, Benjamin. Oui. Enfin, c'est pas drôle, tu te mélanges les. Enfin, on sait pas trop. Polo, je dis ce que je veux, tu fermes ta gueule. Non, regarde, c'est toi, tu fermes ta gueule, dégage. Filou le bâcher, on y va. Ouais, Polo, c'est pour passer un gros coup de gueule par rapport à Fanny là. En fait, je pense qu'elle est accrochée au portefeuille de l'ingénieur. Hein. Elle s'appelle pas Fanny, elle s'appelle Géraldine. Géraldine, hein. Tu vois, dégage, va réviser avant de venir ici. Antoine. Quelle est la différence entre la levrette niçoise et la lançoise? On sait pas. La levrette niçoise, c'est la classique. La levrette lançoise, c'est où tu as une sœur. Une autre, Antoine. C'était pas terrible, celle-là. J'ai pas aimé. Qu'est-ce qui est tout noir, à cornier, tout en haut dans l'escalier? Je sais pas. Un tétraplégique dans une maison en feu. T'es con, Antoine. Momo, on y va. 0 1 40 71 5000. Momo, mets ta radio plus fort. On t'entend pas, là. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, c'est pas possible. Le mec entend pas qu'il y a de la... Enfin, je sais pas. Karim. Oui, salut, ça va? Ouais. Ouais, putain, je suis malade, ça fait chier. Tu es quoi? Je suis malade, ça fait chier. Et je suis pas... Karim, tu penses que t'as appelé SOS médecin, là? Ouais, puis t'as appelé, quoi. Non, mais moi, tu penses que je suis médecin? Oui. Bah non. Bon, je comprends rien. Antoine. Oui. Vas-y. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est dur avec le bout rouge et qui sent la pisse? Je sais pas. Une bande kilométrique. Ah, c'est pas mal ça. Jingle, Michel le tocard. Hein? Jingle. Putain, mais qu'est-ce qu'il est bête. T'as pas autre chose? Alors attends. Oh là là, Colonel Bison. Colonel Bison. Ouais, tu m'entends ou quoi? Ouais, je t'entends, ouais. Comment on appelle un portugais qui se branle? Je sais pas. Manuel. Ouais, d'accord, c'est tout. Et un portugais qui se branle debout. Vas-y. Manuel Sanchez. Manuel Sanchez. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, c'est tout. Ouais, c'est tout. Au bon, moins, tu rigoles tout ça, c'est pas mal. Il a eu Eric. Ouais, Polo. Quoi? T'es un enfoiré, Polo. Je sais, dégage. Barre, conclusion, on se barre. Ouais, Polo, vas-y, ferme ta gueule. Tiens. Avec plaisir, j'y vais. Antoine. Quelle est la cause de la mort d'Hitler? Je veux pas de ça, Antoine, pas de ça entre nous. On a chante au lieu de dire de la merde, allez. Non, je chante pas, moi. Pourquoi? Je chante pas. Allez. Toi. Toi, l'enculé. Yamina qui va chanter. T'es un enculé. Vas-y, Antoine. Lire. Allez. Ta journée. Antoine. Tu veux pas savoir la réponse à ma blague? Non. C'était ça. Sûr et certain, Antoine. D'accord. Chante, Antoine. Non, je chante pas, moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, au moins, vas-y, nanana, fais peux ça. Je peux tout faire. Hein? Je peux tout faire. Toi, l'enculé. Allez, Antoine. Allez. Un cahier de merde, toi, l'enculé. Ça te fait enculer. C'est pas grand monde, c'est ça. Oui, les deux, on est des enculés. C'est vrai, l'enculé. Pousse ma bite. Et bah voilà. Retour du Polo Show demain. On y va, ouais. Très bien. Demain, on ouais. Eh ben évidemment, j'imagine, ouais. Bon, et puis on va se faire le son de 21 Pilots, hein. Si jamais il y a Gnash derrière. Non, je me fous de votre gueule, il n'y aura pas Gnash derrière. Bon, on est là chez 4h du mat, c'est Mickaël sur NRJ. Passez une bonne nuit, tout le monde. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Too much. Help me. I've been thinking too much. I've Allez, bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël. On est toujours sur Énergie jusqu'à 4h du mat, évidemment, avec leur sup, évidemment aussi. On est toujours au cœur de la nuit sans pub. On écoutera le son de Chainsmokers tout à l'heure. Il y aura Ken Jones également. Et on va se faire le chéri, je peux te faire cocu. Du coup, Marine, est-ce que t'es toujours là ? C'est toujours là. Bon, bah très bien. Allez, c'est parti. Chéri, je peux te faire cocu. Bah ouais. Chéri, je peux te faire cocu. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, on va appeler Carole, qui est ta copine. Donc, on va faire un chéri, je peux te faire cocu pour femmes qui aiment les femmes. Mm-hmm. Ça fait un an que vous êtes ensemble. Elle est infirmière, toi, t'es commerciale. Elle a 32 ans, toi, t'en as 25. Elle est plutôt jalouse. Tant mieux. T'es portugaise à 1m65, les cheveux bruns, mais avec des mèches blondes et les yeux marrons. Est-ce que t'as un tatouage ou un piercing à un endroit un peu intime ? Alors j'ai juste un piercing à la langue. Ouais. Et après j'ai un tatouage au poignet. Et t'as pas un tatouage d'une truelle, une brique comme ça sur le côté ? Franchement, t'as aucun respect, Christophe. Raciste. Bon, ok. Et est-ce que toi t'es déjà sorti avec un mec un jour ou jamais ? Ah si, je suis déjà sorti avec un mec avant Carole, bien sûr. Ah donc toi t'étais hétéro à l'époque ? Exactement. Ah et pourquoi t'as changé ? T'es tombé sur taf ? Exactement, je suis tombé sur Toff et ça m'a tellement dégoûté que. Désolé. Ah, mais attention, Toff est le fournisseur officiel des filles lesbiennes. Hein. De la lesbienne. Ça n'est jamais paf, arrivé. Il transforme la meuf en lesbienne tellement elle est dégoûtée. Ça n'est jamais arrivé. Comment tu sais ? Bah parce que ça n'est jamais arrivé. T'as pas gardé de contact avec toutes les meufs. Ah oui, il met à jour. Ouais, si je mets à jour le fichier. Attends. Il a un dossier. J'ai un dossier, je me renseigne. C'est ça. Ouais. Bon Marine, on y va, on l'appelle. Oui. Donc t'es chez moi à la maison. T'es dans quelle ville vous faites, Marine ? Tournembry. C'est où ? J'habite Tournembry. Là je suis à Paris actuellement, mais j'habite Tournembry. Ah donc. Dans 77. Bah d'accord, ok. Bah très bien. Donc là t'es à Paris. Donc on va dire que je suis à Paris aussi. Donc t'as rencontré un client puisque t'es commercial, tu vends des boissons, Orangina, tout ça. T'as rencontré un client et bah du coup moi j'ai proposé de coucher avec toi un soir et tu t'es dit oh bah tiens pourquoi pas réessayer une vraie bite et puis voilà quoi. Ouais c'est ça. Tant qu'à faire. Exactement. Bon bah très bien. Xbox One a gagné. Attention, elle est pas trop émotive. Elle va pas se mettre à chialer hein. Non, elle va surtout s'énerver, je pense. Quand elle s'énerve, elle a les petites larmes qui montent dans les yeux, mais sinon, ça va. Ouais, enfin, ça se voit pas, quoi. Je veux dire, j'ai pas envie. Le but, c'est qu'on se marre, hein, pas que tout le monde soit triste, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bon, de toute façon, si elle pleure, c'est perdu. Comme et Toff est sensible aussi, il va pleurer. Bon. Oui, eh ben, écoute, très sensible. On y va, on appelle Carole maintenant. Je te souhaite bonne chance. On est chez moi à la maison, hein, d'accord ? Ça va. Allez, si c'est bas au standard, dit l'espagnol, dit le parasite, dit. Arrête de tout fracasser. Ouais. Vous pouvez éviter de tout péter, ce serait cool. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, mon cœur, ça va ? C'est quoi ce numéro ? Ah, je suis désolée, je voulais changer le numéro masqué. Je suis désolée. Ah, j'ai un client. Donc, comment tu vas ? Je rentre, là. Ouais, je vais pas tarder à rentrer. Bah, je suis tranquille, là. Je t'attends pour manger, pour savoir si tu manges à la maison ou pas, parce que je suis préparée à manger. Ah oui, merde, je vais te prévenir. Non, je mange pas à la maison. Non, mais t'es sérieuse, là ? Bah oui, je suis désolée, mon cœur, j'ai carrément zappé. Ouais, bah c'est un peu trop, tu sais, quand même. Putain, ça fait chier. Oui, je sais, mais là, j'arrive, t'inquiète, je te ramènerai des roses et t'inquiète pas, y'a pas de problème. Ouais, ouais, c'est bon, je m'en fous un peu, ouais, ça va. Oula, ça a été rablé. Ouais, ça va, je suis désolée, ouais, putain, à chaque fois que je te prépare à manger, à chaque fois que tu rentres pas, quoi, ça commence à être casse-couille cette histoire. Je suis désolée, j'étais avec un client, c'était un peu important. Ok, on a toujours des clients importants, ça. T'as bientôt fini au téléphone ? Comment ? Ouais. T'as bientôt fini au téléphone ? Non, j'ai pas encore bientôt fini, je suis en train de parler avec elle là. Ah bon, bah dépêche-toi alors. Tu bois un petit verre ou pas ? Ouais, mais moi un petit verre de vin s'il te plaît. Ah bah verre de vin. Mais sérieux, vas-y, bien sûr, allez. Bah, j'avais le verre de champagne, mais verre de vin c'est bien aussi, hein, pas de problème. Bah ouais, un petit blanc, ça fait plaisir. Oui, pas de problème. C'est mon client. Tu vas chez les gens comme ça, normal, tu bois du vin. Tu prends la voiture ? Non, mais non. Oui, mais c'est comment ? On a du verre. Ah, j'ai des verres de verre, donc vas-y. Tu me connais, tu sais très bien comment je suis. Bah c'est ça le problème, je sais très bien comment tu es. Mais bon, en fait j'ai quelque chose à te demander. Voilà, tu vois, je suis avec ce client-là. Ouais, parce qu'il serait ce serait bien de lui demander directement, hein, qu'on n'y perde pas, on perd pas toute la soirée. J'attaque. En fait, ce client-là, bah, en fait, il me propose de coucher avec lui. Vu que ça fait longtemps, je me suis dit pourquoi pas réessayer. Mais je te demande ton autorisation avant, t'as vu ? C'est quelqu'un de gentil quand même. Non, la bonne blague, vas-y. Tu rentres là, vas-y, tu prends tes affaires et tu rentres tout de suite là. C'est quoi ton délire là ? T'as pris la drogue ou quoi ? Mais non, mais c'est toi qui l'as fait. Voilà, toi, faut que t'ailles te faire soigner, ma cocotte. Non, mais je crois. Bon, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle est d'accord ou pas là ? Non, elle est pas très chouette. Bon, c'est pas comme si tu as trompé avec une meuf. T'es où là à Paris? Exactement. T'es où à Paris? C'est pas grave, sinon dis-lui directement que c'est juste un soir. En même temps, je t'avais dit de pas la prévenir, elle aurait rien su. Mais lui, je vais lui faire du sale, qui ferme sa grosse gueule, je vais lui faire du sale. Dis-lui, c'est mort. Tu rentres tes affaires, tu rentres à la maison tout de suite. Bon, sinon, passe-la-moi, je vais lui parler. Vas-y, passe-moi tout le monde. Vas-y, fais-toi tourner aussi pendant qu'on y est. Allô? Oui. Bon, c'est Michel. Enchanté. Oui, bah enchanté de même hein, également. Bon, alors je comprends pas quel est le problème en fait, parce que là on te prévient donc c'est plutôt sympathique quoi. Non, vas-y. Bah si, on te prévient. Mais là. Mais je m'en bats les couilles, tu me préviens, normal, toi. De genre, t'as une meuf, tu la prêtes aussi, toi? Ouais, mais là, c'est pas pareil. Là, elle va pas voir une autre meuf. Ah, c'est pas pareil, mais voilà autre chose maintenant. Bah, Non, mais alors là, vas-y. Mais non, mais elle va pas voir une autre meuf, là, elle est juste en. Mais je m'en bats les couilles, que ça soit une meuf, un mec, un âne, un cheval, je m'en bats les couilles. Non, mais c'est pas un âne, alors là. Elle rentre ce soir à la maison, et c'est bon, elle fait rien avec qui que ce soit. Non, mais ça va, mais tu vas pas faire ta chiante, là, comme ça, pour un soir. Si, je vais faire quelque chose. Tu vas faire quoi? Je vais péter un câble, je vais venir, je vais régler le problème. Bah écoute, bah alors viens si tu veux, mais quoi, on peut faire un truc à trois alors? Allez, tu me donnes. Bah rien du tout, je pète les dents et je pète les dents à ma main. Mais tu vas rien faire du tout, mais t'es sérieuse ou quoi? Reste calme. C'est pas parce que t'es une meuf ou un mec, on se sait pas très bien, que je vais me laisser faire. Tu sais pas à qui tu parles, tu sais pas à qui tu parles. Mais moi, tu sais pas à qui tu parles toi non plus, t'en restes pas. Bah si, alors je parle d'une certaine Carole. T'es un gros naze, t'es un mec qui sert à rien dans ta vie. Moi, j'ai une bite, je suis pas obligé de prendre une bite en plastique. Mais moi, je fais jouer ma meuf mieux que toi, tu pourrais faire jouer une meuf, s'il te plaît, arrête un peu. Tu connais même pas le corps d'une meuf, alors arrête un peu. Mais qu'est-ce que t'en sais? Je le connais peut-être mieux que toi. Mais vas-y, tous les mecs, vous êtes des goujats, vous savez pas vous servir votre corps. Arrête ton cinéma là. Ouais, c'est tellement sac que t'es obligé de prendre une bite en plastique. Vous êtes des cas. Moi, je me prends pas de bite de cover en plastique, j'irai loin de là, même. Ouais, je m'en bats les couilles de ta bite en plastique. Mets dans le cul si tu veux, mon gars. Ouais, c'est ça, ouais. C'est toi qui. Bah, t'aimerais bien, c'est bien, c'est ça. T'aimerais. Je m'en bats les couilles de ta vie. Justement, je vais essayer ce soir, tiens. Je vais essayer avec Marine pour voir si elle préfère les bites en plastique ou les vrais. C'est mort. Je te promets, c'est vrai. Je prends ton numéro de téléphone. Je prends, je sais pas où t'habites, je sais pas ce que tu fais. Sinon, je viens, je brûle toute ta maison et toute ta famille avec. Bah, arrête, tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça. Bien sûr que si, mais t'es du style, t'es du style à gueuler comme ça là, et au final, t'es, je suis sûr, t'as un petit agneau. Non, non, je suis pas du style à gueuler. Non, demande à ma meuf, tu vois, si je suis du style à gueuler. Ouais. Vachement, vas-y. Demande-lui tous les problèmes que j'ai, vas-y. Maintenant, tu me la repasses. Bon, tu veux l'adresse ou pas? Tu viens ou pas? Parce que tu peux venir, non, t'es où là? D'abord, je vais te donner l'adresse, Oh, qu'est-ce qu'elle est cruche alors? Putain, elle est vraiment con, on voit qu'elle broute du minou, hein. Oh là là. Mais lui, je vais lui faire du mal. Putain, Marine, vas-y, reprends le téléphone tout de suite là. Bon, Marine, reprends le téléphone tout de suite. Je sais pas ce que tu fous avec elle.